toi. Trouve demain ma main. Tu fourches, forme encore. Vous imaginez, c'est que le début de la soirée. Hein. Imaginez à minuit dans quel état ça va. Ne chambrez pas trop Difool parce que c'est le premier sur le rap. Vous tous, il vous prend, il fait un 16, il vous tue. Mais je ne le ferai pas parce que je vous aime bien. Bien sûr. D'ailleurs, Fred, là, je t'ai pas dit la dernière fois. À la nocturne, j'ai casse-dé d'un poteau à moi, tu vois, qui m'est très cher, Cactus, qui était en prison. Voilà, te le. Ah, Cactus. On l'a ramené. Il est sorti, Cactus. Il est sorti du Cactus. Eh ben, salut Cactus. Une grosse dédicace à Cactus. Et on fait une grosse dédicace aussi à toute la zone B, DKR, Eladj, Ablay, toute la mif. On pense à vous, on va revenir. Demain. Une dernière casse-dé de la mif, une dernière aussi Paris 18ème à Barbès, où j'ai longtemps habité. Scuscu les gens, je vous oublie pas. Scuscu les gens. À Crime, tu connais. Eh ben merci à vous en tout cas. Zorti qui était pas là, qui fait partie. Il fait partie de Panama Bendé, il était pas là depuis le début de semaine et là il se rattrape. Exactement, on se rattrape. Bon bah demain dernière séance rattrapage puisque c'est Planète Rap demain soir, 20h, 21h, Panama Bendé. Merci à vous les gars. Merci à vous. Et puis on se retrouve très vite demain soir déjà. Très chaud. Et nous encore plus vite parce qu'on arrive dans 2 minutes là. 2 minutes avec PNL qu'on va écouter. Bonne idée. Bah oui, on démarre fort. PNL, vous tous en direct, on vous attend. Le double appel qui arrive aussi, le problème du mois du jeudi soir. Ouais. 01 53 40 30 20, bah vous qui débarquez, vous nous appelez, vous tombez sur la Marie, sur Samy, sur Karim, profitez, on et puis là. Le 41 759 et l'appli Skyrock, vous nous faites péter tout ça, on arrive tout de suite, le temps d'écouter PNL dans 2 minutes. Salut Fredo, ils ont tous gagné 1 500 € en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. La seule radio qui t'offre 1 500 € toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Non. Oh purée. Rendez-vous demain matin de 6h à 9h dans le morning de Difool sur Skyrock. Tu refais là. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand 2 agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud. Mais il était calé ton fusée? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. The Morning Show. Envoie 1 500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1 500 € toutes les demi-heures dans le morning de Difool. Julien Télouk. C'est un truc de fou. J'adore. Marcus. Tout le monde connaît son côté chafouille. Et tous les experts de la Team Game One vous présentent le talk show le plus fou sur l'actu du jeu vidéo. À mon avis, ça va être du lourd, ça. Team Game One, c'est tous les mercredis en direct sur Game One. Disponible chez tous les opérateurs et en ce moment en clair sur la TV d'Orange. Game One. Concert. Skyrock. Nouvelle tournée, événement Skyrock. Je pas de glaçons dans mon Maître Gims choisit encore Skyrock pour ses concerts en France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. Lille, Lyon, Clermont-Ferrand, Dijon, Amnéville, Nantes, Marseille, Paris. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Toutes les infos sur les réseaux sociaux de Skyrock. Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Skyrock. Premier sur Maître Gims. Et c'est parti pour la radio libre en direct sur Skyrock avec PNL. Pour démarrer la soirée, c'est bon ça. Un petit PNL, QLF sur Skyrock. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio Libre, direct, 21h minuit sur Skyrock. Et on salue déjà tous ceux qui sont là. Mais oui, Sofiane du 62, 14 ans qui vient d'arriver. Jette un coup d'œil à tes messages, Difool. Je fais que ça depuis tout à l'heure. Salut à Cortez, salut à Conary, bonjour Conary. Mathis est là aussi. Lina qui nous fait un bisou, bonjour Lina. Bon, un petit PNL. Et on arrive juste derrière en direct sur Skyrock, Radio Libre. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaque est taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le sel. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip on les met en sueur. Et lendemain dans le bed. T'entends du PNL. T'entends du PNL. Dans le hood, en ville, on a vie. La jungle, elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires. Du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein. Tu touches, on touche le salaire. Écoute, on fait ce qu'on peut. Toi, reste en chien, toi, reste en chiette. Le marcheur traverse le ciel. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. T'as de la monnaie, j'ai pas de monde, j'ai des sous. TTF, IGT, EMZ et Bezou. Même adresse, personne ne nous inquiète. T'entends le vide, j'vois le monde en entier. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. PNL sur Skyrock pour démarrer la soirée. Je vous ai dit que c'était bien. Hein. Je suis QLF, c'était PNL sur Sky. Skyrock, Romano. Ah ouais, moi j'ai de la pression dans la queue. Hein. Ah, ça presse. Elle est pas longue, mais elle est pressurisée, quoi. Difool. Moi j'ai déjà pris 4 ans de colle pour avoir pété en cours. Cédric. Que veut dire érudition ? Érudition ? Oui. Cédric. Érudition, c'est pas un mec qui a un petit gag ? Marie. Ah, c'est dur. Caca ou quoi? Samy. Apparemment, c'est le truc, c'est le buzz du moment là. Et Karim. Ta mère, elle a baisé avec une photocopieuse. Difool Radio Libre. 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. C'est nous et c'est parti. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. C'est jeudi soir, demain c'est vendredi, après c'est le week-end. Et ce soir, c'est Radio Libre. Vous voyez plein de bonnes nouvelles qui arrivent là d'un coup, hein, en début d'émission. Bonjour à vous, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Romano, comment ça va? Ça va bien depuis ce matin. Ça va depuis ce matin. Cédric n'est toujours pas là avec sa clavicule. Non. On prendra des nouvelles. Il m'a dit qu'il voulait revenir très très vite. Il en peut plus de sa clavicule. Bah ouais, il en a marre de rien foutre. Bah écoute, viens quand tu veux, Cédric. Nous, on est là, nous, tous les soirs. Bah oui, de toute façon, il fait des conneries. Oui. Ce matin, je l'ai disputé. Tu l'as grondé. Tu nous expliqueras pourquoi tu as grondé, Cédric. Bah parce qu'il fait des conneries. Tu nous diras, pourquoi tu l'as grondé. Est-ce que tu es obligé de le tancer. Est-ce que tu l'as biflé? Non, c'est prévu pour demain, ça. Très bien, parfait. Ah, Marie veut venir. J'ai mettre Léola là-dedans. Non, ça te mange pas. Non, c'est bon, merci. Bon, salut la Marie. Coucou tout le monde. Coucou à toi. Bonjour Karim. Salut les filles, salut tout le monde. Salam alaikum. Salam alaikum. Hey. Salut Samy. Salut, bonsoir tout le monde. Ah, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour alaikum. Eh bien, bonjour alaikum, exactement. Alaikum. Et bienvenue à vous, hein, surtout. Vous pouvez nous appeler dès maintenant, 01 53 40 30 20. Vous le savez, tous les soirs, on fait de la radio ensemble. Jusqu'à minuit, si vous avez un truc à dire, une connerie à faire, si vous voulez parler d'un sujet, si vous avez un petit problème, n'hésitez pas. Vous nous appelez, donc 01 53 40 30 20. Et on salue aussi tous ceux qui sont déjà là et qui nous laissent des messages dès maintenant. Bonjour à Joe, bonjour à Barça la base, bonjour. Marcel Abaz, il y a Brian du 24 qui vient d'arriver aussi. Bah merci à vous. Sylvain Debrez qui nous fait un petit coucou. Salut Sylvain. Ah, on t'a pas rappelé pour ton t-shirt. Ah oui, t'étais passé dans l'émission toi. Eh bien, on va te rappeler. Ne vous inquiétez pas si on vous a pas rappelé. On vous rappelle de toute façon. Vous chopez vos t-shirts Skyrock. Peut-être les FIFA 17 aussi ce soir. Et peut-être la console, on verra. C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver les familles du double appel dans pas longtemps. On va s'occuper de Laurie aussi qui nous a envoyé un petit message. Ah, c'est marrant parce qu'elle a écouté le morning ce matin. Ça lui a fait penser à un truc, Laurie. On s'occupe d'elle tout de suite. Et puis on s'occupera également des gens qui ont des soucis. Le problème du mois, on va y aller. Romano, est-ce qu'il y a du lourd cette semaine dans ton problème? Ouais, ça va, il y a ce qu'il faut, ouais. Et c'est les gens, ils vont sur les sites internet parce qu'ils ont des problèmes. Les forums. Ils vont faire un petit tour sur les forums et demandent des conseils aux autres. Le résultat est pas toujours super super. Eh bien, on est là pour les aider. Et oui, heureusement que nous tous, vous tous, tous ensemble sur Skyrock, nous les aiderons comme chaque jeudi soir. Je sais pas ce qui nous attend ce soir, mais j'attends ça avec impatience avant minuit. Eh ben, vous verrez tout à l'heure. Pour le problème du mois là. Bon, sinon vous tous en direct. Tiens, explique-nous par rapport à Cédric. Romano, juste un petit point sur la maladie de Cédric. Qu'est-ce que tu lui as fait ce matin? Tu as prévu de le bifler demain pour le gronder parce qu'il fait des trucs pas bien, c'est ça? Ouais, mais ouais, il fait pas attention. Il suit pas ce qu'on lui dit. Donc, ouais, tu l'as eu et tu l'as dit. Ouais, non, parce qu'en fait, ce matin, Cédric avait son rendez-vous chez le médecin pour faire un peu le point. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce machin qui j'ai mis derrière là? C'est Cédric, Romano. Oh, la voix de pervers. Pourrait me prévenir avant parce que c'était quand même un choc. Mais si vous voulez te faire une petite surprise. Ça surprend. Une espèce de biatch qui j'ai mis derrière. C'est Cédric. Ta gueule. Mais t'arrêtes pas. Tu gémis beaucoup hein, depuis que t'es tout seul. Parce que c'est une grosse biatch. Là, parce que je retire mon pantalon, j'ai mis un caleçon. Pour passer à l'antenne, tu as retiré ton pantalon et tu as mis un caleçon. Ah, c'est bien, t'as une tenue de scène. Ouais. Bonne nouvelle. Et quand tu vas revenir dans les studios, que tu seras avec nous tous les soirs, tous les matins, tu viendras aussi en caleçon ou en shorty ou en tanga, comme tu aimes bien. Peut-être en short. En short. Mon pantalon, je galère un peu à le mettre. Mais gros, t'as retiré ton pantalon pour mettre un caleçon. Ça veut dire que t'avais un pantalon et pas de caleçon? C'est la nouvelle mode. J'ai dans la journée, donc j'ai mis changer de caleçon. Ah, t'es pilouche, gros. Ouais, bizarre. C'est la nouvelle mode. T'es pilouche. Et donc, il paraît que Romano t'a mis à l'amende ce matin. Raconte-nous, Romano. Pas mis à l'amende du tout. Ah, non, mais je t'ai pas mis à l'amende. Je t'ai dit que si t'avais grondé. Vas-y, dis pourquoi. Parce que, en fait, Cédric, donne-nous les résultats de ta clavicule. Alors, la clavicule. Bah, elle est encore cassée. Voilà. Bah oui, mais de toute façon, ça va pas se refaire en deux jours. Ah, mais non, mais parce que pourquoi? Parce que t'arrêtes pas de bouger. Bah oui, arrête de bouger. Ah, mais je bouge pas beaucoup. Attends, tu sais quoi, je vais vous envoyer la photo. T'as trop bougé. Il nous envoie la photo de sa clavicule. Ouais. Ah, de la radio? Je l'envoie sur le téléphone à Diffoul. Très bien. Envoie sur le téléphone à Diffoul. Le téléphone à Diffoul, il est là. Et il est prêt à recevoir ce magnifique, une photo de l'intérieur de Cédric. Wow. Je suis sûr que vous en avez rêvé depuis longtemps, cette histoire. Non, pas des masses. Non, franchement. Eh ben, on va vous la mettre sur tous les réseaux d'ici pas longtemps. La photo de l'intérieur de Cédric. Et ça, je pense que ça va être trop sexy. Oui, attention aux yeux. Ça peut être dangereux. Bon, alors, on t'attend quand? Tu reviens quand, Cédric, toi? Là, je sais pas, mais j'aime drôle, mais rapide. Ça me perd chier. Moi, je vais pas te foutre en bas, mais à mon avis, t'es pas revenu. Aïe. Romano, diagnostic. Bah, non, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, logiquement, la clavicule, ça se ressoude. La clavicule, Romano. La clavicule. Ça se ressoude tout seul. Le problème qu'il y a, c'est que déjà, pendant 15 jours, là, t'as fait que de la merde. T'étais où il y a deux jours, connard? Non, je suis sorti une fois parce que c'est une fois de trop. Donc, demain, pour te prévenir, Cédric, merci pour tous les messages que vous laissez pour Cédric. Bonjour à Baptiste, bonjour à Joe du 02, à Blue Fire également, à tous les autres. Beaucoup de garçons, peu de filles. C'est peut-être le caleçon qui vous a dégoûté, les filles. Désolé. Remets peut-être ton jean pour avoir plus de messages de filles. Cédric, on sait jamais. Donc, je te préviens, Cédric, demain, Romano va te bifler pour te punir. Bah, je vais être obligé. Il va être obligé de te bifler. Oh putain. Je fais pas de gaieté de cœur. Tu vas mettre des gants? Je suis tout mettre dans la touche sur mon sexe pour le protéger. Oui, fais attention à ton sexe. Je vais mettre ta cache-sexe. Ah, bah oui, le bifler, oui, c'est avec ton sexe. Ouais, je suis un peu con, moi. Ça peut être dangereux, oui, Marie. Oui, c'est avec des gants, oui. Depuis le temps qu'on te le dit, toi aussi. Tu vas te détendre. Bifle, ça démarre comme beat, Marie. Oui, c'est ça, oui. C'est pareil, c'est avec le sexe. Juste pas percuté. Avec le sexe, ça se passe. Bon, bah, très bien, Cédric. J'espère que tu vas revenir très, très vite nous rendre visite. Mais si tu pouvais éviter ta nouvelle tenue de scène, le caleçon ou le tanga, tout ça. Ouais, non. Cédric, ça t'arrive de répondre qu'on te parle? Voilà, non. Voilà. Et vous savez que j'avais une petite fiche de la Marie qui me dit, il va dormir, il est mort, défoncé, donc il faut le prendre maintenant. Eh bien, on l'a pris maintenant. Merci Romano de prendre soin. Même si tu dois être dur par voix avec ton ami, c'est comme avec les enfants, Merci de prendre soin. Après, au final, c'est pour lui, Bravo. C'est pas moi qui me fera opérer, Bravo, Moi, je pense qu'il se fera opérer. Je vous le dis, j'ai fait mes pronostics. Bon, écoutez, on verra ça très vite. Et en tout cas, merci pour tous les messages que vous lui laissez. Ça lui fait plaisir. Et puis, on espère le retrouver très vite, le soir, le matin, sur Skyrock. Demain soir, je vous le dis, on fera une émission spéciale. Une émission collector. Alors, je vais demander à chaque membre de l'équipe de choisir un moment de l'émission qu'ils ont bien aimé, qu'ils ont envie de réécouter. Et demain soir, on se balancera ça entre 21h et minuit. 21h minuit, demain soir, la spéciale. Je choisirai peut-être un clash de la drague personnel. Ah, je préférerais le choisir moi-même. Ah, bah oui, mais chacun va choisir quelque chose. Karim va choisir un truc, la Marie, Samil, Cédric, Romano et moi. On va tous choisir un truc qu'on a envie de réécouter. Donc, demain soir dans l'émission, et si vous aussi d'ailleurs, tiens, vous avez envie de réécouter un truc de la radio libre, n'hésitez pas à nous le demander sur le 41759, sur la piste Skyrock tout au long de la soirée. On est là jusqu'à minuit. Donc, vous pouvez nous demander absolument tout ce que vous voulez. On aura ce soir, tiens, un gros son qu'on vous a passé en exclu ce matin, le nouveau The Weeknd. The Weeknd et Daft Punk. C'est passé en pleine trap tout à l'heure, on vous le remettra dans la soirée avant minuit, promis. Ouais. Le nouveau The Weeknd, le Canadien de Toronto, The Weeknd est de retour. C'est ça, man. Avec un gros son qui s'appelle Starboy, c'est ça, Starboy, ouais. Starboy, c'est ça, ouais. C'est ça. Starbucks, ouais. Non, c'est pas Starbucks, c'est Starboy. C'est Starboy. Ouais. Pas de café. Donc, The Weeknd a écouté tout à l'heure. Puis, si vous voulez écouter un son, vous pouvez nous demander aussi. Sur SMS, sur le net, vous faites péter tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va démarrer avec Mounir qui arrive avec nous. Ah, je viens de recevoir la photo de la clavicule de Cédric. Alors, c'est comment? Préparez-vous, les gars. Alors, attendez, j'ouvre mon message. Alors. Ah, au boulot. Oh, putain, merde. Direct. Ah, ouais, à ce point. Comment? Ah, ouais. Alors, on va vous la mettre, mais on vous prévient. Attention, Faites gaffe, il y a des images qui peuvent c'est choquer quoi, une photo de l'intérieur de Cédric. Attends, je vois rien sur son truc, moi. Ah, c'est la radio. C'est sa clavicule, oui, c'est la radio qui nous a envoyé. La clavicule de Cédric cassée. Ah, Joe, c'est bien cassé quand même. Ah, c'est bien cassé. Ah, ouais, encore. Ah, il a enculé, oh là, il s'est fait péter la clavicule. J'y fais voir après. Et voilà. Mais c'est aujourd'hui cette radio ? Oui, c'est aujourd'hui sa radio. Celle de Joe. Non, mais ça s'est pas du tout remis. Ah, mais pas du tout, mais ça y est, mais gros, mais tu vas te faire. C'est obligé de se faire remis. Mais tu sais ce qu'il a ? On dirait que Loss, il va ressortir par la porte. Ah, non, mais c'est obligé. Voilà. Tiens, Romano, tu veux voir la clavicule ? Sur tous les réseaux, vous la mettez. Mais elle est pétée à deux endroits en plus. Allez sur Snap, sur Facebook, sur le difool.skyrock.com. Partout, ouais, vous pouvez. Il faut qu'il se masturbe pour la réparer. C'est un bordel. Ouais, non, faut pas trop qu'il bouge le bras, Cédric, en fait là. Je comprends pas même pas pourquoi ils t'ont pas opéré de suite en voyant ça. Ça sert à quoi de te faire attendre ? Bah oui. Il se fout de sa gueule. Parce que je pense que où il a été, c'est des tocards. Parce que jamais ça. Déjà les mecs pour pas voir qu'il a quatre côtes de pété, c'est que les mecs c'est des champions. Bah ouais, c'est bizarre parce que tu sais que quand il a eu l'accident, je suis allé le voir à l'hôpital et direct il m'a dit j'ai mal aux côtes. Ouais. Il me l'a dit direct, Cédric, mais eux n'ont pas vérifié. Il a regardé son pied, par contre. Ouais, c'est ça. Il lui a coupé une jambe. Ah, et c'est normal. Il devait aller dans une clinique vétérinaire. Nous dit Léna sur SMS. Salut à toi, Léna. Il aurait peut-être dû aller là. Il aurait été mieux soigné. Mais oui, j'espère. Voilà, c'est vrai. Bon, c'était les nouvelles de Cédric qu'on prend tous les soirs. Non, mais ce que je comprends pas, dans la radio libre. Ce que je comprends pas, c'est que Cédric, en fait, bon, il a été dans un hôpital a priori de merde. Ah bah oui, ça. Parce pour que les mecs ils se trompent dans le diagnostic, mais il continue d'aller là-bas. Bah bien sûr. J'aime bien. Au lieu de changer de vie. Bah, mais ça, en même temps, il va manger dans un kebab. Il a la chiasse. Il connaît toute sa vie. Oui, c'est vrai. Dans un kebab. C'est vrai en même temps. Bah écoute, il a trouvé un bel hôpital qui lui plaît. Ouais, il kiffe, tu vois. Bah écoute, on prendra des nouvelles en tout cas, et on lui transmettra tous les messages que vous lui envoyez là. Bon, sinon il y a Mounir qui arrive avec nous en direct de Nîmes. On va le retrouver dans un instant. J'ai Laurie aussi qui nous a envoyé un petit message dont je vous parlais il y a 5 minutes là. Laurie qui a entendu un truc ce matin dans le morning et ça lui a fait penser à un truc qui la torture actuellement dans sa tête. Vous verrez, on en reparle tout de suite. Mais d'abord, Mounir. Salut Mounir. Salut l'équipe, vous allez bien ? Ça va bien Mounir. Ouais, Mounir. Mais t'as 19 ans toi Mounir, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Merci à Karim de m'avoir fait passer à l'antenne. De rien mon pote, normal. Eh ben écoute, sois le bienvenu Mounir. Toi tu vas nous parler de ta meuf. Juste avant, je vais juste vous lire le petit message qu'elle nous a envoyé Laurie. Petit message rapide qui dit « J'ai entendu ce matin Christina Cordula dans votre réveil. » Ah, le réveil de star. Eh oui, c'est vrai, ce matin, c'était Christina Cordula. Magnifique. Et je vous écris pour ça, car ma mère s'est inscrite à son émission. Ah. Et j'ai trop peur de me taper la honte avec mes copines. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Vous pouvez demander aux auditeurs. Eh ben, je peux demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent tout de suite. Ah ouais. Votre mère participerait, c'est quoi, ces nouveaux looks pour une nouvelle vie, hein, l'émission de Christina Cordula? Bah, ou alors ouais, le truc. Ouais, il en a plusieurs. Hein. C'est un peu la star d'M6. Les reines du shopping. Alors attends, il vaut mieux participer aux reines du shopping qu'à nouveau look pour une nouvelle vie. Ah ouais, ça je suis d'accord. Ouais. Si ta mère participe, Laurie, tu nous as pas dit l'émission, Laurie. Et laisse-moi un message, n'hésite pas si tu veux nous laisser ton numéro, parce qu'on aimerait bien savoir dans quelle émission elle va passer. Mais est-ce qu'ils filment la famille dans ces trucs Tu sais, quand ils font le portrait et tout. Ah bah même, t'as ta mère et tout, t'imagines, Samy, ta mère elle est connue dans ton quartier. Ouais, les gens ils savent que c'est ta mère. Mes potes, ouais, mais mes potes, mais après il y a pas tout le monde qui sait que c'est ma mère, mais après on se traquage quand même. Ah ouais, oui, te présente, je vous présente mon fils, Samy. Et ah ouais, tu sais, dans le portrait. Ah, lui aussi, il a un look de merde. Ah ouais, vite de filmer dans ta chambre. Alors, on va le mettre dans la rue et puis on va vous demander comment vous le trouvez. Ah, ça, c'est la honte. Ouais, il est moche. Ah ouais, nouveau look pour une nouvelle vie en fait. C'est quand t'es mal sapé, mal fringué. Ouais, bah tout. Et moche. En fait, les cheveux, la totale. Voilà, c'est là où ils te mettent dans la rue où les gens font ah ouais, mais t'es trop moche. Ah, t'es trop moche. Ouais. Ah, t'es vraiment habillé. Ouais, ils te critiquent en fait et t'entends rien. Ouais, t'es comme un con au milieu de la rue. C'est ça, et les gens te regardent et ils te critiquent. D'ailleurs, ils le font toujours derrière la rue, derrière la radio. Il faudrait y aller un jour. Juste à côté de chez nous. Les jours de tournage. Ah, moi je te donnerais mon avis, moi. Oh putain, il est dégueulasse. Non, Cédric au milieu. Donc il y a ça. Et puis de l'autre côté, t'as les reines du. Je pense qu'à mon avis, j'espère pour toi, Laurie, qu'elle va participer aux reines du shopping. Ouais. Ouais, les reines du shopping, des fois les meufs elles sont bien la honte aussi. Elles sont taillées par les autres, elles s'habillent comme des ouais, putes. Ouais, mais bon. T'aimerais que ta mère, Mounir, elle participe à une émission de Christina Cordula, les reines du shopping ou nouveau look pour une nouvelle vie? Ah non, pas du tout. Moi non plus. Ouais, moi non plus. Tiens, il y a Blédard de Marseille qui nous dit mais c'est trop la honte. OM Albany nous fait j'aurais jamais accepté ça, dit Foul. Les reines du shopping, c'est moins pire pour Pyromane. Bonjour Pyromane. C'est un peu oui, c'est un peu de la télé-réalité, ouais. Ouais, c'est le truc qui passe sur la 6 avec ma chérie. Ma chérie. Tiens, un marin, 19 ans, qui nous fait les reines du shopping. Si t'as pas le style, t'es fiché à mort de rire. Ah ouais, c'est clair. Moi j'aurais trop honte si ma mère faisait ça. Bah tiens, une autre Laurie qui nous laisse un message. Heureusement, c'est pas toi, la vraie Laurie. Laurie donc qui nous envoyait ce petit message avec sa mère bientôt peut-être star de la télé. On attend ça. Qui c'est qui aimerait ? Tiens Romano, tu préférais que ta mère déjà participe aux reines du shopping ou alors à nouveau look pour une nouvelle vie ? Aucun des deux. Mais aucune émission de télé. Aucune. Ah, genre même avec ton père, les amours. Ouais. Non, c'est ça. Non, j'ai inscrit. Ça gros. T'es prêt? Ouais, et puis moi j'irai avec Cariol, comme ça on jouera l'un contre l'autre. Ouais, l'un contre l'autre, ouais, ça serait bien. Eh, non, mais ça sera des coups de pancarte dans la gueule. C'est génial. C'est que là au moins vous êtes sûr de gagner. Ouais, c'est bien. Bah c'est la technique. Ça reste dans la famille. Putain, t'as pas vu l'autre fois, j'ai regardé dans les amours, il y a un mec. Tu regardes les amours. Non, non, j'ai vu, c'est un extrait. En fait, c'était le présentateur, il pose une question, il demande au mec qu'est-ce qui te manque le plus. C'est le présentateur. Il lui demande qu'est-ce qui te manque le plus depuis que t'es avec ta nouvelle meuf. Et là, le mec il réfléchit un petit peu, il dit bah mon ex. C'est bien. Ah ouais, j'en pouvais plus, gros. J'ai vu ça, j'ai rigolé. C'est bien. Donc, aucune émission de télé pour toi, Romano. Même, je sais pas, les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann. Non plus. Rien du tout. Non, mais d'ailleurs, pour mes parents et pour moi aussi, d'ailleurs. Secret Story. Mais ma mère, elle est passée. Ouais, il y a grave. Pas longtemps. Ah, Secret Story, mon fils est chaud. Voilà, ça serait le secret. Ça se voit. Vous y allez, mon père, oui. Ouais, vous y allez en famille. Quatre, toi, Cariol, ton père, ta mère. Et le chien. Et c'est le secret, gros. Vous êtes en famille, en fait. Ouais, non, mais non, merci. Toi, t'aimerais faire une émission de télé, Mounir, ou que tes parents fassent une émission de télé, ou pas du tout? Ouais, Koh-Lanta, ça me tente bien, moi. Alors toi, Koh-Lanta, pour toi. Et pour tes parents, t'aimerais les voir à la télé ou t'aurais peur de te faire traquer par tous tes potes? Ouais, j'aurais peur de me faire traquer un peu. Ouais. C'est l'affiche un peu. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais bah ouais, il y a des chances. Et c'est vrai que là, vous avez choisi... la mère de Laurie a choisi quand même Christina Cordula. Elle peut se faire de l'argent, nous dit Zano sur SMS. Salut Zano. Mais quel argent? Bah, il te donne de l'argent pour t'habiller. Si tu gagnes. Tu gagnes le concours de la semaine. Ah oui, c'est vrai, ouais. Je sais pas, moi, j'ai jamais regardé. Ben oui, dans les. À 1000 euros. Ouais, je crois. 1000 euros, quand même, pour ne plus avoir d'honneur. Non, mais c'est ça. C'est pas cher. Non, mais tu gardes les tenues que t'as achetées, là. Ah ouais, bah, c'est super. Ouais, disons, à ce prix-là. Tu gardes un pantalon. C'est pendant 10 ans, ils utilisent ton image derrière. Ouais, c'est bien, t'es multidiffusé. Éventuellement, avec un peu de chance, dans un an, tu passes sur W9. Un an après, tu passes sur Sister. Oui. Et puis, M6 ou quoi d'autre comme chaîne? Oh, ils font un spécial, les reines du shopping. La story. Ouais, voilà, ouais. Et comme ça, tu passes à la télé pendant 10 ans, mais t'as quand même chopé 1000 euros, puis t'as récupéré des femmes pour avoir. Bah, alors, évidemment. Ouais, franchement, tout ça pour ne plus avoir d'honneur, je pense que ça vaut le coup. Tiens, moi, j'aurais trop honte, nous dit Iman. Tant que c'est pour gagner de l'argent, des trucs comme ça, moi, je ferais n'importe quelle émission pour le câble HDMI de la PS4. Salut à toi, le câble HDMI. Ouais, mais derrière, faut assumer quand même. Hein. Ouais. Donc, ce que vous nous dites, tiens, dites-nous ce que vous feriez si vous étiez à la place de Laurie. Je sais pas, vous imaginez, votre mère vous annonce de ce soir, demain, qu'elle va faire une émission de télé, que c'est l'émission de Christina Cordula, c'est ça. Christina Cordula ou les reines du shopping ou nouveau look pour une nouvelle vie. Vous le prenez bien, vous trouvez ça cool, vous l'encouragez, vous la découragez. Et si vous avez envie de la décourager, qu'est-ce que vous faites pour la décourager? Moi, je me fous de sa gueule. Ah, moi, j'appelle la prod, moi. Ah, je me fais passer. Tu crois que t'allais appeler la police? Moi, c'est pour qui? Non, mais je me fais passer pour elle et je dis ouais, finalement, je veux plus le faire. Ah, mais comment tu fais la voix de ta mère? Bah, bon, moi, ce serait plus compliqué parce que je suis un mec. Ah, mais ouais, c'est clair. Laurie, elle peut le faire. Tu vois, elle appelle, elle dit oui, bonjour, je suis madame machin. Ah, je peux pas venir. Je m'étais inscrite pour le casting, finalement, je veux plus. Ouais. Il y en a qui veulent que leurs parents aillent à Money Drop et gagner 500 000 euros. Je veux bien, tiens, nous dit l'inconnu. Si mes parents voient Money Drop et gagnent 500 000 eux, moi, je veux bien. Ouais. Ouais, c'est vrai. Pas évident. Ils s'y perdent tout en une question. Ils passent pendant 10 ans dans les zapping. Ouais, puis surtout sur une question con, tu sais. Oui, par exemple, 2 plus 2, Marie. Sac. Ah merde, j'ai perdu 500 000 euros. Ah merde, j'ai tout perdu, j'ai tout tombé dans la trappe. Là ouais, c'est clair, on saute ta gueule quoi. Il y a Max du 21, là, 17 ans, qui nous dit, moi je connais quelqu'un qui a fait l'émission avec Stéphane Plaza. Bon bah racontez-nous, dites-nous s'il y a des gens dans votre entourage qui ont fait une émission de télé, si on vous dit que votre mère va faire les reines du shopping ou alors nouveau look pour une nouvelle vie, vous pouvez nous dire tout ça. 41 759 skyrock.fm et 01 53 40 30 20. Tiens, j'ai juste t'as 2 minutes, Mounir, juste pour rigoler un peu. Oui, parce que ce matin, si vous n'étiez pas réveillé ce matin, on a eu Jean-Marie. Pas ouais. Jean-Marie. Non, pas Yavol. Un autre Jean-Marie. Un autre Jean-Marie qu'on a appelé ce matin pour le réveiller avec Christina Cordula. Eh bien, Jean-Marie, il est un peu spécial. Écoutez bien, c'était ce matin dans le réveil de Star. C'est Laurie, ça a dû te titiller un peu ça ce matin, en pensant à ta mère. Oui. Bonjour messieurs. Oui. Ça va chérie? Bien. Attends, mais t'es un boudin. Que tu que je me foute, connasse. Si tu commences déjà avec ta grosse tête, ça va mal se passer entre toi et moi. Hein. Attention. Ouais, bah peut-être, t'as la bouche qui sort la merde, qui sort le cul. Ça a mal commencé ma journée. Ouais, bon, je suis en train d'arriver à foutre, t'as qu'à te faire reculer, connasse. Je suis énervée. Oh oui, bah oui, t'as pas fait reculer, donc t'es en colère. Mais quand même, attends, oh. Oui. Jean-Marie. Oui, mon cœur. Ces pantalons, ça ne te va pas du tout. Là, connasse, tu vas à poil. Oh, chérie! Ah là là là là! Explique-moi, comment est-ce que tu choisis tes vêtements? Tu t'en fous? J'en mets pas généralement, en gros, que c'est pour ça, pour le peu que je mets, je veux dire, j'en ai rien à foutre. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je me promène généralement en poil, ouais. C'est la classe. Ah, ça. Que tu que ça me foutre. Quand tu baisses, soit tu baisses avec un appair ou quoi, ou tu sais la différence entre une femme et un avocat? Non? Bah, l'avocat, pour plaider sa femme, pour plaider sa cause, met sa robe. Mmh. Bah, la femme, elle l'enlève, hein. Hein? J'adore. Oui, voilà. L'odorant aussi, c'est important. Hein. J'en mets pas. Pourquoi? Bon, parce que j'aime l'odeur charnelle, tu veux. Ah. Ça, c'est unsexy. Non, mais ça, c'est... Non, mais il faut pas, ça. Oh, on s'en fout, on s'en fout. Magnifique. Et tu veux que je te passe mon épouse? Allez. Oh, ma chérie. Allô. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, bonjour. Je comprends rien. Bah arrête. Bon bah, c'est pas la peine, allez. Hop. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Je t'ai dit à faire une connasse, qu'il lui dit derrière. Et on a appelé un autre Jean-Marie aussi avec Christina Cordula. D'ailleurs, vous avez remarqué que Jean-Marie fait des bruits de cochon. Oui, quand il rit, il est là. Ouais, c'est vrai, ouais. Et puis il a des punchlines, Jean-Marie, et des blagues. Karim, toi, t'es du Karim Comedy Club, toi. Ah ouais, mais là. Le temple du rire, c'est toi. Je crois que je vais le prendre là. Prends-le dans ton. Ah ouais, embauche-le. Première partie. Ouais, ouais. Et alors là, un autre Jean-Marie, vous allez voir que ça se passe bien plutôt avec les hommes et un peu moins bien avec les femmes. Ah, avec Christina Cordula, toujours. Et juste après, il y a plein de réactions que vous nous laissez là. Juste après, on en reparle pour Laurie. On va t'aider, ma petite Laurie, là, t'inquiète. Oui, allô? Ah. Bonjour, messieurs, ça va? Ça va. C'est qui, Joe? Je suis sexy. C'est pas Skyrock ou quoi? C'est pas Skyrock, non. Qu'est-ce que ça vous fout? C'est qui, ça? Faut que tu sois sexy. Va te faire enculer, zone de pute. Vous arrêtez pas vos conneries, non? Oh, ma chérie! Hein? Je suis sexy? Eh ben, sexy, man. Eh ben, fous-toi dans le cul, connasse. Bon, tu m'en veux pas? Bah, tu te fous ton doigt dans le cul, connasse. Voilà. Si tu commences déjà avec ta grosse tête, ça va mal se passer entre toi et moi, hein. Quoi? Arrête, s'il te plaît, tu commences à me fatiguer. Ah oui, et comme d'habitude. Non, mais t'es un boudin, hein. C'est un gros cul, ouais, d'accord. Comment ça se fait que tu mets pas de soutien-gorge? Ta gueule, saloperie. Pourquoi? Parce que t'es une salope. Ah, je sais que c'est pas classe. Bon, non, mais oh, arrêtez, hein. Ouais, j'appelle la police. Ça a mal commencé ma journée, hein. Connasse. Je suis énervée. Je t'emmerde. Dégage! Ça y est, l'hôtel est à bout de nerf. Voilà, ça y est. Bye bye! Voilà. Hey, bye bye, là, c'est bon, je crois que tu l'as bien chauffé. Et ouais. Ben voilà, pour te préparer, Laurie, ta maman sera peut-être bientôt en contact direct avec Christina Cordula. J'espère que ça se passera aussi bien qu'avec les femmes de Jean-Marie. Bye, connasse! Et avec Jean-Marie, le deuxième qui était pas mal non plus. Ouais, très bien, ouais. Bon, alors, Christina Cordula, on en reparle. On reparle surtout des émissions de télé. Qu'est-ce que vous nous dites, Sofiane? Moi, j'essaierai de la décourager. C'est quand même la honte au bahut. Ah ouais, ça, moi, je pense que c'est la honte au bahut, ouais. Moi, ma mère, je la relook et je lui dis de pas aller à la télé. Tiens, c'est message de choupette. Ouais, c'est mieux. Ah, ils s'en occupent direct. Ouais, c'est pas mal, ça. Tiens, mon oncle, c'est Franck Semonin et il a joué dans Plus belle la vie. C'est la honte. Ouais, enfin, il est acteur, c'est pas pareil. Parce que. Ouais, c'est pas pareil. Quand tu passes dans une émission et que t'as tous les gens dans une rue qui disent ah ouais, non, mais elle est trop moche. c'est pas le top. Excusez-moi, je vais aller vomir, elle est vraiment trop, trop vilaine. Ah ouais, non, c'est pas possible. Bon, eh bien, c'était trop marrant avec Christina ce matin. Ouais, moi, elle m'a bien fait rigoler. Et je vous remercie d'ailleurs les familles qui ont participé, hein. Bravo aux familles des Jean-Marie, les deux Jean-Marie qu'on a eu et les deux femmes de Jean-Marie qui étaient super. Bravo, participation exceptionnelle. Allez, la première qui fait une crise de nerfs et la deuxième qui était pas loin de la crise de nerfs. Les deux. Ah ouais, elle a dit les deux. Voilà. Bon, on en reparle tout de suite avec vous pour aider Laurie. On aura Mounir aussi. Donc Mounir, on va s'occuper de toi. Toi, c'est rapport à ta meuf, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, un petit problème de couple là. Un petit problème de couple, tu vas nous expliquer. Je crois que c'est un problème avec les parents de ta meuf, hein. Exactement. Si vous avez déjà eu des problèmes avec les parents de votre meuf, restez bien dans le coin, vous allez peut-être pouvoir aider Mounir. Et puis restez bien à l'écoute de toute façon, parce que ça peut vous arriver ça un jour, hein. Moi j'ai un ami personnel qui sortait avec une fille, il était très amoureux d'elle, il est resté 3 ans et demi avec. Ouais, c'est donc, bon. Hein. Ah bah c'était bon, c'est ce qu'il me disait, ouais. Ah, elle est trop bon. Il sortait avec donc une fille et sa mère était folle. Vous allez me dire, la fille était gothique, la mère prenait des cachets, c'était pas facile, hein, vraiment. La fille prenait la direction de la mère dans la dinguerie. Donc tu vois, des problèmes avec la famille, on en a eu, Mounir. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver, on va pouvoir t'aider là dans un instant, le temps d'écouter Alonso sur Skyrock. Il y a Adam qui veut réagir pour Laurie, les émissions de télé. Ouais. Amélie aussi qui veut réagir pour Laurie et les émissions de télé, c'est super. Allez, on se met vite Alonso et on arrive vite en direct sur Skyrock.

Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Sur Skyrock, on écoutait Alonso. Difool, radio libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, merci à vous d'être là tous les soirs. Le double appel arrive. Le problème du mois aussi de ce jeudi soir. Comme tous les jeudis, le problème du mois, on va aller faire un tour sur le net. T'as guetté ce qui se passait sur les forums, Romano, tout ça. J'ai été en alerte. Et tu vas tout nous expliquer. Problème de famille. Tiens, non, problème de famille avec la famille de la meuf de Mounir. On va en savoir plus avec toi, Mounir, dans un instant. Il y en a juste un qu'il faut que je prenne en speed parce qu'il est en train de bosser. C'est Ronan. Ouais, il a Ronan, pris une micro danger. Il a pris une micro-pause. C'est bien, Ronan, de prendre une pause en écoutant merci Skyrock. Hein. Ouais, ouais. Bon, parle bien, Ronan. Parle bien dans ton téléphone, Ronan, quand t'entends bien. Attends, il est en train de se mettre à l'écart. Vas-y, mets-toi à l'écart. Mets-toi à l'aise, mets-toi tranquille. Et on reparle de Laurie. Ouais, Laurie qui a entendu ce matin Christina Cordula dans votre réveil. Elle nous dit dans le réveil de Star. Ma mère s'est inscrite à son émission et j'ai trop peur de me taper la honte avec mes copines. Bah, t'as raison. C'est possible. T'es là, Ronan? Ouais, là, ouais, Ronan. Je suis là. Ça va, l'équipe? Très bien. Ça va bien. T'es installé, tranquille? Ah ouais, putain, ça fait plaisir de vous avoir, mais un truc d'enculé. Tu travailles dans quoi, au fait, Ronan? Moi, je suis dans le bâtiment. Ah, c'est ça. T'es dans le bâtiment, t'es sur un chantier. T'es en train de construire une maison. Un immeuble. À ce temps-là, sur un chantier, mais ça, c'est du travail au noir, non, monsieur? Ouais, non, non, non, non, en fait, c'est de l'usine. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, bon courage à toi. Je fais des dalles en béton, tu vois. Très bien, et t'écoutes Skyrock pendant les pauses? Ouais, bah non, tout le temps, en fait. Tout pendant le boulot, c'est clair. Skyrock, il faut l'écouter tout le temps. Hein, ouais, même en bossant. Quand est-ce que t'écoutes Skyrock? Tout le temps. C'est bien ça, Ronan. Alors toi, t'appelais parce qu'en fait, c'est quelqu'un de ta famille qui est passé dans une émission de télé. C'est laquelle émission de télé? Ouais, en fait, c'est dans Super Nanny. Oh la honte. Dans Super Nanny. Ouais, donc ça veut dire c'est tu passes dans une émission avec des gosses qui ne respectent pas leurs parents. Ouais, ouais, c'est ça. Bien, en fait. Voilà. En gros, t'es incapable de gérer tes gosses, quoi. Non, mais c'est ça. Ils ont quel âge, les petits cousins? Bah en fait ils avaient 8 et puis 6 ans et ah ouais, l'âge con. Ça s'est passé sur Angers. Ouais. Et Super Nanny elle est venue, il y a eu le tournage et tout et mais c'était quoi? C'était avec l'ancienne ou la nouvelle? Non, avec l'ancienne. Ah, ah ouais, avec Cathy. Ouais, Cathy. Oui. Ouais ouais. Et alors, franchement, de toute façon les remplaçantes elles la valent pas. Ah, j'ai vu les deux autres moi. Cathy c'était la meilleure. Ouais, il y en a qu'une ouais. Ouais, ouais, mais j'aime pas trop. Et donc maintenant ça passe sur TF1 le samedi après-midi. Ils t'ont foutu la honte, tes petits cousins, ils ont fait quoi? Bah ouais, ils m'ont grave foutu la honte parce qu'en fait sur le tournage, c'est le seul épisode où en fait Super Nanny elle s'est fait insulter. Ah non. Ils l'ont traité de quoi? Bah en fait, c'est ma pièce, elle est en train de se faire engueuler par Super Nanny. Ouais. Et d'un coup, elle l'a regardé noir, elle a dit sale pute. Sale pute. En effet, à 6 ans, ça fait bizarre. Ouais, c'est clair. Et ouais, voilà. Donc c'est un peu la fiche, tu vois. J'ai rigolé sur le moment, mais bon, après j'ai pas trop déclaré parce que. Ouais, après tu te cachais, non, je ne connais pas ces gens-là, ils ne sont pas de ma famille. Ouais. Je ne sais pas qui c'est. Non, mais t'aurais pu faire une apparition dans Moi, je trouve ça très drôle. Dans l'émission, tu sais, genre tu viens leur rendre visite. Ouais, elle est là, ta petite. Ta petite cousine, elle te dit, hein. Enculé de gros con, enculé de la pute de Super Nanny. Enculé de cousin, carrément. Et ton cousin, quand il l'a dit à la famille qu'il avait passé chez Super Nanny, là, ils ont dit quoi, tous? Tes parents, tout ça? Eh ben, on s'est tous un peu planqués, quoi. Pendant le tournage, on va dire qu'on l'a un petit peu isolé. Oui, c'est ça, oui. On s'est tous, ouais, voilà, en fait, on s'est tous mis un petit peu dans notre coin. Ouais, genre, vous l'avez mis en quarantaine, ouais. Est-ce qu'il y a eu des répercussions? Non, non. Puis au final, les petits font toujours autant de conneries. Donc, voilà. Merci. Très bien. Bravo, bravo, Super Dany. Magnifique. Ah ouais, ça n'a pas changé, quoi. Ouais. Il y en a qui ont fait, ils ont gagné des sous. Je sais plus où est le message. Ah, c'est Cluclu. Bonjour Cluclu, 22 ans. Ma meilleure pote et sa mère ont fait Money Drop. Elles ont gagné 35 000 euros. Elles étaient toutes gentilles et personne les a fait chier juste après. T'aimes bien, tu gagnes 35 000 euros, Romano. C'est pas mal. Un petit Money Drop, dis donc. Bah encore Money Drop, ça va. Ça parce que, très bien. Tu sais, des fois, il y a des gros beufs qui se donnent en spectacle. Ouais. Mais ouais, si t'as une attitude normale, ouais, à la limite, bon, si tu passes pour un con, si tu perds la première question. Ouais, ça c'est clair. Si t'as une attitude à peu près normale et que tu fais un parcours à 35 000 balles, bon. Non, mais je pense que dans ces émissions, faut pas être normal, gros. Je pense qu'il faut pas faire le taré, tu vois. Non, mais bien sûr. Faut faire du cinéma. Non, mais ils cherchent des candidats, tu vois. C'est le beauf. Si, je sais pas si t'as remarqué souvent les beaufs. Tu sais, il faut une première blague, et s'ils voient que le public rit, ils se lâchent, mais limite, ils sont capables de te raconter leur vie sexuelle en détail. Ouais, je fais mon one-man show. Ouais. Un peu comme Jean-Marie qu'on a eu avec Christina Cordula tout à l'heure et ce matin. C'est ça, ouais. Ouais, un peu pareil. Bon, lui, il était pas au courant, mais qu'on l'appelait, mais. Bon, ça a pas été efficace du tout, en fait, hein, Ronan, l'émission de télé, toi. Non, pas du tout. Ça va, voilà. Bon. En même temps, ça va, la honte ne s'est pas abattue sur la famille. Ouais, au moins, t'as pas eu trop de craquage. Ouais, c'est ça. Nous, on s'est caché. Bon, c'est mieux. Caché. Non, mais c'est ce qu'il faut qu'elle fasse, Laurie, si sa mère, elle y va. Non, ce n'est pas ma mère, non. Non, genre, je ne connais pas cette dame qui est passée à la télé, qui avait l'air ridicule et mal habillée, mais je ne la connais pas. Ma mère, elle est passée à la télé il y a 3 mois. Ah, elle est passée sur quoi, Marie? Elle est passée sur M6. Une émission sur le vin. Non, ah, là aussi, le film érotique le dimanche. Là. Non, mais c'est pas ah ouais, interdit au moins 16. C'était un reportage sur le championnat du monde de sommellerie à Mendoza. Ah, pour du vin en plus? Bah oui, c'est son métier. Tu es des chachus, hein. Bah évidemment, vous voyez quoi. Ah, c'est son métier, hein. Eh bah putain. Et on la voit, mais on la voit beaucoup. Pourquoi tu nous as pas dit, Marie? Bah ouais, j'ai évité de vous dire parce qu'à un moment, elle est en train de gueuler sur des gens. Ouais. Si tu veux, j'évite. C'est la honte, j'ai un voisin, il est passé à confession intime. Il s'est fait traquer, ouais, il a déménagé. Non mais là, c'est un des pires trucs, ça. Et c'est confession intime, tu déménages. Confession Nicolas intime, qui nous envoie le message. Merci, ouais, Nicolas. Enfin, ils ont repassé il y a pas longtemps, là, le couple, tu sais, avec Frédéric François et Johnny Hallyday, là. Ah, le couple. Souvent, là. Ça, c'est des stars. J'ai regardé un peu, putain. Ah, oh, putain, moi, je connais un mec, je sais pas. Ça, c'est un couple, pour résumer un peu. Ah, ouais. Il se prenait la tête parce que la meuf, elle aimait Frédéric François et le mec, il aimait Johnny Hallyday. Ah ouais, c'était la guerre à la baraque. Et s'était fait tatouer, elle avait le visage de Frédéric François, c'est un vieux chanteur. Et ils sont engueulés pour les murs, pour avoir la place, la même place pour Frédéric François. Ouais, c'est un vieux chanteur belge, Romano. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'il est belge. Comme Cédric. D'ailleurs, je crois que c'est l'oncle de Cédric. Et Johnny Hallyday aussi, ça c'est la tante de Cédric. Et les belges, voilà. Exactement, la tata de Cédric. Et les deux se prenaient la tête, mais ouais, non, mais ils sont pas. J'ai vu le truc, mais c'est hyper drôle. Je pense que cette émission, ils l'ont passée, mais au moins 50 fois, quoi. Ouais, moi je la regarde, elle me fait rire tout le temps. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, elle se fait. J'ai re-regardé, en fait. Elle se fait signer un autographe sur le tableau de bord de sa bagnole, elle est en transe. Elle en peut plus. Dans sa bagnole, il y a marqué Frédéric François, je t'aime à l'arrière. Ouais. Frédéric François, forever. Et elle comme pédale, les beaux, elle est sur derrière. Son vélo, elle chante, tu sais, à tue-tête Frédéric François, là. Ouais, c'est ça. Plus que c'est la chanson. Donc tu vois, Ronan, il y a pire comme émission. Mais bon, t'as la confession intime, c'est chaud quand même. T'as survécu. Ouais, sauvé. Ouais, bah oui, bah heureusement, hein, quand même. Bon, bah merci du coup de fil. Bah merci d'avoir appelé pendant le boulot. Y a pas de souci. Et tu reviens quand tu veux, on te rappellera pour te prendre tes coordonnées, te filer le t-shirt Skyrock, on t'enverra ça à la maison très vite. Dis-fou. Ouais. Y a moyen que d'avoir, tu sais, les petits stickers de Romano et de Cédric. Ah, il t'en reste Non, moi j'en ai plus. On a tout envoyé. Bah, après, on va se débrouiller. On va peut-être refaire quelque chose. Bah, on va se démerder, Ronan. On va mettre ton adresse de côté et on t'enverra un truc quand on aura. Au pire, Romano te le fait à 10 euros lui-même. Il prend de la colle UU, il découpe un papier, il écrit Romano dessus et tu vas voir, c'est ça la classe. La folie, ouais. Bon, bah, c'est gentil, Ronan. Okay. Bon courage pour le taf, Ronan, 21 ans, danger, c'est toi, hein. Ouais. Eh ben, merci, bah, fais des belles dalles de béton. Travaille bien. Ok, merci. Salut Rodan, ciao. On va revenir aux émissions de télé. Alors, il y a quelqu'un qui a fait le casting des 12 coups de midi. C'est pas vrai. On va avoir Aurélie en ligne avec nous. Il y a qui d'autre aussi? Adam qui veut réagir. On vous salue. Tiens, on va les saluer. Bonjour Aurélie. Salut Aurélie. Ça. Amélie, pardon. Ouais. Ah, excuse-moi, Amélie, 23 ans et dans le 62, t'es à Lens, toi, hein? Ouais, je suis à Lens. Très bien. Pour le moment, en vacances. Ah, bah, t'as bien de la chance, dis donc, toi. On a Adam qui est où? Ah, il est dans le 21. C'est un bourguignon, Romano, comme toi. Un bourguignon. Ouais, ouais. Salut la Bourgogne, la Côte d'Or. Bonjour Adam. Salut, alors. C'est l'équipe. Salut, ben, ça va bien. Et toi, bien? Coucou. Ça va, tranquille. Tranquille. Ça va, tranquille. Et on a Kevin qui arrive. Kevin, 16 ans, et il est en région parisienne, lui, Kevin. Salut, Kevin. Salut. Salut. Salut beau gosse. Salut. Alors toi, t'as quelqu'un de la famille qui a fait une émission de télé, tu vas nous raconter comment ça s'est passé. Ça va bien et toi, tranquille? Salut beau mal. Salut. Il y a Maître Beat qui vient de nous laisser un message qui nous dit, moi j'ai fait le journal du hard. Envoie-nous la vidéo pour qu'on... Parce que je te crois pas, envoie-nous la vidéo si tu l'as fait vraiment le journal du hard là. Il y a un mec qui était puceau, qui l'a vu à Confession Intime, trop la honte, il embrassait le poster de Shakira. Ah ouais, c'est Funzy qui nous laisse le message. Merci Funzy. Ah ouais. Amélie a une voix très charmante. Il y a Chaud Bouillant qui en effet est chaud bouillant. Je vais t'a repéré tout de suite Amélie. Bon, Adam, Amélie, Kevin, on vous retrouve tout de suite. Juste avant, on va s'occuper des familles du double appel et puis de Mounir aussi qui est avec nous en direct. Alors Mounir, explique-nous un petit peu ce qui se passe dans la famille. Donc ça c'est une histoire d'amour de 9 mois avec ta meuf. Avec ta meuf. 9 mois, ça va faire 9 mois fin du mois là. D'accord. Ouais, enfin oui. Bon, donc tout se passe bien avec ta meuf, vous aimez pas de... Ouais, je l'aime, elle m'aime. Elle t'aime, tu l'aimes, on s'aime. C'est beau. C'est beau. Le problème est l'extérieur. Le problème c'est les parents, c'est ça? Exactement. Alors c'est quoi que t'as comme problème avec les parents toi? Le problème c'est qu'on se kiffe, en une relation de fou, tu vois, on est fusionnel. Oui, bah mais c'est bien. Mais ses parents, c'est des fachos comme pas possible. Yaboy, fachos comme jamais. Jamais. Fachos comme jamais. Jamais. Jamais. Fachos. Jamais. En fait, au début, c'était ses parents, tu vois. Mais tu t'appelles Mounir. C'est pas très français. C'est pas très gaulois, dis donc, comme prénom. Tu veux pas t'appeler Vercingétorix ou Astérix ou Obélix même. Abracourcix ou Panoramix. Ou Idéfix comme le chien. Oui, Idéfix. Ah ouais. Ah ouais, donc ses parents. Non, j'aime bien mon prénom. Et donc, ses parents, ils sont racistes en fait. Ils aiment pas les Arabes. Ouais. En fait, au début, c'était les deux, tu vois. Les deux parents. Son père et sa mère. Ouais. Et après, quand sa mère, elle a vu qu'elle est amoureuse et tout, donc elle s'est calmée. Oui, et son ouais. père, c'est son ah. père, il veut pas se calmer. Ah, lui, c'est pas calmé, lui, a priori. Non, mais déjà, c'est un premier pas, c'est pas mal. Ouais. C'est-à-dire que non, mais. Ouais, c'est vrai, oui. Non, mais avec un peu de chance, le père va lui aussi, mais juste plus de temps que sa mère. Quand ça fait déjà 9 mois, il faut attendre combien de temps. Mais c'est vrai que bon. Et comment tu t'en rends compte de ça? C'est ta meuf qui te le dit, qui sont racistes? En fait, au début, elle me le cachait, tu vois. Ouais, elle avait honte. J'ai vu des messages, tu vois, mais j'en ai rigolé, mais en fait, c'est faux. Genre, au début, elle lui a dit, il s'appelle Mounir. Elle a dit, non, mais il a Mounir. J'ai pas Mounix, Mounix, Astérix, Mounix. C'est quoi, c'est Mounix? C'est Munich. C'est Monique. Ah, Monique, ouais, c'est ça. Ah, Munich, très bien. Ah, Munich, c'est bien. Eh ouais, mais ça arrive. Oui, ça arrive à plein de. Bah, c'est malheureux, mais ça arrive. Ouais. À plein de monde. Après, toi, Marie, t'avais connu, toi, un mec. T'es, écoute bien, Mounir, parce que Marie, elle avait connu un gars. Ouais. Un gars. Ouais, bah ouais, c'était le père de. Le père de l'époque, mais je l'ai vu qu'une fois, hein, finalement. Tu l'as vu qu'une fois. J'ai jamais revu après. Et il t'a fait un spectacle au dîner. Ah non, mais laisse tomber. On est allé, ouais, chez ses parents. En fait, je l'ai rencontré. Il était en bout de table, mais il arrêtait pas de sortir des trucs, mais de racistes, mais et puis. T'es content, toi. Ah, il rit à ses blagues. C'est un grand mec, de 2 mètres gros, avec les grosses moustaches et tout. Le mec hyper imposant, grosse voix. Ouais. J'ai une bonne surprise, j'ai invité Jean-Marie. J'ai dit à mon mec de l'époque, j'arrive, n'est-ce pas. Ah, tu l'as dit, je veux plus voir ton père. Et j'ai jamais revu. Ah ouais. Mais à la limite, c'est pas con comme idée. Si tu les vois pas, t'as pas de soucis, Mounir. Tu vis ton histoire avec ta meuf, c'est tranquille. Ouais, c'est clair. Mais le souci, c'est que j'ai un repas de famille là samedi. Ah ouais, tu fais repas de famille. Avec eux? Avec les deux parents. Ouais. Oh là. Ils vont se faire manger du porc. Ouais, exactement ce que j'ai. Non mais déjà c'est déjà pas mal. Ils t'acceptent ton repas. Avec ouais, mais ils vont te cuisiner que du porc, j'en suis sûr. Ah ouais, mais que du porc en entrée, pâté de porc. Ensuite, non, même pas gros. Une tête de porc. Et du bacon. Ils vont même pas lui dire. C'est qu'à la fin ils vont lui dire, bah ça va, t'aimes bien le jambon. Ça passe comme ça. Je vais manger que du pain. Oui, tu as mangé du pain. Oui, mais on a fait du pain au lardon. C'est de la fougasse au lardon. Il y a eu du bon pain au lardon. Mais quand tu les vois, ils sont comment avec toi? Genre, t'as l'impression qu'ils vont te mordre ou? Enfin, le père surtout. Mais ouais, je les ai jamais vus pour la première fois. C'est la première rencontre là. Bah écoute, s'ils voient que t'es un mec sympa, tu sais, il y a des gens, ils sont fachos parce qu'ils connaissent pas, quoi. Ouais, moi je te dis, déjà, il y a de l'espoir, c'est que déjà, ils t'acceptent. Tu sais, des vrais fachos. Ouais, ils t'invitent chez eux, ouais. C'est, il n'y a pas quelqu'un de un peu différent d'eux qui met les pieds chez eux, quoi. Il y a ouais, c'est vrai. Au début, son père, il voulait pas. C'est la mère de ma meuf qui a obligé mon père à faire le repas avec moi, tu vois. Son père. Ouais. Bon, après, bon. Non, mais après, il y a des fachos, tu sais, qui disent tout le temps, ouais, moi j'ai un ami, genre Mohamed, lui, pareil. Ouais, c'est... moi j'aime bien les Arabes, j'aime bien le couscous. Non, mais c'est vrai, ça, mais souvent t'entends des trucs comme ça. Ouais, alors que, bon, écoute, déjà t'as 50% du truc qui s'est résolu tout seul, la mère est pas si con que ça. Ouais, et puis il t'invite. Genre, il envoyait des messages à ma meuf, genre le père, genre lui disait. Mounir, c'est quoi ses prénoms de Chaoui, ils vendent du shit, tu vas nous faire passer sur BFM TV, des trucs comme ça, tu vois. Ah bah tiens, on parlait de passer à la télé. Ah bah dis donc, une bonne manière de passer à la télé. Ça va être des stars grâce à toi. Bah oui. Non mais tu sais ce que tu fais samedi quand tu vas le voir, quand tu lui serres la main, tu lui dis salam alaikum. Salam alaikum mon frère. Ah ouais, tu viens en djellaba là-bas avec des babouches. Je vous ai ramené du couscous. Et après tu lui dis ah, c'est l'heure de la prière là. Tu vas le rendre dingue. Ouais, tu lui fais la totale. Je suis venu avec mon mouton, ça vous embête pas? Ouais. T'es pas le seul. Je dans votre baignoire, tu sais, genre. T'es pas le seul, en tout cas, qui s'est arrivé. Il y a l'Italien qui a 24 ans qui dit, je suis sorti avec une fille pendant 4 ans et demi et ses parents m'insultaient tout simplement car j'habitais en cité et que eux, ils avaient une situation plus que aisée et ils voulaient que la fille sorte avec une fille avec un mec. C'est ça en plus, hein. Mais c'est bien de se mélanger. Ouais, mais c'est con ça. Puis si t'es amoureux, hein. Bah, franchement, ouais, je la kiffe, elle me kiffe. Hein. Oui, ils vont faire une soirée déguisée en cochon, nous dit Total Ricard. Waouh, cool. Avec des groins et tout. Ouais, vous allez tous venir avec des groins, ça va être une soirée déguisée. Vous allez vous éclater comme des fous. Il y a Momo qui nous dit, j'étais dans le même cas, je peux lui donner quelques explications et des idées. Bah vas-y, donne, Momo, là. Et laissez-nous vos messages au 41759 et sur l'appli Skyrock si vous est arrivé la même chose. Toi, là, Romano, puisque tu as connu également, tu sais que j'ai une surprise pour toi, au fait. Ah ouais? Parce que j'ai vu tout à l'heure, quand j'ai parlé de ta gothique, une petite larme sur le bord de tes yeux. Non, bah, bien sûr. Et je sais que tu as très envie de lui reparler. Ah ben non, mais ne me passez pas ça. Hein. Eh bien, ce soir, Romano, peut-être pour toi, on va partir à la recherche de tes ex et je vais commencer par l'ex avec un grand E majuscule. Ouais. Oh là, non, excuse-moi, c'est avec un temps, H. Romano. H majuscule. C'est, bien sûr. Ouais. Non, Cédric, avec un grand E majuscule, l'ex, autrement dit, la gothique. Ouais. Si, Romano. Ouais, non, mais c'est. Moi, de toute façon. On l'appelle en direct, mais c'est promis, hein, avant minuit. Ah bah écoute, je vais me préparer à l'insulter. Avant minuit, on appelle la gothique. Chaud. Toi, parfois, tu vois, Mounir, on parlait des problèmes, tu vois, la Marie avec son mec qui avait un papa facho. Ah ouais, le Romano pauvre. Avec la mère de la gothique, elle te traitait mal, hein. Ouais, non, mais c'était pas du racisme, hein, c'était de la folie. Elle te disait quoi? Bah non, mais elle disait connard. Elle t'appelait de connard. Ouais, non, mais pas tout le Bonjour, temps. Bonjour, le connard. Pas tout le temps, mais quand elle était en crise, oui, de toute façon, elle insultait tout le monde, même son mari, même sa fille. Elle disait quoi, même son ta mari. Mère. Bah lui aussi, connard. Tout le monde était connard. T'es un con. Bienvenue, connard. Et la fille, elle lui disait quoi? Bah connasse. Connasse. Salope. Salope à sa fille. Oh ouais. Elle disait salope à sa fille. Ouais, mais elle était en crise. T'es une connasse, t'es une salope, donne-moi mes cachets. T'es qui? Ouais, mais elle se rappelait plus après. Elle a bien traité ta mère de pute. En fait. Ouais, elle a traité ta mère de pute. Ouais, aussi au téléphone, ouais. Elle l'a appelé exprès. Ouais, elle l'a appelé exprès, ouais. Oui, bonjour, bonjour la pute. Ouais, non mais c'était un peu ça, ouais. Elle avait appelé, elle avait dit ouais grosse pute, ma mère elle avait dit on y va. Et votre fils, c'est un connard. Bah non, elle avait même pas parlé de moi, mais là à ce moment-là elle était en crise quoi. Ah bah j'imagine, ouais. Là, elle est totale. Oh. Donc vous nous dites si vous avez déjà connu ce genre de problème, si vous avez une solution, vous nous faites signe. 41759 skyrock.fm et 01 53 40 30 20 évidemment pour aider Mounir. Tu bouges pas Mounir, tu restes avec nous? Pas de soucis. Allez, on t'en retrouve tout de suite en direct avec nous sur Sky. Bon, on va faire un tour du côté des émissions de télé, là, puisque Laurie nous a écrit tout à l'heure, si vous venez d'arriver, je vous explique rapidement. Elle a entendu Christina Cordula ce matin dans le réveil de Star. Et ça lui a fait penser au fait que sa mère s'était inscrite à l'émission de Christina Cordula et elle a trop peur de se taper la honte avec ses copines. Ouais. On peut te comprendre. Quand tu passes à la télé sur M6, en plus, il y a des gens qui regardent, c'est rediffusé, ça repasse partout. Ah oui, ça arrête pas, ouais. Et puis ça dure une semaine. Si c'est les reines du shopping, pendant une semaine, elle va paraître à la télé. Donc, ouais. T'as de quoi te faire traquer, ouais. Ah oui, c'est clair, ouais. Après, tu retournes au bahut, c'est vrai, c'est chaud. Donc, on prendra les réactions dans un instant. Juste après le double appel que je vous avais promis, c'est parti. Direction les familles de France. Et on n'oublie pas la gothique. Oui, vous êtes qui, madame? Ah bah, personne, moi, j'appelle personne, c'est mon téléphone qui sonne. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Je prends ce sillon de cheval, oui. Et je te l'enfile. Le double appel de Default sur Skyrock. Je t'appelle pas, non, espèce de con, on va te faire foutre, enculé de ta race, connard. Voilà. Ok, absolument. Oh, bonne ambiance. Ouais, ça va comme tout. Ouais. Patrick a été bien reçu. C'est bien, ça fait plaisir. Enculé de Taras, connard. Connard. Bon, c'est l'heure d'en trouver le double appel. Alors, Qu'est-ce que tu nous as réservé, Samy, ce soir? Qui c'est que t'as? Moi, je vous propose d'appeler Alain dans le 80. Alain dans le 80, on va donc. Et Guillaume, qui habite pas très loin dans le 80 aussi. Bon, ben on est en Picardie alors. Hein. Voilà. C'est parti, on est dans la Somme, en Picardie. C'est parti, en Picardie. Allez, les Picards. Et on les met en contact. Envoyez-nous des messages d'ailleurs, hein, si vous voulez qu'on appelle quelqu'un de votre famille. N'hésitez pas, hein. On est prêt à on tout. On prend. À tout. Ah, merde. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie. Vous êtes sur la messagerie du 03. Ah, les deux. Ah, les deux messageries. Chez qui tu vas? Donc là, on bascule chez Jean et chez Henri. Jean et Henri. Et on est dans quelle région, tu sais? On est dans le 80 et dans le 60. Dans le 80 et le 60. T'as préparé Patrick, Romano? Ouais, c'est bon. Très bien. Allô? Bonjour Patrick, bienvenue dans le double appel sur Skyrock. Oui, comment vas-tu? Ça va bien. Content d'être là. J'attends juste que les familles décrochent pour qu'on puisse les mettre en contact. Ah bah vas-y. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Il y a un problème dans les tuyaux là, dites donc monsieur. Hein oui, ah bon comment vas-tu? Pardon? Il y a un problème dans les tuyaux. C'est qui, là? Moi, je suis Patrick, hein. Patrick qui? Bah, devine. Je sais pas. Ah. Absolument. Et moi, je suis qui, alors? Moi, je suis décaloté complètement. T'as rien à dire que je fais des conneries, hein? Tu la branles bien comme il faut, là. J'en sais rien, c'est un abruti. Doigt dans la chatte, là. Bande-toi un peu. Mais viens écouter. Bande-toi un peu. Mais t'es abruti, toi, comme mec. Là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En leur programmant tout de suite, attends, plus tard, un canular téléphonique. Surprise et fou rire assuré. C'est ça. Vous savez, ce machin. Pour continuer, tape sur la... Et ben voilà. C'était quoi, ça? C'était une pub. Non, c'est le répondeur du mec, genre c'est un répondeur. Ah ouais, genre c'est le délire quoi, ouais, je fais des canulars. Le mec il est perçu quoi. Canular téléphonique, à comique sans doute. Ouais, voilà. Oui, sans doute. C'est très drôle dans la vie. Non, là c'était un super répondeur, moi j'ai trouvé. Ah, génial. Bon, on va dans. 73. Allez, il doit avoir regardé des appels. T'as l'impression que c'est une pub, les gens ils doivent raccrocher à chaque fois. Il avait une bonne voix là. Ouais, dommage. C'est vrai, il avait. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Oui? Allô? Allô? Oui? Oui, qui est à l'appareil? Gérard. Pourquoi? C'est monsieur Nicolas. Allô? Allô? Allô? Oui? Qui est à l'appareil? Monsieur Né. Ah, je connais pas. Bah, je sais pas pourquoi vous m'appelez alors. Ah, je vous ai pas appelé? Ah bon? Bah écoutez, c'est moi non plus. Moi, ouais, je m'excuse. Allô, vous en prie. Voilà, je sais pas. Ça déconne à des fois. Hein. Ouais, ah, ouais, bon, ouais, rien de mal. Hein. Ça, Internet, alors là... hein? Voilà. Ah, c'est drôle ma bite, là. Comment? Absolument, oui. Allô? Absolument, oui. Vous autres? Je vous entends plus. Allez. Absolument. Soirée, oui. Hein. Ouais, poil, là. Ah bon, bah t'as poil, bah c'est bien. Eh ben oui, mais il y a comme un défaut, hein. Ah ben bah, oui, moi j'attends un coup de téléphone. Oui. Allô. Allô. Ouais, allô. Allô. Oui. Allô, oui. On est combien sur la ligne, hein? C'est un quoi, bon paquet. À quel numéro vous êtes? Ça commence par bien faire, hein, vos coups de téléphone, là, sans arrêt. Ah, oh, ça c'est mort, hein. C'est une erreur, là, madame. Ah, oh, moi, je comprends rien à vos conneries, hein. Oh, moi non plus, je comprends rien à vos conneries. Soyez polis, déjà, quand vous appelez les gens. Mais je vous emmerdez toute la journée. Je vous appelle pas du tout, madame. Hein? Ah, moi, je vous dis quelque chose, hein. Si vous me rappelez encore une fois, ah, une fois... Ouais. Ouais. Espèce de fils de pute de tes morts, je vais t'éclater les dents. Oh là là. Absolument, oui. Ouais, ouais, absolument, quoi? Quoi? Tu vas faire quoi? Et qui êtes-vous? Ouais, ouais, c'est quoi le bordel, là? Tu me feras une pipe au champagne. Allez. Une pipe au champagne? Mais ta mère, c'est la reine des putes, fils de pute. Absolument, oui. Ouais, bah nique bien ta grand-mère, va enculer de tes morts. Ramasse tes dents, va ramasse tes dents, va, ça l'enculé de tes morts. Salut les filles. Ah. Mais toi mon gars. Ça c'est bien vrai. Ferme ta gueule, petit fils de pute de tes morts, va. Ouais, ouais, ouais, ouais, grand, ouais, ouais, ouais. T'es qui toi? T'es qui pour m'appeler? T'es qui? Patrick. Patrick comment? Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant? Mais toi, bro, appelle encore une fois sous le numéro là. La vie de ma mère. La vie de ma mère, je te démonte. Je te démonte, je t'encule. L'encule. Quoi? Tu vas faire quoi? Il m'encule, je le suce. Eh, bah, je t'encule, héros. Sale pute. Ouais, héros. Mais héros, viens. Mais t'habites où, grande gueule? T'habites où? C'est quoi ton bordel, enculé? Oh, Cédric, magnifique. C'est maltraité, en vrai. C'est marrant, hein, ça raccroche sur Cédric, hein, vous avez vu. Hein. Étonnant. Hein. Un peu comme au Clash. Bon, là, c'est drague. À un moment, ils étaient trois, après, ils ont été quatre. Après, il y en a un qui est parti, un deuxième qui est parti, et l'autre s'est retrouvé tout seul avec ouais, Patrick. Ouais, c'est ça, ouais. Il s'est fait un petit tête-à-tête avec Patrick, il magnifique. C'était mignon, hein. Ouais, c'était bon contact. J'ai même trouvé ça romantique, personnellement. Romantique, enculé, tout ça. Ah bah enculé. Oui, au moins. Cédric qui voulait sucer. C'est dingue, Cédric a changé hein, depuis qu'il a sa clavicule cassée. Hein. Enculé, t'es mort. Ça, ouais, c'est ta grand-mère. On est quand même dans la classe. Le festival. Ah, là, mais de ouf, là. Là, on a eu la totale. Là. Ah, c'était mignon. Bon, magnifique ce double appel. On y est arrivé quand même, vous avez vu. Hein. Ouais. Bon, demain soir d'ailleurs. On choisira des doubles appels collector demain soir pour la grande soirée spéciale qu'on vous a réservée. On va choisir parmi plein de choses qui sont passées dans l'émission ce qu'on a envie de réécouter. Pas que d'ailleurs, hein, parce qu'il y aura aussi de l'exclu, mais demain soir, on s'occupe de ça. Si vous avez un double appel qui vous a bien fait marrer, le préféré, tiens, votre préféré, vous pouvez nous dire oui. Dans quelle région on était, si vous vous en rappelez, hein, au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Dans un instant, sur Skyrock, on va retrouver Adam de Bourgogne, on va retrouver Amélie, la belle Amélie avec sa belle voix de Lens. Ah oui, c'est la télé. Et Kevin de région parisienne. Et ouais, donc, pour répondre à Laurie tout à l'heure avec sa mère qui veut participer à l'émission de Christina Cordula, on a des réactions. On va voir si c'est bien de passer à la télé. Ou bah pas. Ça dépend ou pourquoi. Ouais. Hein, si c'est bien ou pas. Surtout ou pas d'après les messages, mais tout le monde peut s'exprimer. Allez-y. Faites-nous péter tout ça. Tiens, on a des gens qui ont participé à Koh-Lanta, qui nous laissent des messages. Il ouais, y a des. Encore ça va, ça. Ouais, ça, c'est la classe. Il y a ma tante et mon oncle qui ont participé aux Amours il y a 10 ans. Ça, c'est moi la classe. Et ils le regrettent encore. Ah, bah tu vois, là, c'est Brian qui nous laisse un message. Ouais, les Amours. Il y a 10 ans et ils le regrettent encore. Toi, tu t'affiches hein, quand même. Hein. Pas mal. Bon, bah, si tu t'es dit une connerie et tu passes dans tous les zappings sur toutes les chaînes. Ah, ouais, en plus, ouais, c'est clair. Et là, t'es sûr. Ça, c'est un peu le problème, quoi. T'es sûr qu'on te loupe pas. Ah, ouais, et puis les images, vu qu'il est multi-rediffuse. Ouais. Avec un peu de chance. Ouais, t'en as pour 10-15 ans. Et ça, c'est pas mal. C'est rassurant. Bon, bah, en tout cas, profitez. Puis appelez-nous au 01 53 40 30 20. Vous nous passez un coup de fil si vous voulez passer ici. Tiens, je voulais faire juste un petit coucou. On a trois gagnants de ce matin pour les 1500 euros. On en a eu trois ce matin. Ouais. La chance. Bon. Greg dans le 74 à Rumilly. On n'était pas loin d'ailleurs avec les voisins du 73 là. Greg qui a gagné à Rumilly. Il veut faire plaisir à toute la famille. Sophia à Sarcelles. Elle va se marier. Elle a plus de sous. Et bah, elle a gagné 1500 nickel. Euros. Nickel, et Hayat qui a gagné à Alès. Ils ont tous gagné 1500 euros. Trois gagnants ce matin. Bah, bravo à vous trois. Hein. D'ailleurs, un petit conseil, inscrivez-vous au 72020. Vous envoyez 1500 au 72020. Oui. Et peut-être qu'on vous appellera demain. Vous les envoyez maintenant. On peut vous appeler demain matin. Hein, ça va très vite. Hein. Ouais. Donc, 72020, vous envoyez 1500. Et demain matin, on se retrouve peut-être dans le morning. Bravo Greg, bravo Sophia, bravo Hayat. Et dans un instant, la suite. Et je vous le rappelle aussi, le cadeau que j'ai fait à Romano. Ben, ouais. C'est bizarre. T'es un peu tendu, c'est ça. Moi plutôt un billet, ça me fera bien. Là. Et non, ouais, l'amour est mieux que l'argent. Non, mais c'est pas de l'amour. Non, mais c'est pas de l'amour. Ce soir, je voulais annoncer. Ah, bah, je la jette en l'air. On appelle la gothique. On part à la recherche des ex de Romano. Non, mais ça sert à rien. J'ai pas eu dû parler moi. Si, c'est toujours c'est bien. Bon, le passé, c'est le passé. Hein. Ouais, mais bon, c'est toujours bien de se replonger dans le passé. Ah ouais, quelle horreur. Quelle horreur. Replonger là-dedans, merci. Il y a plein de messages d'ailleurs. Vous étiez content que j'appelle la gothique. Ouais. Vous avez dit Diffoul, t'es gentil. Un ami comme toi. Ça en vaut 10. Enfin, j'ai eu plein de messages sympas comme tout. Hein. Ouais. Non, mais on aurait peut-être chopé son numéro. Toi, Romano, à ta place, j'aimerais bien avoir un ami comme moi. Ouais. La gothique arrive. Allez, et le problème du mois aussi. Et puis vous tous en direct, hein, jusqu'à minuit. C'est Skyrock, la plus grande radio libre de France. Skyrock débarque sur Deezer. Sky. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À Deezer. À toi, la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Okay. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement Deezer Premium Plus. Merci beaucoup. Deezer, la musique que vous voulez, partout, tout le temps. Skyrock. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli radio Skyrock et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville.

Drake sur Skyrock, c'était One Dance. Skyrock, Romano. Excuse-moi de te déranger, man. T'aurais pas un petit. J'ai des kilos, moi. Diffoul. Tu racontes. Cédric. Ta gueule, Cédric. T'es pénible. De quoi ta gueule? Mais c'est quoi ta gueule? Il est fou, lui. Le mec, il respecte même pas les règles. C'est un fou, lui. Marie. Bon, bah, c'est la folie, quoi. Samy. Bon, ah ouais, en Allemagne, j'ai même pas, je coupe les données. Je suis en 3G normal. Et Karim. Non, moi, je suis un arabe sexy, gros. Donc. Diffoul Radio Libre. 21h, minuit, tous les soirs sur Skyrock. Eh ouais, c'est nous, Radio Libre sur Skyrock. À suivre tout à l'heure dans moins d'une demi-heure. On écoute le nouveau The Weeknd, celui qu'on vous a fait découvrir ce matin dans le morning. On exclut dès 6h du matin. Et ouais, fallait se lever tôt. Vous étiez les premiers à l'écouter. On l'a même découvert avec vous, là. The Weeknd, le nouveau, avec les Daft Punk sur le morceau. Les Daft Punk qui ont fait le son. Ça s'appelle Starboy. Ah, et Starboy, c'est yeah. ce qu'on va écouter dans, allez, moins d'une demi-heure sur Skyrock. On aura le problème du mois qui arrive aussi dans ces eaux-là. Oui, oui, oui. Et puis, bah, vous toutes en direct, à n'importe quel moment de l'émission, vous pouvez débarquer ici. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous laisser des messages. D'ailleurs, je salue Teddy. Ah, et il voulait faire une dédicace à Tristan qui lui a fait découvrir Skyrock et qui passe sa vie sur Sky. Il est bien, le Tristan. Bah, ouais. Dédicace à Tristan. Salut Teddy. Salut Massy. Il y a Vazel Manon qui vient d'arriver. Bonjour Vazel Manon. On salue Bye qui est là aussi. Bonjour à Kader, à tous les autres. À Cortez, Massy 213, Charlie 9, DPS, Laurie. Salut. Vous nous laissez vos messages au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Et jusqu'à minuit, et il va s'en passer des choses. Plein. On va revenir aux émissions de télé là pour la pauvre Laurie avec sa mère qui veut faire une émission de Christina Cordula. La classe. J'espère que c'est les reines du shopping et que c'est pas un nouveau look pour une nouvelle vie. Ma chérie. On espère, ouais. Ma chérie, t'es habillée comme un boudin. Donc qu'est-ce que vous lui conseillez? On va voir ça. Il y a Mounir aussi avec le papa de sa copine qui est un peu facho. Bah peine. Oui. Yavol. Eh bien on va voir. On va te donner des conseils, Mounir. Il y a plein de coups de fil. Ouais. Bah il l'a jamais vu, donc peut-être que ça va bien se passer. Après, entre ce que dit la fille et ce qui va se passer samedi. Il y a peut-être Ouais, simplement Mounir, il a vu les SMS que le père envoyait, a priori oui, c'était pas tendre. C'est quand même pas super bien barré l'histoire. Avec un peu de chance, samedi il sera frocu, il sera oui, bonjour monsieur Mounir. Ouais, puis lui, il va serrer du cul Mounir. Bon, eh bien ça va être sympa ça. On prendra des nouvelles dès lundi d'ailleurs pour savoir comment s'est passé le petit repas avec la famille de la copine et le papa notamment là. Bon, on y reviendra avec vos conseils. Si vous arrivez à la même chose, vous pouvez réagir au 01 53 40 30 20, puis sur le 41 759, et avec l'appli Skyrock bien sûr à n'importe quel moment pour réagir à tout ce qui se dit dans l'émission. Et puis Romano, tu le sais, je t'ai réservé une belle surprise ce soir. Ouais. Une surprise, nous allons essayer de joindre ta gothique. Car okay. Je me suis renseigné, j'ai pris des renseignements, j'ai fait une enquête carrément. Une enquête dans toute la Bourgogne pour arriver à retrouver cette gothique dont tu as perdu le numéro. Tous les cimetières. Je comprends pas que t'aies perdu son numéro de téléphone. Il trépigne. Ah ouais, mais putain, pour Apple, il a changé de numéro entre temps. Écoute, j'espère qu'on arrivera à la joindre. On est prêt pour la gothique. Vous emmerdez pas. C'est bon. Ouais, tu veux maintenant? On va y aller. T'as pas autre chose à foutre, sérieux. On prend juste. Mais Romano, c'est pour te faire plaisir. Et demain, si tu veux, pour qu'il n'y ait aucune jalouse, on essaiera d'appeler Pokipu, Tête de Tortue, enfin les autres. Bien sûr. Toute la liste. Jusqu'à demain. On retrouve les ex de Romano et ça fait du bien de retrouver ses ex. Bon, juste avant les ex de Romano la gothique. On va faire autre chose avant. Bah oui, on a Amélie qui nous attend avec sa belle voix en plus. Bien plus intéressant. Amélie de Lens. On a Adam qui nous attend aussi, qui est là en direct de Bourgogne. Si tu connais pas le numéro de la gothique, toi, Adam, toi qui es en Bourgogne à Dijon. J'entends trop parler de la gothique, moi, je l'ai jamais vu. Ah, t'aimerais bien l'avoir. Tu vois, Romano, ça fait plaisir à tout le monde. C'est sympa. Mais j'en ai 2-3 de gothique pour lui, si tu veux. Ah, n'hésite pas. Non, mais ça va, je suis passé à autre chose. C'est une période dans ma vie. Vu comment il parle de l'achat de la gothique, là, depuis 2-3 jours. Il arrête pas d'en parler, il est complètement cédé par cette gothique, c'est fou. Hein. L'amour. Ça marque le lycée. Et ouais. Et on a Kevin aussi qui est avec nous en direct de la région parisienne. T'es où en région parisienne, Kevin? Moi, je suis dans le 77. Dans le 77, on big up le 77. Ouais. Alors, vous avez tous des trucs à nous raconter par rapport à des émissions de télé que vous avez fait, ou que des parents, ou des amis, ou des potes ont fait. Toi, c'est toi qui as fait une émission de télé, Kevin? Non, moi, c'est mon oncle. Ton oncle. Alors, attention, qu'est-ce qu'il a fait comme émission de télé? Il a fait Koh-Lanta. Ah, ça va encore. Ah, c'est pas mal. Hein. Mais à Koh-Lanta, tu peux te foutre la honte aussi, hein. Si tu sens le premier ou. Tu sais, moi, une des épreuves, je sais pas si elle existe encore, mais il y avait une épreuve, il fallait qu'il marche sur un bout de bois. Ouais, il y en a plein où ils doivent un peu détruire l'équilibre. Ça existe. Une épreuve, une épreuve d'équilibre. Imagine que tu te casses la gueule sur le bout de bois et que tu tombes les jambes écartées sur le bout de bois et que tu te castres la bite. Ouais, voilà, par exemple. Par exemple. Et ben ça, je pense que ça te suit, même si tu fais Koh-Lanta, même si c'est pas une des pires émissions. Sinon, il y en a, c'était des épreuves aquatiques et ils savaient pas nager aussi. C'était un peu la honte. Ça aussi, c'est un peu la honte. Ouais, c'est vrai, il y avait un mec qui avait fait se noyer au bord de la plage. Et pendant qu'il a fait Koh-Lanta, il est passé à la télé. Ouais, c'est ça. Il a pas fait que les castings, il a fait l'émission, lui. Et il est resté combien de temps sur l'île? Il a fait quelle saison, hein? Lui, c'est dans les tout débuts, avec Moundir. Et il s'appelle Moundir? Ouais. Moundir qui avait capturé une chèvre pour la bouffer. Ouais. C'est pas con. Et il s'entendait bien avec lui ? Avec Moundir. Ouais, ça va. Des fois, on voit les photos sur Facebook, il traîne toujours avec lui. Mais c'est quoi son prénom à ton oncle ? Ouais, c'est quoi le nom ? Sega. Ah, Sega. Sega, c'est pas un quebla ? Non, c'est une console. C'est plus fort que toi. Non, mais c'est un black, non ? Ouais, ouais. Ah, je me souviens, putain, je suis un tueur de Koh Lanta. Tu te souviens ? Ah, je me souviens. Mais c'est pas si vieux que ça, c'est genre peut-être. Oh, ça doit avoir 10 ans, Moundir. Hein. Ah, quoi, t'as raison. Ah, ouais, j'aurais ouais, 17 ans. Ouais, j'étais tout petit. Hein. Ah, tu, ouais, t'avais 6 ans à l'époque, quoi, t'étais ouais, tout petit. Ça, ouais, ça et tu regardais tonton à la télé, t'étais fier ? Ah, bah ouais. Ah, je me souviens, ces gars, c'est il est costaud, non ? Ouais, il est baraque, c'est du football américain. Ouais, je me souviens, ouais, je me souviens de lui. Et t'es, parce que son prénom, il est marquant, tu vois. C'est plus fort que toi. Ouais, oui, tu vois, comme le console. Et Sega, ton tonton, quand il a fait Koh-Lanta, ouais. Est-ce que t'en as entendu parler, tes potes? Enfin bon, t'étais petit, t'avais 6 ans. Mais ouais. Est-ce que tes potes, ils en ont parlé? On a vu ton tonton, hein. Oh, vite fait, bah ouais, on était petits, donc ouais, c'était... Ouais, tu t'es pas tapé la honte, ça allait. Non, bah non, en plus, il était fort. En plus, ah ouais, c'est ça. C'est en plus, il est fort. C'est vrai que c'est la classe. On est tous comme ça dans la famille, fallait dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et t'as raconté des trucs un peu sur Koh-Lanta, moi, ça m'intéresse. Tu sais, genre comment ça se passe et tout. Ouais, bah déjà au niveau des caméramans, ils sont super beaucoup en fait. Ils sont nombreux. Ouais, ils travaillent jour et nuit. Ah ouais. Ouais, donc ouais. Tu te sens pas tellement perdu sur une île, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu joué quand même. Tu te sens pas perdu sur une île. Ouais, c'est une plage. Mais bon, t'as des caméramans qui, eux, peuvent bouffer, boire comme ils veulent. Ils ont pas le droit de bouffer devant les candidats. Normalement, ils ont le droit d'avoir aucun contact avec eux. En fait, ils parlent même pas. Ouais, ouais, ils sont là. Bon, il y a eu des histoires, il y a eu des saisons où les mecs, couchaient. Non, ils ont, il y a eu des saisons où les mecs, ils leur ramenaient un peu de bouffe, tu vois. Ah, ok, ouais. Mais, sinon, ouais, en fait, c'est comme s'il y avait, le mec, il est là, mais il te parle pas, quoi. Ouais, il est là, mais il est c'est-à-dire, si tu demandes un truc, le mec, il va pas te répondre. Genre, t'es en train de crever de soif, de chaud et de faim. Et là, pitié, donnez-moi. Non, là, le mec, il fait un zoom sur ta gueule. Ah, ouais. Recule-toi, n'approche pas. Ouais. Mais moi, je suis déjà allé sur une plage où il y a eu une saison de Koh-Lanta, bah, la première saison, en fait. Ils ont tout dégueulassé, non? Non, et en fait, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est une île déserte, mais c'est vraiment une plage qui sert de tournage. Mais, je veux dire, 50 mètres derrière la plage, il y a des resorts, tu vois, c'est. Donc, à mon avis, ils doivent fermer l'accès à la plage pour pas qu'il y ait des clients. Ah, bah, ouais, c'est clair, mais si tu partout, t'as des hôtels, hein. Oui, avec leur panier repas. Tu sais, ouais, quand Koh Lanta, c'est en Thaïlande ou en Malaisie, partout sur toutes les îles, il y a des hôtels. Hein, ouais. C'est pas et là, tu croises Gunther, pédophile allemand. Oh, bonjour, je cherche des petits garçons et des petites filles. Avec une pâte de bière. Bonjour, tranquille. Je suis parti en vacances en Thaïlande. Ouais, voilà. Voilà, vous êtes un peu vieux, vous, monsieur Sega. Ah oui, c'est un peu, ouais. Bon, mais c'est marrant. Donc, Koh Lanta. C'est pas mal. Ouais, pas mal. Toi, ta mère, elle te dirait maintenant, je vais faire les reines du shopping. Tu lui dirais quoi, Kevin? Non, c'est mort. Mais est-ce que tes potes, tu connais tes potes, donc tu sais comment ils sont. Est-ce que tes potes, à toi, ils te traqueraient si ta mère faisait les reines du shopping? De malade. Ah ouais, de moi, voilà. Ah, moi, j'ai un pote, il y a sa mère, elle fait les reines du shopping, mais ouais, moi, bah, c'est clair. Ouais. Tu sais pas ce qu'il y a ta mère, Marie? Non, mais ça va pas. T'as quelqu'un d'autre qui va inscrire sa mère en reine du shopping? Non, surtout pas. Ah non, ça ira, man, merci. Non. Ça sera pas mal. Bah, inscris la tienne, gros. Bah, elle en a pas besoin, elle est déjà tellement bien lookée. Elle est tellement soignée. Elle est tellement soignée, la daronne. Bon, quitte pas Kevin, on a Amélie aussi. Alors, Amélie, toi, c'est ta mère qui a fait des castings d'émissions. Elle a fait quoi comme casting? Elle a fait les 12 coups de midi. Ah, c'est toi qui a fait les. Enfin, c'est toi, ouais. C'est ta mère qui a fait les 12 coups de midi. Voilà, tout à fait, ouais. Aïe. Elle a vu Reichmann? Bah, oui, sans doute. Ah non, bah, au casting, non. Elle l'a pas vu. Elle a passé les castings avec plusieurs personnes, et en fait, elle n'a pas été prise parce que c'est qu'elle est. Ouais, il faut être déluré. Ouais, c'est ça. Oui, il y en a beaucoup de délurés, ouais. Bah, ils prennent des gens atypiques. Elle a passé un casting avec un mec qui chantait. Oui, je suis sûr qu'il a été pris. S'il se foutait la honte, le mec, il a été pris. C'est vrai? Et toi, quand elle t'a dit qu'elle allait faire le casting des 12 coups de midi, tu l'as pris bien, tu t'es dit oh putain de merde. Non, bah je trouvais ça bien, mais bon, après c'est ce que je lui dis, il faut quand même, faut se montrer, faut faire quelque chose d'inhabituel pour être prise. Ah, vous voulez un témoignage de prendre de l'oseille quand même. Oui. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Vous voulez le témoignage de quelqu'un qui s'occupe des jeux d'argent et qui regarde beaucoup les jeux d'argent à la télé, Romano? Lequel jeu d'argent tu ferais, toi? Les 12 coups de midi, tu peux gagner beaucoup. Hein. Ouais, mais il faut rester super longtemps. Bah, là, par exemple, comme ça, t'es sûr qu'on te loupe pas, là? Là, en ce moment, c'est Christian. Christian. Le recordman absolu. Bravo, Christian. Il en est à 80 émissions. Bon, le mec, il en est à 450 000 euros. Oh putain. C'est bien. C'est le mec qui galérait, en plus. Ouais, c'est le mec, il est arrivé, il avait plus une thune. Je crois qu'il est. Ah, bah, c'est bien, alors. Il lui restait 60 balles, je crois. Mais il avait quoi de spécial? Il chantait? Non, il a rien, en fait. Le mec, il est plutôt sympa, tu vois, plutôt normal. Bon, par contre, putain, il est très réponds à des questions, l'enculé. C'est vrai que j'ai super. Ouais, tête, mais tu, en plus, tu sens que des fois, ils veulent, tu sais, ils veulent le baiser, essayer de le faire perdre. Mais même Richman, il est là. Ah ouais, vous savez ça? Oui, pouvez-vous me traduire bonjour Jean-Luc Richman en thaïlandais? Ah, mais le mec, il est capable. Le mec, il trouve. Bon, je pense qu'un jour ou l'autre, il se fera baiser, mais en ce moment, il est très fort. En tout cas, c'est un record absolu. Bah là, ça va aller. Il est arrivé avec 60 balles, il paraît 450 000 pour le moment. Ça va. Oui, c'est vrai, ça va. Bon, par contre, il est là depuis début juillet. Ah oui, il faut y rester quand même. Donc, ouais, ça fait plus de deux mois, quoi. Ouais. Écoute bien, Romano, je vais te faire écouter un petit son et tu vas me dire si ça te rappelle des souvenirs. Des amours. Ouais, alors, t'as pas un petit témoignage sur les amours, Romano? Je regarde de temps en temps. Non, non, c'est pas ça comme témoignage. Attends, je vais te donner un petit indice. Va faire la gothique. Tu vas rigoler, Amélie, là, ouais. Alors, le petit indice est la gothique. Non mais, la gothique nous avait inscrit. Oui. Mais on n'y est pas allé. Oh, c'est dommage ça. Ça c'est ça aurait été marrant. Tu peux aller au pré-casting. Non, je suis pas allé au pré-casting. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous avaient inscrit par téléphone. Et là, il y a une meuf de la prod qui nous a appelé. Et c'est moi qui ai décroché. Et la meuf elle dit ouais, on serait intéressé. Il faudrait que vous veniez tel jour. Je fais non, mais finalement on va pas donner suite. T'imagines toi. Mais la meuf elle a assisté. Elle me fait mais pourquoi vous devriez. Mais ouais, elle a raison. J'ai dit non, c'est, ça nous intéresse plus. T'imagines, ça aurait été un magnifique film qu'on pourrait se repasser régulièrement le soir dans l'émission. Bonne raison de plus pour pas l'avoir fait. Ah, ça aurait été super, ça. Vraiment, je suis déçu que tu sois pas allé, Romain. Ah ouais. Vraiment. Non, on ira plus. Tu l'aurais fait. T'aurais fait un souvenir, mais de ouf. Ce qui est pas mal, c'est que j'aurais pu lui foutre des coups de pancarte dans la gueule. Et puis Tex, il aurait fait des blagues. Ah bah oh ouais. Putain, ouais. Ah ouais. Ah grave. Alors qu'est-ce que vous préférez chez votre conjoint? Ouais, c'est en crâne chauve, c'est dans le plastique. Ou alors sa générosité. Ouais. Et là, merci Tex. Là, tout le monde mord de rire. Ah bah oui, c'est Tex, très hein. Drôle en plus. Ah oui, ça va. Bon, t'as été sauvée, elle n'a pas participé aux 12 coups de midi, la maman. Ouais, voilà, dommage. Sauvée Amélie. Oh, à la limite, bon, c'est s'il y avait été qui prenait de l'oseille. Oh, si elle prend 400 000 balles, oui. Ouais. Ouais, ça va, ouais. Ouais tu après, il peux... faut avoir comme niveau culture, il faut quand même. Ah, tu juges que ta mère n'en a pas assez. Bah, non, pas forcément, mais. C'est pas gentil, hein. Pas un petit niveau. D'accord. Bon, il y a Adam aussi, bouge pas, reste avec nous. Hein. Adam qui voulait réagir par rapport à Laurie. Alors, Adam, t'as 20 ans et t'es dans le 21, toi, c'est ça? Ouais, 21. Alors, Adam, dis-nous, Adam. Les gars, quand je jouais contre le PSG avant-hier, là. Ah oui, vous avez pris 3-0 hier. Ouais, ouais. Ouais, mais ça, c'est chaud, tu vois. C'est vrai que c'est chaud. Pour ça, je dis pas, j'habite à Dijon, tu vois. Alors, on dit Adam de quelque part en France. Ah, voilà, Dijon-Vie, c'est pareil. Très bien. Tu participerais à une émission de télé, Adam? Bah, ça dépend laquelle, tu vois. Ah, donc il y a des émissions qui t'intéresseraient, toi. C'est lesquelles qui t'intéresseraient? Bah, je sais pas, tu me fais passer dans les anges, il y a des meufs, tu vois. Les anges, les meufs, ok. Bah, ça aussi, tu peux t'afficher, mais bon, il y a plus grand monde qui regarde, de toute façon, ça ne passe plus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que ça passe plus. Ouais. Non, ça va repasser, mais ça passe plus. Donc, les anges, toi, tu passerais dans les anges juste pour tirer ton coup, en gros. Ouais, voilà. Oh putain, mais c'est l'enfer. T'es filmé tout le temps. Ouais, et puis tu passes pour un con. Il y a des scènes coupées quand même, je pense. Oui, oui. Ouais. Non, mais ils ont des heures de la journée où ils font rien. Ils ont une heure, je crois. Une heure, Non, ça c'était à l'époque du. C'est le Loft, par exemple, Secret Story. Ouais. Là. Ouais. Secret Story, ils sont filmés 23h sur 24. Faut qu'ils aient une heure de battement. D'accord. Mais là. Et là, pendant une heure, ils baissent tous comme des oufs. Ouais. Mais là, ils vont se taper une queue. Mais là, les anges, le truc, c'est plus ou moins. Moi, j'ai un pote qui avait travaillé dessus. Bon, bah lui, oui, était content. Ouais, il voyait. Scénarisé, non il a... Ouais, ouais, mais en fait, ils ont plus ou moins des scènes à jouer. Ils tombent pas non-stop. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, le reste du temps, ils sont dans la baraque, ils foutent rien. Donc, toi, les anges, ça te brancherait. Karim, ça te brancherait toi aussi, non? Les anges, non? Les anges, ouais, j'irais, mais en mode Darka, t'as vu? J'irais, je me marrerais, je baiserais des meufs et je me foutrais de leur gueule un peu. Voilà, vous imaginez, un peu. Mais je ferais plus. Ça serait drôle. Non, mais par contre, je ferais plus les Marseillais, moi, avec les ch'tis, parce qu'ils me font Dahak, c'est vraiment des P4, eux. Et ils sont rigolos? Ouais, ils sont marrants. Ouais. Avec le retour de Kim. Ouais. Avec son amie Jessica. Eh ouais. Et ouais, ça c'est dans les Marseillais. Ah les ouais. Les ouais, ouais, Kim, c'est les gros seins. C'est les gros seins énormes, ouais, voilà, la brune. Ouais. Ah ouais, mais elle a que des seins, elle comprend rien. Elle comprend rien, ouais. Et Jessica, elle comprend rien non plus. Non, ah, mais c'est clair, c'est la blonde. Mais elle est gentille, mais elle comprend rien. Non, mais rien de rien. Oui. Bon, bah, donc, toi, ce serait plutôt les émissions de télé-réalité que t'aimerais. Ouais, ça dépend après un jeu télé. S'il y a un billet à prendre un jeu télé, c'est pareil. Bah moi je préfère faire un jeu de télé que de la télé-réalité. Ah ouais, moi pareil. Oui. Parce que la télé-réalité, forcément tu te fais traquer. Ah ouais, puis t'es obligé de vivre avec des gens et tout. Oh là là. Oh là là. Après ça dépend des émissions, tu vois, parce qu'il y en a, ils sont intelligents, tu te fais éliminer premier tour, tu vois. En tout cas dans les anges, t'as pas de risque de ça. Non, ça va, ouais. Au niveau de l'intelligence, au niveau des cerveaux, ils les ont laissés en France avant de partir. T'es tranquille. Et sur poids bagage, ils ont dit allez les cerveaux, les laisse là. Bon, puis merci pour les messages que vous nous laissez. Il y a Max qui a fait Motus Junior avec Thierry Beccaro. Ah les boules là, les petites boules le matin sur la. Ah oui, ils font des versions. Ah t'as fait Junior toi. Putain, j'espère que tu t'es pas fait traquer. Hein. Ah. C'est honteux. Non mais ça, les anges, je ferai jamais. À limite Motus, tu vois. C'est à trois qu'on voit. C'est surtout des vieux qui regardent. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, mais bon, si tes potes ils savent que tu vas passer à la télé, même si t'es sur une chaîne de vieux, faut pas les redéclarer. Là, tu fais. Tu fais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme émission de vieux, les chiffres et les lettres. Putain, ouais. Une fois j'ai. Il y a des versions juniors. Hein. En plus, ah bah tiens. Il y a une question pour un champion aussi, il y a les tournois des lycées. Ouais, bah voilà, j'avais parlé de ça. Une fois j'ai allumé la télé, je suis tombé sur un pote qui a fait question pour un champion. Bon, il a été éliminé au premier truc. Mais parce qu'il était très con. Ouais. Tu sais que t'hallucines quand tu vois la tête que tu. Une tête que tu connais, quoi. Ah bah oui. J'ai halluciné. Et en fait, bah, il s'est fait virer au premier truc. C'est ça les jeux télé, si tu te fais virer au premier tour. Ah, par exemple, dans Money Drop, il te pose une question. Alors, 4 et 4, ça fait ouais, combien c'est ça, ouais. Alors, 9. Alors, il te propose 9, 10 et 8. Alors, Marie, tu dis 9. Eh bien, non. Bien sûr. Je mets 250 000 sur 9. Tu mets tout. Ouais, tu passes pour un con. Ah, bah clair. Oui, tu passes pour un. Non, eh ben non, c'était pas ça. C'était pas 250 000 sur 9. Mais cela dit, les Marseillais et tout ça, là, quand il y a des tests. Les 250 000 sont dans la trappe maintenant. Ouais, des tests, ils sortent des trucs pas possibles, quoi. Bon. Mais je ne comprends pas ce que tu dis. C'est pas grave, mais laisse-la parler. Elle a le droit de s'exprimer. Mais les Marseillais de quoi? De culture générale. Ah ouais, leurs testeurs. C'est ouais. Les les Marseillais et les ch'tis ouais. Contre le reste du monde. C'est souvent les meilleurs moments de l'émission, là. Ouais. Bon, bah écoute, Adam, en attendant de te voir, je sais pas, moi, dans Les Anges, dans Secret Story, ou chez les Marseillais, les ch'tis. Tu nous feras coucou. Tu nous feras un petit coucou et tu nous feras signe. Hein. Tu nous diras. Adam? Il est déjà parti. Ah, il est déjà parti. Ah, mais il est à fond, là. Il est déjà allé faire l'émission, t'imagines? Bon, ben, bah, merci en tout cas du témoignage, Adam. Merci, Aurélie. Aurélie, avec la voix charmante, vous rappelez, hein. Ouais. Ouais. Amélie. Amélie, oui. Ah, oui. Et voilà, tu bravo, pas, dit fou. Tu veux pas te prendre un pseudo comme les stars? En fait, tu t'appelles Aurélie à partir d'aujourd'hui. Ça va. Non, ça va aller, non. Amélie, on te fait un bisou. Et puis, Kevin, toi, c'est bien Kevin, hein. Kevin 17-7. Et dit full. Avec l'oncle de Koh-Lanta. Oui. Est-ce que je peux passer une dédicace? Allez, vas-y, petite dédicace. Et puis vous alors, l'attendez tous, la gothique arrive dans un instant sur Skyrock. Ouais. Mais oui, non, oui. Eh oui. Ouais, je vais me barrer 5 minutes. Moi. Bah, tu vas te préparer, mais oui, va te laver le zizi. C'est vrai, c'est vrai, c'est ça. On sait jamais. Je vais refaire une beauté. Fais-toi une petite beauté si elle arrive. Petite dédicace, vas-y, Kevin. Ouais, alors déjà, gros big up à vous, l'équipe, vous êtes super. Merci, Kevin. Dédicace à Teddy, Tristan, Rémi, tout ça. Et puis une pensée à Momo. Eh ben, c'est gentil. Merci à toi. Merci. On t'embrasse, Kevin. Bis. Salut, Kevin. Salut, Kevin. Bisous, Amélie. Amélie, ouais, bonne soirée, les filles. Bonne soirée à toi. Et tu quittes pas, on t'envoie le t-shirt Skyrock. Pareil pour Kevin. Et même chose pour notre bourguignon, Adam. Salut, la Bourgogne. Ouais, ouais. Salut, Adam. Ouais. Et on t'a retrouvé. Je te reprends tout de suite. Tu bouges pas, Adam. Bouge pas. Bon, alors, on y va pour la gothique. Allez, bah oui, Romano, et t'en as de la chance. Eh ouais, mais ça c'est vraiment super. C'est pour ça que c'est bien la radio libre. C'est parce qu'en fait on fait des cadeaux comme ça quand c'est pas prévu. La gothique qui arrive peut-être là au téléphone. Alors, nous appelons. Je vais mettre Walking Dead. C'est bien ça. Ouais, c'est bien Walking Dead. Voici donc la gothique, l'ex de Romano. Est-ce que vous aussi, ça, vous avez une ex dans votre tête et vous n'arrivez pas à passer au-delà de l'ex. Elle vous manque. Ah, autre chose. Vous l'aimez très fort. Ah, tant mieux, elle décroche pas. Attends. Une pensée qu'à elle. Tu ne penses qu'à elle. Bah, c'est sûr. Tu en rêves la nuit. Bah, il nous en parle bien. C'est bien, ce soir. Allô. Oui. Oui, monsieur Gothique. Je suis son fils. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous passe quelqu'un qui voudrait parler à une femme de votre. Bah, je vous le passe tout de suite. Ne quittez pas. Allô. Allô? Oui, bonjour, excuse-moi de te déranger. Est-ce que je pourrais parler à ta maman, s'il te plaît? Oui. Merci. Ah, les mamans? C'est peut-être ton fils. Je suis ton père. Ah putain, c'est ton gamin. Oui, allô? Ah. Ouais, la gothique? Oui. Ouais, comment tu vas? C'est elle. Et bonsoir, monsieur. Ah, alors, ça va, la gothique? Tu m'as reconnu? Oui. Eh, hey, tu m'as reconnu? Pour placer. C'est Romano. Oui, c'est moi, ouais, c'est ça. Mais écoutez, toujours, j'ai rien reçu. Ah bah oui, t'as rien reçu, mais bon, de toute façon, je t'ai rien envoyé, moi. Tu te souviens quand on faisait l'amour? Allô? Comment? Tu te souviens quand on faisait l'amour? Hey, Gothique, t'es toujours en Bourgogne? Oui, je suis au cimetière. C'est, ah, t'es au cimetière. C'est la gothique, c'est elle. C'est elle, elle passe son temps dans les cimetières, elle adore. Romain, on l'a retrouvée. Mon amour, je vais te rejoindre ce soir. Rendez-vous à minuit et demi au cimetière. Oui. Romano. Romano. Ah, d'accord. Ouais, donc je Hey, se rappelle. Encore plus dégueulasse qu'à l'époque. Bon, à minuit et demi, je suis là, ma chérie, et nous ferons l'amour. Oui. Comme à l'époque. Comme à l'époque. Oui. C'était bon. Et ta mère. Rue d'Oxon. Toujours aussi cinglé. Oui. Oui, oui. Bah, ah oui, c'est elle, forcément. C'est elle, sûr. T'as vu, on était content. Toujours en train de prendre des cachets roses, à celle-là. Non, elle est bleue. Ah, elle est bleue maintenant. Elle est passée au plus fort. Elle envoie la dose. Je vous adore. Ah, bah, moi aussi. Moi, tu sais que je ne t'ai jamais oublié. Tu sais que. Moi non plus. Ah, bah, toi, elle non plus. D'Ivoire, une petite question, juste. Ton fils, ça serait pas le mien, le nôtre? Ah, bah, ça, je sais pas. J'ai pas fait encore d'un cas. Ah, bah, va falloir qu'on étudie ça, teste ADN et tout. Hein. T'es content, t'as un fils. Mais il a adopté en plus. Ah bah voilà, c'est peut-être moi, merde. Ah bah oui, c'est toi qui l'as fait. On en parlera à minuit et demi au cimetière tout à l'heure, comme à l'époque. D'accord, allez, à bientôt. À tout à l'heure, chérie. À tout à l'heure. Bisous, bisous. Gros bisous, moi. Bisous, ma gothique. Gros bisous. Et bah voilà, Romano, ta gothique, elle est toujours là. Elle t'a pas oublié. Elle a pris un coup de vieux quand même. Oui, elle continue de fréquenter des cimetières. Ouais, ouais, ouais. Et bah c'est bien elle. Ah bah à minuit et demi, voilà. Non, mais c'est énorme parce qu'elle était portugaise, ta gothique en plus. Ouais, ouais, ouais. Bah comme la dame. Comme la dame, pareil. C'est la même. En Bourgogne, gothique, portugais. Et alors, qu'est-ce qu'on dit à Diffoul? Ah ben merci. Ah, tu vois. Tiens, pour un peu, c'était sa mère. Hein. Tu nous raconteras demain comment ça s'est passé demain matin dans le morning. Tu nous diras si t'as couché avec elle. Ouais, ouais, ouais, bah bien sûr. Bah, j'imagine, là, je passe une nuit de folie. A priori, elle a l'air très, très chaude. Ah ouais, ouais, bah. C'est elle qui a dit je t'attends au cimetière. Oui, c'est elle, ouais. Et ben voilà, on a trouvé la gothique. Demain, on part à la recherche de Pokipu. Donc, je lance un appel. Si vous connaissez Pokipu, l'ex de Romano, vous n'hésitez pas à nous laisser les numéros. Ouais, ça sera peut-être plus dur à trouver. Je vous demande donc des Pokipu et puis des têtes de tortue également, parce que têtes de tortue, qui sait, qui parlait comme ça. Ouais, ouais, ouais. Corki. Elle a un problème au niveau de la bouche. La lèvre du haut qui tombe sur celle du bas. Qui va ouvrir la bouche. Donc, tête de tortue demain, et puis donc Pokipu et les autres, pourquoi pas. Vous avez les numéros d'ex de Romano, vous nous les envoyez. Et demain soir, eh bien Romano, tu vas peut-être une nouvelle fois être tout dur dans ton petit slip. Ouais, ouais, ouais, ouais. Il a les mains, regarde. T'as vu, il a les mains. Ouais, ouais. Ouais, bah, là, attends, ouais, ça bouge. Bah grave, je suis en train de me branler, Marie. Ouais, mais ça c'est normal. Bah assistant, j'ai quand même parlé à la gothique. Et ouais, je vous l'avais dit que j'avais une super surprise pour lui. Regarde le nombre de messages qu'on reçoit. Merci Diffoul pour ton ami Romano. Ah bah encore des gens qui disent que eh bah un ami comme toi, Diffoul, ça n'existe pas. Mais si, mais si, mais si. Je suis prêt à tout pour toi, pour ouais, te faire ouais, plaisir. Foutez-moi ouais. La paix. Pas tout ou presque, pas d'argent, hein, je précise tout de suite. Vous m'habillez ? Non, non, non, non. J'ai Farid au téléphone, ça te va ? Bah ouais. Allez, on va prendre Farid dans un instant. Il réagit par rapport à Mounir. Ah oui, Mounir avec le papa facho, là, on s'en occupe. Yavoul. Et ouais, puis vous en direct pour tout ce que vous voulez, hein. Si vous avez envie de dire un truc, si vous voulez faire les cons avec nous jusqu'à minuit, c'est possible. Besoin d'un petit coup de main, besoin d'un soutien, on est là aussi. 01 53 40 30 20 et le 41 759 et l'appli Skyrock. Puis n'oubliez pas votre problème du mois qui arrive aussi. Ouais, là. Le sommaire. Et là, attention, je vous l'annonce, dans une minute à peu près, on retrouve le son de The Weeknd que vous avez découvert en exclu ce matin sur Skyrock avec Daft Punk. Tous les deux sur le même morceau. Enfin, tous les trois, parce que Daft Punk sont deux. Donc, ouais. Les deux Daft Punk, The Weeknd et Starboy, c'est le titre du morceau. Écoutez bien, dites-nous ce que vous en pensez. C'est le morceau qui arrive tout de suite sur Sky. Ils ont tous gagné 1 500 € en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. Skyrock. Bah, Skyrock. La seule radio qui t'offre 1 500 € toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux ? Et non. Oh purée ! Rendez-vous demain matin de 6h à 9h dans le morning de Diffoul sur Skyrock. Je refais là. DJ Snake. Let me love you. Middle. Talk. Ils sont tous sur son premier album, encore. DJ Snake, en concert au Zénith de Paris le 25 novembre. The Morning Show. Envoie 1 500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1 500 € toutes les demi-heures dans le morning de Diffoul.

for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. Switch out my car if I kill anything. Look what you done. Le nouveau week-end sur Skyrock, le son que vous avez découvert à 6h du matin, dès le début du morning, ce matin, avec les Daft Punk, on écoutait Starboy. D-Fool, radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Et le ghetto phénomène à retrouver avec Jules, là, tout à l'heure, avant minuit, on se passera ça, on se passera Ken Jones, on écoutera Calvin Harris et Rihanna aussi. Ah, Riri. Riri, la nouvelle meuf de Drake, enfin, ça fait 6 mois déjà, mais là, c'est officiel. Et ton ex. Et Marie, s'il te plaît, petite. Ouais, c'est pas les dossiers, Marie. Oui. Private life. Bah, je sais pas, tu nous le dis souvent. My private life. En même temps, avant de le galocher, il lui avait quand même mis un vieux vent. Ouais, tu l'avais vu. Il parle de Drake, là, il parle pas de moi. Hein. Non, évidemment. Bah, jamais de râteau. Ouais. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, là, ils ont officialisé, ils se sont embrassés sur scène. Ils ont fait bisous. Lors d'un concert. Mais quelques semaines avant, il y avait eu une cérémonie, je sais plus ce que c'était. Il voulait lui rouler une pelle. Ouais, il voulait l'embrasser sur la bouche. La meuf, normale, elle tourne la tête devant tout le monde. Ah, le vent, ah, bah tête ouais, devant. Ouais. Ah ouais. Un vent déjà niqué, on est d'accord. Un vent mondial. Oui, oui. Mais ouais. Bon, c'est quand même le mec qui s'est pris une crampe monumentale. Ah ouais. Ah ouais. Devant tout le monde. Mais c'était pas la meuf à Travis Scott d'ailleurs, Rihanna. Si, a priori, à l'époque, elle était avec lui. Showbiz, quoi. Mais Rihanna, c'est un peu la meuf à tout le monde. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, tiens, pour les réactions par rapport au nouveau son là qu'on vient d'écouter, The Weeknd et les Daft Punk. Lourd, le nouveau Daft Punk, mais c'est le nouveau The Weeknd en fait. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Ça déchire ce son. Le Chiotte, bonjour le Chiotte qui vient de nous rejoindre. Excellent le son. Akiko, 20 ans, qui dit excellent le son, les Daft Punk, c'est vraiment des tueurs. Ah, il y a Ayam qui nous dit moi je suis déçu par le son, reconnais pas la patte artistique des Daft Punk. Ah, mais les Daft Punk, ils font plein de trucs différents, t'as plein de sons différents chez les Daft Punk. Et ben tu as ce nouveau là pour toi, pas mal le son, il déchire pour rien. Énorme le son pour Victor, salut à toi Victor. Il y a 17 temps qui nous laisse un message. Waouh, lourd, le nouveau Starboy Daft Punk et The Weeknd. N'oublie pas The Weeknd. Ouais. Ouais. Bah écoutez, ça vous a plutôt plu d'après les messages là que vous nous avez laissés. C'est le nouveau son de The Weeknd que vous avez découvert sur Sky ce matin dans le morning. Bon, encore des découvertes Skyrock d'ici minuit. Restez bien dans le coin. Et puis, ah ouais, faut qu'on s'occupe de Mounir et du problème du mois, Romano. Oui, on va attaquer le sommaire. Ouais. Ouais. Et de Issa qui comprend pas comment il est avec les meufs, comment il réagit avec les meufs. C'est ça, hein, Issa. Ah. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, tu comprends pas ton fonctionnement par rapport aux filles. Bah, bienvenue à toi, Issa. Salut, Issa. Tu as entendu ce beau moment d'amour en parlant de filles, là? Le beau moment d'amour, il y a un instant, Romano a retrouvé sa gothique, il a rendez-vous à minuit et demi après l'émission. Il a pas peur d'aller au cimetière, lui. Non, ouais, bah, il est allé. Non, mais t'inquiète, je connais. Ah ouais. Ouais, t'as l'habitude. Oui, l'habitude, je l'ai un peu perdu, mais bon, je vais la retrouver. Ça se perd pas. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, quoi. Et ouais. On n'oublie pas une histoire d'amour comme ça. Bah, c'est clair. Et puis surtout quand il y a des cons qui arrêtent pas de la rappeler. C'est bien malheureux, mais bon. Il y a des gens qui te font chier avec ça. Ouais, c'est clair. Dis-moi qui te fait chier avec ça, que je le. Bah, toi, par exemple. Je le tense. En toi, particulier. Qui toi? Issa? Non, toi, Issa, arrête d'emmerder Romano avec sa gothique. Non, Issa, pour le moment, il est sympa. Ça lui fait du mal. Par combien de temps ça va durer, mais pour le moment, il est sympa. Bon, tu vois. On parle pas mal des ex. Exactement, on parle pas mal des ex. Ouais, c'est vrai, un peu de respect aussi de ma vie privée. C'est toi qui dis ça. Oui, c'est clair. On parle pas mal des ex. Enfin, ça dépend des ex. Oui, c'est vrai. Ouais. Elle a marié tout de suite. Ah bah ouais, c'est clair. Et oui, parce que moi j'en avais une petite bite, je l'ai larguée. Non. Allez hop, dégage. Tu restes avec nous, Issa. T'as jamais été victime de racisme ou de on a eu Mounir, je sais pas si t'as entendu tout à l'heure, Mounir. Ouais, j'ai entendu. Non. Enfin, par rapport aux parents de ta meuf. Je parle pas trop les cons. Non, enfin, ça m'est jamais arrivé. Moi. Bon, moi en tout cas, je vous dirai ce que j'en pense dans un instant parce que je veux pas tout dévoiler tout de suite. Je garde le meilleur pour la fin. Oh bah bien sûr. Mais quel suspense. Normal. Modestie, bien sûr. Bien sûr, comme toujours. Bien sûr. Donc, Mounir, toi, tu vas bouffer chez les parents de ta meuf, c'est samedi. Et tu sais que voilà, le père, que t'as jamais vu, est un peu facho, même beaucoup. Et... Juste, je viens de voir la clavicule de Gifou là sur Facebook. Non, de Cédric. Moi, ma clavicule, elle va bien. Tout va bien. Et je lui lâche un gros big up. Ah, c'est gentil. Vous avez vu l'état de la clavicule, elle est sur tous les réseaux de Skyrock. Skyrock FM, vous allez sur Snap, sur Facebook, elle sur. Elle est cassée de partout. Sur le difool.skyrock.com, vous allez partout. Elle est cassée, sa clavicule. Ouais. Alors, Mounir, on va s'occuper de toi. Donc, t'as rendez-vous, c'est samedi, pour manger. Samedi, c'est ça. Donc, il y aura tes parents, il y aura ses parents, il y aura elle et toi. Il y aura sa mère, son père, il y aura elle et moi. Sa mère, il n'y a pas tes parents. Non, mes parents, ma meuf, elle a déjà rencontré mes parents et ça s'est déjà très bien passé. D'accord, très bien. Ah, bon, bah, elle a pas des frères et sœurs cool avec qui tu t'entends bien? Non, fille unique, elle. Ah ouais, merde. Eh ouais. Ça aurait pu aider. C'est vrai, ouais. Eh ben, non, Marie. Une fois de plus, ta méthode tombe à l'eau. Mais c'est pas une méthode, je pose une question. Pas de chance, là. Mais voilà. C'est quand même pas de bol. Pas de bol, ça, c'est clair. Et tout de suite, elle devient agressive. T'as vu? Mais ça, c'est l'alcool. Oui. Ah oui. Alors, il est où Farid? Farid, il appelle pour toi, Mounir. On va voir ce qu'il va te conseiller, Farid. Donc, le papa est un peu facho. Après, il t'a jamais vu. Donc, peut-être quand il va te voir, il va dire, oh, bah, oui, il est gentil, hein, pour un arabe, hein. C'est ça. Hein. Alors, il est où Farid? Farid à Lyon. Salut, Farid. Ouais, je l'équipe, tranquille. Ouais, toi, bien, Farid. Bien. Salut. T'as 30 ans et t'es lyonnais. T'appelles donc pour Mounir, 19 ans de Nîmes. Ouais, Mounir. Bah, en plus, il vient de dire la même chose. Ma femme est fille unique aussi. Ouais. En fait, j'ai eu la même galère. Moi, je suis tombé sur une équipe, une famille de fachos à mort. Yavol. Ouais. Un truc de fou. Hein, un truc de fou. Mais j'avais 15 ans, moi, et ma femme, elle avait 13 ans. Et pareil, ils me regardaient de travers. Quand il y avait un téléphone, ouais, il fallait cacher le téléphone. Et ça, cacher le téléphone, attention, il y a un Farid à la maison. Ouais, ah, putain. Rangez tout. Ils m'ont fait de la galère. Et après, un jour, bah, pareil, on faisait des barbecues, j'achetais de la viande. J'achetais comme chez nous. J'achetais du halal, 5 kilos de viande, ça restait, ils ne voulaient pas manger ma viande. Non, c'est complètement fou. Ils préfèrent le cochon. Oui, c'est bien, mais il n'y a pas de cochon halal, ça n'existe pas. Et ils faisaient leurs saucisses à eux avant de faire les merguez. Hein. C'était la misère. Ah ouais, exprès, quoi. Ah oui, j'arrive à faire la saucisse et si vous mélangez avec... Les mecs, ils allaient loin, quand même. Bon, la viande halal, elle a le même goût que la viande pas halal. Je le dis pour ceux qui n'auraient jamais goûté. Mais bon, après, bon, ils savaient pas. Mais bon. Bah, ils savaient pas, mais ils étaient quand même assez cons pour foutre du porc avant, histoire de te faire chier. C'était pour le faire chier. Après, après, bon, je dis pas, ils viennent du même milieu que moi, les banlieues lyonnaises, tout, bon, et ils ont ramé aussi, bon, c'était la galère. Après, mais moi, voilà, ils ont tout mélangé, ils m'ont fait la misère totale, quoi. Mais il n'y a pas un moment où ils ont compris, où ça s'est bien passé, où ils se sont dit, il est plutôt sympa, le Mounir. Non, mais voilà, par la suite, en fait, après, ce que je veux dire à Mounir, ça sert à rien de faire une confrontation. Plus tu vas être confronté à des personnes têtues, plus ils vont être têtus et plus ils vont faire la misère. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est comme moi. Moi, en fait, j'avais des bases d'éducation avec mes parents, on a des traditions. Bah, tout doucement, tu leur mets les traditions, les bases. Ça sert à rien. Si plus il va se confronter à eux, plus ils vont lui faire la misère. Ouais, en fait, tu veux pas de confrontation, pas de truc frontal, on va dire. Non, pas de truc frontal. Non, mais de toute façon, ça sert à rien d'y aller pour se prendre la tête avec eux. Oui, puis tu vas. Ça sert à rien. Parce que d'abord, ça va pas marcher avec son couple. Si, quoi qu'il arrive, même s'il repart avec elle, elle va pas voir ses parents dans 5, 6 ans, dans 10 ans, et ses parents vont lui manquer. Bah, oui. Et en plus, et tôt ou tard, elle retournera là-bas. Donc, quoi qu'il arrive, c'est à lui de s'intégrer à la situation et dire voilà, ben moi, c'est à moi de faire des efforts. Ouais, mais il y a tes chéris aussi qui peut parler à ses parents en leur disant. Déjà, elle a parlé. La mère, a priori, elle était complètement fermée. Ouais, c'est déjà ouverte. C'est déjà ouvert, c'est une base. Ça veut dire c'est un début. Ça veut dire que c'est à lui de donner tout ce qu'il a maintenant, de faire voir que des musulmans, c'est pas que des extrémistes qui font tout éclater, tout ça. Ça, c'est des tordus. Maintenant, s'il fait voir le côté qui est bien de chez nous, c'est-à-dire les parents, la famille, tout ça, tout, les parents de la fille vont changer tout doucement. Moi, tu sais quoi? Tu sais ce que mes enfants, quand ils vont chez sa tante, à ma femme, maintenant, ils ont même un placard avec leurs couverts pour pas qu'on mange dans les couverts où ils ont mangé du porc. Ah ouais? Ah ouais. Non, mais si on les lave, ça va. Tu vois, au point où ils ont changé. Ils ont prévu ça alors qu'ils étaient complètement bloqués avant. C'est pas mal. Avant, ils étaient bloqués à mort. Mais maintenant, ils ont vu comment on faisait, nos traditions, nos coutumes. Ben voilà, tu vois, ils ont changé. Les grilles, même le barbecue, ben c'est une deuxième grille. Quand ils font à manger, ben on change de grille. Ah, c'est tu cool. Vois. Mais sans que j'ai demandé. Moi, j'ai rien demandé. Mais justement, si tu demandes rien à des gens comme ça, tout doucement, ils vont changer par eux-mêmes. Ils vont se dire, ouais, c'est vrai que ça craint. Oui, ils sont pas trop cons. Après, il y a peut-être un côté, il y a peut-être un côté sympa chez eux aussi. C'est pas que des, tu vois, ils sont pas 100% cons. Non, mais peut-être, voilà. Peut-être souvent. 98 ou 99%, faut trouver le petit pourcentage. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis quand ils vont te connaître, s'ils voient que t'es un mec cool, Mounir, il a raison, Farid. Ouais, tiens-toi ouais, bien d'accord. à table, tout le bordel. Si tu pars en confrontation, oui, tu... mais ça, c'est, oui, c'est la logique. Base, quoi. C'est peu importe les parents, c'est, oui. Peu importe un petit quand tu vas chez quelqu'un, en général, t'évites de roter à table. Oui, ah c'est ouais. clair. Ah bon? Ah ouais, non, mais déjà... Oh, bonjour, oh. monsieur Dom. C'est l'impasse. Je m'assieds, je vais manger. Ouais, je suis calé. T'imagines, Cédric, qui te Ah bah, moi, il a bouffé chez ma mère. Et t'as eu honte? Ah bah il bouffait mais laisse Non mais ouais mais à ce qui paraît aussi ta mère elle est relou parce que tu peux pas poser tes, ah bah... tes coudes sur la table. Ah ouais non ma mère ouais non mais l'art de la table ouais c'est clair ah avec bah ma c'est mère bon. C'est Non mais lui il finissait tous les plats et tout machin. Ça va il s'est tenu à peu près bien voilà. mais j'avais peur. Il y a eu un problème quand j'ai léché les plats. C'est vrai. À la fin du repas, j'ai léché les plats les casseroles. C'est vrai. Mais oui mais ouais mais les casseroles tous les trucs quoi. Toutes les assiettes. Non mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il faut pas partir à la confrontation, faut pas parce que dans ce cas-là, tu vas dans le sens du daron. Tu lui donnes raison au daron. Exactement. Si tu vas cool, vas-y cool Mounir. En plus la daronne a l'air plutôt ouverte. Rapporte des petits gâteaux, un petit et truc. Puis, et puis si ça se passe mal, après tu les vois plus et puis tu vois ta meuf et puis tu Eh ouais, tu... vas-y cool man. Cool man. Hein, Mounir. Ouais, je crois que je vais faire ça. En plus, je vais lui ramener des trois macroutes là, il sera content. Ah. Oui, ramène voilà. des gâteaux. Mais c'est quoi ça, ah, ces gâteaux d'arabe? Ah mais ça, ah plaît, ça bon. Fait toujours plaisir. C'est vrai que d'arriver avec un petit cadeau, on n'y avait pas pensé, mais c'est ah vrai mais que toujours. C'est bizarre que tu aies pas pensé, Romano, un petit cadeau à ramener. Non, mais moi je ramène un petit bouquet pour la mère et puis un petit truc pour le dessert. Ouais. Mais j'ai énormément de savoir vivre. Énormément. À mort. Bon, ben c'est gentil, Farid, en tout cas, de nous avoir appelé. Pas de souci, pas de souci, ouais, l'équipe. Ouais. Bon. Big up pour le Belge, hein. Ben oui, on pense à lui et à sa clavicule, hein. Bah ouais. Bah j'espère qu'il vient de défoncer Romano. Ah bah ça sera demain dans un clash collector demain ouais, grosse émission spéciale. Ouais, mais tu sais soir. Que depuis la rentrée il en a pas gagné quand même le naze. Méfie-toi ouais, demain. Parce que t'as un vice-lard, tu triches obligé. Oh là ça y est c'est reparti. Elle a team les Belges, il faut changer de musique les gars. C'est pas possible. Bah franchement avec ta tête de cocker c'est pas possible. Ouais mais bon Cédric t'as vu la gueule qu'il a, ça marche encore moins bien. Ouais ouais mais franchement ouais bon c'est bon et qu'il a des gros yeux mais bon. Ah il a des gros yeux, il a des grosses bouches. Ah ouais ouais. Et un gros ventre. Un gros ventre. Ah big up à la Marie aussi hein. Ouais big up bisous. Ah franchement pour tu les supportes, t'es trop forte. Hein. Voilà, bah, trop de chance, non, Farid. Ça va, je suis bien, t'inquiète pas. Il y a des milliards de femmes sur Terre qui aimeraient être avec ah bah, nous ouais, au moins. Dans le studio comme la Marie. Ouais. Bon, c'est gentil, Farid. Quitte pas, on t'envoie le t-shirt Skyrock là, pour la famille. Allez, merci. Salut, Farid. Allez, bonne soirée, ciao. Et Mounir, faut qu'on te rappelle lundi, que tu nous racontes comment ça s'est passé. Leur ouais, pas, on là. Va te rappeler. Ok. Ouais, pas tout. C'est noté. On fait ça lundi et bah bon repas samedi. Et puis stresse pas, arrive avec tes macroutes. Ouais, c'est ça, ouais. Bien habillé, tranquille. Ouais. Tranquille. Ouais, enfin, s'en fout une cravate, quoi, mais. Et puis les cons, faut pas les calculer, c'est une perte de temps. Je sais plus qui a laissé ce message tout à l'heure, mais en tout cas, c'est pas faux. Eh bien, écoute, merci, Mounir. Salut, Mounir. Merci beaucoup. Bisous, Mounir. Ciao, et à lundi, hein. À lundi, gros big up. On pensera à toi. Eh bien, big up à toi. Ciao, Mounir. Bon, ben, on a géré cette histoire. C'est bien. C'est pas fini, parce que là, on va passer au problème du mois, Romano. C'est l'heure du problème du mois, le problème du mois du ouais. jeudi soir. C'est tous les jeudis. Et on va faire un tour du côté de ce qui se passe sur le net, les gens qui écrivent, qui ont des soucis. Et exactement, mon bandifoule. Et oui, mon grand Romano. Oh, les deux. Le problème du mois, ah. avec cinq problèmes que tu as sélectionnés. Ouais. Tu les trouves bien, tu sais pas lequel choisir, c'est nous qui allons choisir. Ouais, bah oui, oui. Tu pourras voter si tu veux aussi. Oui, oui, oui. Une petite préférence, je sens un peu. Ouais, non, mais moi j'aime tout, tu sais. C'est bien, Romano, ah. surtout l'argent. Ah oui, bah ça. Ah ça, ouais. Il y en a pas dans le problème du mois. Alors, le problème du mois, c'est parti. Vous avez déjà laissé des messages à des forums pour avoir des solutions à un problème? Vous l'avez fait? Non, j'ai déjà cherché des trucs, moi. Par exemple, de l'argent. Non, pour, par exemple, un truc de bricolage. Ah ouais, réparation et tout, ou le chien. Et je regardais, ouais, voilà, tu sais, tu vas voir, si des gens, ou alors quand j'avais des fois des petites maladies. Ouais. Bah, les gens, ils font la même chose quand ils ont des problèmes de cul. Tu l'as fait, Samy, pour des problèmes de cul? Non, le problème de cul, jamais, non. Jamais. Je le ferai jamais, tu vois. Karim, tu ferais, toi? De quoi? Tu sais pas, t'as un problème de cul et tu te laisses un message sur un forum. T'es malade ou quoi? Bah, tu peux, c'est pas grave, c'est chez le médecin, c'est mieux. Bah, non, j'en parle à nous. Bah voilà, ouais, à vous. Ouais. Ah, surtout à toi, Romano, direct professionnel bah, ouais, de l'anus. Non, bah, aucun problème. Un problème de trou du cul, ça je te le règle en deux. Satisfait ou remboursé. Quand j'ai dit problème du cul, c'est pas forcément problème à l'anus. Hein. Ah non, même pas. Non, j'en parlerai ici, gros. C'est bien, ouais, c'est bien, bien pratique la radio libre. Vous c'est aussi. Notre forum à nous. Ouais. C'est ça, le plus grand forum de France. C'est ça, exactement. Man. Bon alors, Romano, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Le premier, c'est Phil. Phil. Phil. Phil, 51 ans. Oh Phil, moi. Voilà. Drôle. Ah, la tu fais des blagues sur chaque prénom ou bien pas? Sûr, non, bien sûr, oui. Marie, tu te laisses préparer pour le deuxième, ce sera Julia. Julia. Julia. Non, Julia, Julia. Julia, d'accord, je réfléchis. Voilà. Très Julia Roberts. Oui, ça c'est très, bien très sûr. Drôle. Ouais. Original. Il faut arrêter de me tous me filmer là. Mais c'est parce qu'on t'aime trop, Romano. Trop beau, ouais. Ouais, mais je sais, mais ça me met un peu mal à l'aise. Ça le déstabilise. De présenter une telle beauté au public. Ah, tu es ma toute petite beauté parce que tu es toute petite. Ah, une petite beauté, ouais. Alors, Phil, 51 ans, qu'est-ce qu'il a comme souci? Il a écrit au forum porno-dépendance. Premier souci. Mmh. Ouais. Et lui, il est grand fan de manga. Ah. Et évidemment, il a vrillé sur les hentai. Ah, bah, les hentai, c'est les mangas de cul. Ouais, les mangas de cul. Mmh. Bon, alors, le problème, c'est que ça le travaille beaucoup. Il a découvert le hardcore hentai. Ah. C'est des mangas où les femmes se font pénétrer par des monstres. D'accord. À tentacules et compagnie. Et là, il a rien trouvé de des mieux. Des monstres à tentacules. Ouais, par exemple. Hein, et leur mettre leurs tentacules. Ouais, mais c'est ça, ouais. Un chat dans le cul. Putain, alors moi, c'est ce genre de truc, mais. Moi, ça m'excite pas un pet. Ah, mais moi non plus. Mais Phil, alors lui. Non, mais j'ai beau aimer certains mangas, et des mangas, j'aime bien. Mais. Ouais, après, mangas de cul. Ah ouais. Non, mais. Ouais, moi, j'ai déjà regardé. Par exemple, voir Pikachu se faire enculer par Ronflex. Non, mais. Voilà, arrête, ça m'excite. Ah, Cédric, tiens. Oh, ouais. Non, mais c'est pas sûr. Ouais, ouais, moi, c'est pareil. Ah, ouais, pareil, ouais, les dessins de cul. Ouais. Préfère quand même real quoi. Ouais, des bonnes chattes bien réelles. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors. Et donc il a décidé maintenant de se déguiser. Encore en Pikachu. En manga et également en monstre des hentai. Ah, avec des tentacules partout. Ouais, bon, il a fait ça à sa femme, elle lui a dit, écoute, mon brave Phil, tu es ridicule. Il a 51 ans quand même. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, il a décidé, il a dit, tant pis, ma femme ne veut pas. Je suis prêt à la tromper pour réaliser mon fantasme, c'est-à-dire me déguiser en monstre pour baiser. Bon, il a mis des annonces, pour le moment, pas de réponse. Pas de réponse. Faudrait qu'on le trouve, mais on l'appellerait avec Pamela. Tu lui dirais, je suis Pikachette. Et Pikachat, c'est bien Pikachat. Ouais, et du coup, il ne trouve pas chaussures à son pied. Ouais. Il ne comprend pas. Il aimerait bien savoir s'il y a d'autres adeptes. Tu sais qu'il y a des communautés, par exemple au Japon, mais il n'en a pas trouvé en France. Il aimerait avoir un coup de main. Donc il se branche sur des hentai. Il se déguise en personnage de manga, notamment un monstre à tentacules. C'est Phil, problème du mois numéro 1. Alors la deuxième, c'est donc Julia Marie Blague. Ah ben non. Julia Roberts. Merci. C'est Julia de Paris, elle a écrit au forum auféminin.com. Et elle, depuis quelques temps, elle a remarqué qu'il y avait un voisin pervers. Ah. Absolument. Bonjour, c'est Patrick. L'autre a déménagé à côté de Julia. Absolument. Elle est où, elle t'a dit? Elle est à Paris. À Paris. Attention, les Parisiens et les Parisiennes. Les Franciliens et les Franciliennes. Alors bon, si c'est passé, c'est qu'au départ, elle s'entendait bien avec lui, elle avait pas remarqué que c'était un pervers, et elle se déplace pas mal professionnellement, et quand elle partait, elle a un chat, donc le mec rentrait chez elle pour nourrir le chat. Bon, mais c'est elle qui lui donnait les clés, quoi. Ah oui, d'accord. Service entre voisins, quoi. Ouais, elle savait pas. Et en fait, bon, elle, deux trois fois, elle a remarqué déjà qu'il y avait des habits à elle qui avaient bougé de place. Donc elle a eu un doute et en fait dernièrement elle le voit régulièrement en train de se branler à la fenêtre en regardant chez là il y a plus là il y a plus de doute là. Bon mais Julia elle ne s'arrête pas là. C'est qu'en fait maintenant elle est limite excitée par le voisin. Donc elle se dit est-ce qu'elle doit aller baiser avec? Vas-y. Vas-y, tu es aussi dingue que lui. Au début je la trouvais normale et là tout de suite elle a vrillé. OK. Mais bon le mec a 10 ans de plus qu'elle. Absolument. Oui, elle a quel âge elle? Elle a 36 ans. OK. Et donc du coup, elle sait pas si elle doit y aller parce qu'elle se dit ouais, si c'est un vrai dingue, le mec il va plus me lâcher. Ouais, qu'est-ce qu'elle doit faire tout ça? Marie, as-tu déjà baisé avec un de tes voisins? Et avec des voisins. Avec tes voisins, oui, t'as déjà baisé en plus toi avec tes voisins. Non, mais j'ai eu un mec, ouais. Voilà. C'était il y a bien longtemps. Ah, il était vieux et mort maintenant. Non. Le pauvre homme. Ouais, il s'appelait Non, c'était Jean-Robert. Mais c'était pas du tout un pervers. Hein. Jean-Robert, il était magnifique. Non, il était pas mal. T'es un peu vieux, 90 ans. Non, ah ouais, mais non. Mais il était genre, il était marié, lui? Non, il était pas marié. Ah non, d'accord. Non, c'était un pote. Je pensais que t'avais carrément brisé un ménage, quoi. Non, pas du tout. Non, c'était un pote. Mais il était pas pervers. En revanche, j'en ai vu un tout à l'heure dans le métro. Mais un très pervers. Qu'est-ce qui t'a fait? Bah, déjà, il avait, les lunettes, tu sais, qui réduisent un peu les yeux, là. Ça fait un petit peu bizarre. Ouais. Il regardait les nanas. Non, mais ça, c'est parce qu'en fait, le mec, ouais, non, mais je sais, mais ça faisait bizarre parce qu'en fait, il regardait tous les culs. Suivant ce que t'as, et si t'es myope ou astigmate, arrivé à un stade, en fait, les verres, ils sont. Oh, c'est un vélodrome! Et arrive à un stade d'épaisseur, en fait, c'est, on a tous déjà vu. Tu sais, ça te déforme les yeux. Ouais. Des fois, tu vois des mecs ou des meufs, genre avec les lunettes, ils ont un œil énorme et l'autre, il est tout petit, tu vois. Oui, c'est joli. Ouais, c'est vrai. C'est très joli. Parce non, mais que lui, c'est. Non, mais faut faire affiner le verre, mais ça coûte un peu drôle. C'est un style, c'est pas mal. Non, mais lui, c'était un peu fumé, il matait le cul des. Il était en absolument face de moi, mais non, mais dégueulasse, j'ai cru qu'il allait baver, quoi. Ah, immonde. C'est le problème. Bah, du coup, je l'ai de... sucé. Non, bien, ça va pas, non. Alors, Marie, nouvelle blague. Le prénom, Emmanuel. Emmanuel Macron. Ouais. C'est très drôle. Génial, hein. Génial. Tu le trouves beau? Non, pas mon style, non. Non, ça, c'est Marie, non. Non, c'est pas, non. Non, non. Non, je préfère Jean-Marie Le Pen. Mais ouais, mais totalement. Elle est quand même beaucoup plus sexy. Ouais, ça, c'est sûr. Et plus mûre. Et toute la famille, d'ailleurs. Ah, bah ouais, sa fille aussi, ouais. Alors, on passe donc à Emmanuel. Emmanuel, 45 ans, de Noisy, elle est créée au Forum Palais de la Soumission. C'est le problème 3. Et là, elle est l'esclave de son mari. Bon, consentante, hein, c'est des jeux sexuels, évidemment. Oui. Elle a décidé d'investir dans un nouvel objet. C'est, vous voyez, les perches à selfie. Ouais. C'est, bah là, c'est une perche à gode. Une perche à gode, ça peut être à distance, tu peux te mettre à 3, 4, 5 mètres de ta meuf et tu peux la goder comme ça. Ouais, c'est ça. C'est et pas donc mal. Elle a acheté ça, The Fantasy Glide Pogo Fucker. Alors, une perche à gode. Donc, elle utilise ça. Donc, bah, en gros, c'est une barre métallique télescopique, comme les perches à selfie, sauf qu'au bout d'avoir l'attache pour fixer le téléphone, là, t'as un gros gode que tu te colles dans la chatte ou dans le cul. J'adore, j'ai C'est quelqu'un qui te le fait, parce que sinon. Ouais, bah, par exemple, Marie, là, je pourrais avoir une perche. Ah ouais, et, super. Et pendant qu'on fait l'émission, bah je te coderai. Hop là. Ah, j'ai bonne ça idée. Donne envie, dis donc. On peut pas tester le produit. Si, bah si on peut l'acheter pour la Marie, ça, ça bon, le problème c'est que son mec n'arrête pas de jouer avec, genre par exemple quand elle est dans la cuisine, lui il se met sur une chaise un peu plus le loin. Mec est je sais pas au boulot, hein. il a déplié son truc là. Mais il y a des perches à gode, putain. Il y a un chinois là qui a fait la perche à selfie la plus longue du monde. Elle fait combien? J'ai pas vu ça. Je crois qu'elle fait 8 mètres. 8 mètres. Le mec il déplie ça, mais il fait des photos de ouf avec. Hein. Elle a gagné le concours, un truc au concours Lépine à Paris. Ah ouais. Et concours Lapine même. Oui, Lapine. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'à force de se faire goder, elle a l'impression que ça, que la bite de son mec, elle ne la sent plus. Ah. Le problème, c'est qu'elle est devenue accro à la perche à gode. Elle ne sait plus comment s'en passer, comment faire. C'est un problème. Elle est addict. Addict à la perche elle à gode. Elle a 45 ans, ma bonne Marie. J'avais pas entendu. Elle a 45 ans, Karim. Non, je lui ai dit, elle a ton âge. T'es con, j'avais même pas entendu. Alors, une autre. Blague. Julien. Julien Courbet. Voilà. C'est Julien Lepers. Ouais, aussi. Il connaît pas. Ah, il connaît pas. Ah, si. Julien, 26 ans, il est dans le 49. Mmh. Il a écrit au forum, on a été chercher ailleurs, tonguay.com. C'est quoi ça? Tong? Ah. Non, Tonguay. Ah, T-O-N, gay, G-A-Y. Ouais, c'est ça. Tonguay.com. Oui. Le plus grand forum gay et lesbien d'échange et de partage destiné à la communauté LGBT. Wow. LGBT. Non, pas PT, LGBT. LGBT, pardon. LGBT. Lesbienne, gay, bi, trans. Voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça. Alors, lui, il se considère comme le Batman du sexe. Le Batman bien du sexe. Bien sûr. Donc, si vous appelez Robin, faites gaffe. Hein. Si vous appelez Robin, Robin, tout ça, faites attention, l'autre il risque de débarquer. Non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé dans son titre. Le Batman des sextoys. Le Batman des sex, c'est-à-dire. Bon, en gros, il s'est acheté l'habit de Batman. Intelligent là-dedans. Et il a une ceinture remplie de god. Ouais. Et il va dans des clubs échangistes gays ou hétéro même. Et il se met des godes. Non, et il propose aux gens de les goder parce qu'il a un peu toutes les tailles. Ah. Et il a également envoyé une photo. Bon, là, il a pas mis le costume, mais par contre, il est en slip. Ça va, la gueule. Et il a les godes, il en a autour du cou, il en a. Wow, c'est en cuir, non? Ouais. Ah ouais, un peu slip de catcheur américain, vous voyez. Oui. Et il a des godes de toutes les tailles et il propose de goder. Ça a pas mal de succès, il aime bien. Il se dit, bon, je vais quand même pas vivre tout le temps comme ça. Il aimerait se poser, pour le moment, il n'y arrive pas. Il est un peu perdu. Est-ce qu'il doit continuer à arrêter? C'est le Batman des sextoys. Continue-t-il sa carrière de Batman de sextoy ou pas? On en reparlera si vous choisissez le 4. Et le dernier problème du mois à choisir, c'est le 5. C'est Julien, 32 ans, du Finistère. Il a écrit à deux. Julien Courbet. Bah, oui, c'est bien. Ouais. Un autre, peut-être, une autre. Julien. Voilà. Julien Clerc. Oh, c'est à la mode en plus, franchement. Tu cherches un Julien, tu en as trouvé deux, Marie, bravo. Hein. Ouais. Sinon, il y a Julien Doré. Bah oui, je vais le dire. Julien Doré, voilà. Julien Lepers. Lepers. Oui, on l'avait dit. Voilà. Bon, Julien, 32 ans du Finistère, il écrit à Doctissimo. Et depuis un an à peu près, il pratique la sodomie avec sa femme. Ils ont vu beaucoup de vidéos sur Internet, parce qu'ils aimeraient qu'elles s'introduisent des trucs de plus en plus gros. Et ils aimeraient avoir des conseils techniques. Il y a très goût. Quelle est la longueur maximale qu'on peut insérer dans l'anus? Et le diamètre? 3 à 4 mètres. C'est peut-être un peu long, Marie. Ah, bon. Et même chose pour la grosseur, en gros, le diamètre. Parce que ils ont vu des vidéos sur Internet où les meufs se mettaient des trucs incroyables. Sa femme n'y arrive pas pour le moment. Il se dit, pourquoi il n'y arrive pas. Quel nul, celle-ci. Ah, quelle incapable, c'est pas croyable, ça. Alors, il aimerait bien savoir la longueur maximale en moyenne et la largeur. Marie, toi, personnellement. Si tu regardes les films. 6, 7, 8 mètres. Laisse tomber, on a déjà vu dans l'émission une nana qui se prenait un poing, t'imagines. Une jambe aussi, un pied. On avait vu un pied aussi. Ouais, peut-être. Si. Non, mais Marie. Non, c'est peut-être moi qui regardais ça chez moi. Non, mais Marie, tu t'es déjà pris quasiment une main dans la chatte. Mais pas une main, ça va pas ou quoi. Non, mais genre les 5 doigts fermés, là. Ouais, non, mais jamais la main. Ouais, bah, c'est jusqu'où il a. Ouais, bah, écoute, on était pas loin. Un petit effort, Marie. La largeur. Et tu vas y arriver. Oh, allez, Marie. Marie, ne fais pas ta modeste. Ne sous-estime pas. Tu y arriveras un jour ou l'autre. Ouais. Je vais m'entraîner. Alors, on a les 5 problèmes du mois. Vous maintenant, votez. Faut choisir. Ouais, entre le premier, Phil, le fan de manga, fan de hentai, qui se déguise en personnage de manga en monstre avec des tentacules. Ça, c'est le 1. Le 2, c'est Julia de Paris avec son voisin pervers qui se branle à la fenêtre, qui est allé chez elle aussi. Excitée. Et elle voudrait baiser avec. Ouais. Elle se demande si elle doit y aller. Quelle question elle se pose, celle-là. Le 3, c'est Emmanuel, 45 ans, qui est esclave de son mari. Avec la perche à gode. Et qui a découvert la perche à gode. Elle ne peut plus s'en passer. En 4, c'est Julien, 26 ans. Lui, c'est le Batman des sextoys. Et en 5, c'est un autre Julien. Julien et sa femme. Ouais, qui ont découvert la sodomie, qui veulent savoir qu'est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur. Dans le trou du cul. Hein. Ouais, c'est ça, dans le trou du cul. Donc, à vous de choisir. 1, 2, 3, 4 ou 5. Vous prenez lequel? Moi, je vais prendre l'autre qui se déguise là en monstre là. Ah, tu veux le manga? Le 1, moi je vais prendre le 1, Phil. Le manga, Marie, tu prends lequel? Peut-être le 4, moi, le Batman là. Il y a le poteau qui prend le 2 direct. C'est noté. Vous pouvez commencer à voter, hein. Carmelo, le 4 et le 5. Le 2 également pour Tristan. Moi, les déguisements, tiens. Les déguisements. Ouais. Lesquels? Batman ou déguisement de monstre manga? Ah non, Batman. Batman. Ah, Batman. Oui. Moi, je prendrais bien le 5, les trucs dans le cul. Les trucs dans le cul. Ah, bah. Karim se pose des questions. Ouais, qu'est-ce qu'on peut rentrer dans ton cul, Karim? Bah, le 5, c'est vrai qu'il est pas mal. Le 1 avec les mangas, il est pas mal. Non, mais sinon, il y a les voisins pervers. Le voisin pervers, c'est pas mal non plus. C'est vrai. Dites-nous, pourquoi tu me filmes comme ça, dis-donc? Parce que je suis trop beau. Oh, mais tu veux, il y a plein de cœurs partout qui apparaissent. Bah ouais. C'est dingue. C'est toi. J'apparais sur l'image. Bon, alors, vous votez, vous nous dites. Et dans un instant, vous aurez les résultats du problème du mois de ce jeudi. Votez pendant 3 minutes. Là, le temps d'écouter Ghetto Phénomène et Jul. Et puis, dans un instant, on vous reparle du problème du mois. On attaque. Et puis, pour tout le reste, vous nous appelez aussi. 01 53 40 30 20. Skyrock débarque sur Deezer. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À 10 heures. À toi la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement 10 heures premium plus. Merci beaucoup. 10 heures, la musique que vous voulez. Partout, tout le temps. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli radio Skyrock et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville. Tout l'été, Géant Casino t'a fait vibrer au rythme du Brésil en mode barbecue fiesta. Aujourd'hui, Géant Casino félicite Nicolas, Géraldine, Emmanuel et Pauline pour avoir gagné le concours du plus beau barbecue de l'été. Leur récompense, 8 jours de fiesta au Brésil, tout frais payé. Merci Géant Casino. Des problèmes pointent toujours le bout de leur nez, hein? Moment au 71-777. Les astres vous guident vers la voie. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Nos astrologues vous apportent les réponses. L'amour, le travail, le succès. Vous voulez savoir? Envoyez Moment au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. J'arrive chez McDo. Je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demande la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé, sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Freegun fait sa rentrée avec des centaines de fringues à prix de canon. Sweet, t-shirts, casquettes, parka, doudounes, avec la nouvelle collection déjà en rayon et toujours tous les maillots et boxers pour un été trop stylé. Freegun, le choix sans se ruiner pour toutes les nanas et les mecs d'aujourd'hui. Freegun, dès maintenant sur le site officiel freegun.com et sur la page Facebook Freegun pour suivre tous les délires de la team Freegun Never Stop. Retrouve la ligne en exclu chez freegun.com et les points de vente habituels. Diff Diffoul, radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et son nom de Ride maintenant, et le ghetto phénomène tout à l'heure avec Jules. Sometimes pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home and tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Time on my ride. Sur Skyrock, c'est sûr qu'on allait se mettre Ghetto Phénomène, mais c'est dans une demi-heure le Ghetto Phénomène et Jules sur Skyrock. Là, c'était Ride. Skyrock, Romano. What's up? Yes, fine. Diffoul. Moi, j'ai bouffé avec une idiote samedi soir. Cédric. C'est qui, Michel? Bah, Michel l'infirmier, alias le beau gosse. Ah ouais. Le tombeur de ces dames, le piqueur fou. Super. Marie. Elle mouille. Oh, c'est bon de se branler comme ça le soir. Samy. Et Karim. Sandwich 5 euros et 10 euros à la masturbation. Diffoul Radio Libre, 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Bon, moi je prendrais un sandwich alors. Hein. Ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. Sandwich pour moi. Bon, le problème du mois, les résultats du problème du mois dans un instant, vous avez voté et vous saurez quel est le problème du mois dont on va s'occuper ce soir. Ouais. Phil, Julia, Emmanuel, Julien ou Julien. Ouais. Parce qu'il y a deux Julien. Oui, c'est ça. Une Julia. Une Julia. Bon, et un Phil et une Emmanuel. On va voir lequel vous aurez choisi. C'est assez serré d'après ce que j'ai vu là sur les messages. Dans un instant, on ah vous oui, dit ça. Bien, ce merde. Alors, on prépare. Merci Marie. Oh, ouais. T'as vu Marie? Ouais, non, mais je remercie. Non, mais c'est merci Marie. Bon, on a Issa qui est au téléphone avec nous. Alors, Issa, c'est pour nous parler de. C'est pour nous parler de ouais, tu te trouves bizarre avec les meufs, en fait, c'est ça, Issa? Exactement. Ouais, pour résumer un peu, bah, tu vas tout nous expliquer. On aura ouais. Ishaï, donc il y a Issa, Ishaï, si vous appelez Isidore ou. Que des I. Oui, ou Isham aussi. Ouais, ouais, aussi, ouais. Voilà, vous pouvez nous appeler également. Et puis les autres, vous avez le droit aussi. Hein, sans problème. Au 01 53 40 30 20. Et sur le 41 759 et l'appli Skyrock. Alors, Issa, explique-nous, pourquoi tu te trouves bizarre avec les meufs, toi? En fait, ça fait exactement, enfin, ça fait 2 ans et plus que je suis plus avec mon ex et à chaque fois que je rencontre. Ah, tu penses à elle comme Romano avec la gothique? Non, non, non, ça n'a rien à voir. Toi aussi, tu veux qu'on la retrouve? Non, non, ça n'a rien à voir, moi. Ah oui, si vous venez d'arriver, on a retrouvé la gothique tout à l'heure. J'ai rendez-vous tout à l'heure. Minuit et demi dans un cimetière. Non, j'ai plus rien envers elle. Non, non, ça n'a rien à voir. Fini. C'est juste quand, voilà. En fait, quand je croise, enfin quand je sors avec d'autres meufs, au bout de 3 jours, enfin dès que je couche avec, j'ai plus envie de les revoir. Et avec ouais, c'est ça, ça t'est arrivé depuis que ça, tu t'es séparé de la de mon ex, de ton ex de deux ans. Elle t'a largué? Non, enfin c'est, enfin je dirais plutôt c'est moi, mais bon, enfin c'est, ouais, enfin c'est un pourri deux, quoi. Mais là, elle reviendrait aujourd'hui si elle revenait comme ça et qu'elle te dise. Oh Issa, tu me manques, j'ai trop envie de toi. Un peu comme la gothique tout à l'heure avec Romano. Non, pas du tout, ça ira, non. Toi, non, fini, toi. Ah ouais, ouais, quand c'est fini, c'est fini. Toi aussi, quoi. Bah, moi aussi, hein, c'est fini. Hein. Bah, mais c'est fini jusqu'à minuit et demi, tu la revois. Voilà. Mais t'étais resté longtemps avec elle? On est resté 3 ans. Ah ouais, bah c'est ça aussi. Ouais. Non, mais c'est ça, en fait, quand tu prends l'habitude de faire l'amour avec quelqu'un que tu connais bien et tout ça, après, c'est un petit peu difficile, je pense. Non, au contraire. Au contraire, tu découvres des trucs nouveaux, c'est ça. Ouais, non, mais tu baises, mais c'est un peu difficile, je pense. Enfin, 2 ans, c'est long. Dès que je baise, enfin, je baisse 2-3 fois, la main, j'ai plus envie de la revoir. Mais en gros, si une meuf, elle te fait attendre 3 mois, tu peux être amoureux d'elle pendant 3 mois, et une fois que tu baises, t'as plus envie d'elle. Exactement. Ah ouais, donc c'est ça. Je peux pas attendre 3 mois. Oui, il faut que tu baisses plus vite, d'accord, ok. Ça, ah non, ça. Non, pas plus vite, mais je veux dire, je peux rester avec elle 1 semaine, 2 semaines, mais voilà, dès que je couche avec elle 1 fois, 2 fois, j'ai pu... Oui, oui. Mais t'arrives à prendre ton pied avec les nanas, là, que tu vois pendant 3 jours. Tu jouis quand tu baises avec elle? Bah ouais, heureusement. Ouais, mais moins fort qu'avec ta meuf. Non, tu mais mets pas. Ouais, tu craches, tu gicles, la Marie, moins fort. Bah non, pas pareil. Oui, Marie, c'est ça, quand vous aimez, on joue plus. Ouais, ça te fait plaisir. Bah nous, c'est comme ça. Bah nous, c'est pas. Nous, pas du tout. Nous, c'est beaucoup plus basique. Ouais, nous, on gicle, ça fait du bien, on est content. C'est plus mécanique. Quoique, non, je pense que ça joue quand même. Du moment que ça sort, c'est bon. Ouais, ça sort, on est content. Ah, c'est bizarre ton truc. Et t'as aucune meuf qui t'a fait, je sais pas, des trucs de fou au lit. Tu t'es dit, ah putain, elle, genre, encore. Je sais pas, le pire c'est que c'est qu'avec mon ex il y a des trucs qu'elle faisait pas et là avec des plans de cul j'arrive à voir tout ce que je veux, mais au final le matin je me vois pas réveillé à côté d'elle quoi. Genre les nouvelles elles te font des trucs que ton ex, même ton ex t'a jamais fait. Ouais, un truc de fou, et ça suffit pas à... T'es pas love. Et ouais, mais c'est la différence entre, j'expliquais ça tout à l'heure à un ami à moi qui est chauve. Je lui racontais que c'est la différence entre l'amour et la baise, c'est ça. Ouais, bah oui, c'est ça. Le pire, c'est que des fois, enfin, j'aimerais même me réveiller le matin à côté de quelqu'un, je sais pas, avec qui j'aime ou. Ah, t'as envie de te caser un peu là? Faut d'avoir quelqu'un avec toi. Depuis longtemps, j'ai envie, mais. T'y arrives pas. Non, mais c'est ça qui te manque. Ouais. À qui ça arrive? Si ça vous est arrivé, dites-nous, hein, 41759, sur l'appli, vous nous laissez vos messages, vous nous dites. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de... à tous les coups, non. Mais ça peut arriver. Tu baises avec une meuf et puis après, t'as plus envie de la baiser, même si avant, c'était grave. Je m'en lasse trop facilement. Non, mais bon, si c'est pas les bonnes. Ça, c'est pas anormal que ça t'arrive après. C'est pas les bonnes. Le pire, c'est que, enfin, c'est des belles nanas. C'est, je sais pas, je comprends pas. Mais moi, je me comprends pas. Des fois, je me dis, putain, elle, je la laisse partir alors que. Elle est pas mal. Elle a tout ce que, elle a tout pour me plaire, je sais pas. Ouais, enfin, oui, avec le physique. Alors, il y a Nounouille, 28 ans, qui nous dit, exactement pareil. Bon, il n'a pas la solution. Exactement pareil. Moi aussi, ça me le fait. Je le vis super mal. Juste en dessus, t'es qui? Madre Alva, une fille. Il est encore attaché à son ex. Il n'est pas passé à autre chose. Bah, à ton ex ou à ton histoire plutôt? Franchement, non, ça n'a rien. Enfin, non. Ça n'a strictement rien à voir. Non, mais c'est plus son histoire suivie où t'étais bien avec la nana à la base. Oui, parce qu'à la limite, t'aurais pu être traumatisé si tu t'étais fait larguer. Mais en l'occurrence, c'est toi qui l'as plus ou moins largué. Donc, logiquement, ça devrait aller, quoi. Ouais, c'est bizarre. Bizarre. Pour ma vie, non. Enfin, je pense même plus à elle, quoi. À part là, quand je vous ai appelé, mais. Ouais, non, mais c'est ça, ouais, t'es plus attaché à la relation que t'avais, c'était plus cool, quoi. Non, mais il va falloir, enfin, si tu veux te poser avec une meuf, il va falloir que. Bah, de toute façon, faut tester, tu peux pas savoir à l'avance. T'en gardes une au moins. Ouais, oui, mais bon, c'est vrai que tu vas pas te forcer à rester avec une meuf. Si elle t'intéresse pas. Ouais, si tu le sens pas, quoi. Mais le pire, c'est que, enfin, j'ai déjà réussi à rester pratiquement 3 mois avec une nana, mais. Enfin, rien que quand je recevais ces messages, ça m'énervait. Ah ouais, chier. Là, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est mal barré. Non, après, t'es peut-être un mec qui. Merci Romano pour les copies. Non, mais c'est vrai. Bah, non, mais si une meuf, elle t'envoie des messages et quand à chaque fois que tu vois un message, tu te dis ah putain, me fait chier. C'est vrai que ça va pas aller très loin, quoi. Et avant ton ex, t'as eu une histoire d'amour ou tu baisais comme ça? Si, j'ai d'autres histoires d'amour. Ouais, longue et tout. Ouais. Alors, est-ce qu'il l'a trompé? Ça peut venir de là, un manque de confiance, tout simplement. Nous dit Polska du 91. 21 non. ans. Non, je l'ai jamais, non, j'ai jamais Clément, il lui arrive la même chose. Clément, 14 ans. Il m'arrive pareil, mais moi, c'est avec les jeux vidéo. Il m'amuse deux fois, et après, ils me font chier. Non, mais ça n'a rien à voir. Voilà, belle comparaison. Non, mais c'est super. Tu vois, Issa, ta meuf, elle joue avec ton joystick. Et une fois qu'elle a joué, t'as plus envie qu'elle joue avec. Terminé. Putain. Il a 14 ans, même toi, c'est normal. C'est Clément, ouais. Il me dit, c'est pas Clément, ça, c'est l'inconnu qui me laisse un message et qui dit, c'est normal que ça t'arrive comme ça. Comme ça, tu peux profiter de plus de meufs. C'est bien au final. Bon, enfin, il profite. C'est bien, mais enfin, moi, franchement, moi, j'en ai marre, moi. Enfin, je veux non, dire. Non, mais ça va venir. Ouais, bah, juste. Tu baises pour baiser, quoi. Je sais pas. Et les nanas que tu choisis, elles ressemblent pas à ton ex? Elles sont différentes? Non, pas du tout. Mon ex, c'est une maghrébine italienne et, enfin, je suis sorti avec des blanches et des noires. Ouais, enfin, oui, elle ressemble pas, ouais. Non, ouais, mais ouais, dans ouais. la tête. Ouais, tu recherches pas à revivre cette non, histoire. Non, mais ça va, en plus, t'as pas l'air, oui, t'as pas l'air à fond sur ton ex. T'en parles non, de non, façon non, assez détachée, quoi. Puis le Van Lar. Contrairement à toi, Romano. Voilà, bien dit, ça. Hey, ça, du calme. Contrairement à toi. Hey, tu vas pas t'y mettre non plus, j'ai déjà assez de lourdeau qui m'en parle. Tu vas le vénère. En plus, je vote pour toi, en plus. Ah, bah, c'est sympa. Ça, c'est bien. Il y a pareil pour le Nantais, qui a pas de solution, mais putain, le nombre de mecs qui disent que c'est la même chose pour eux. Alors faut trouver une, enfin si vous pensez que vous avez, bah, vous savez pourquoi il est comme ça, vous avez non. une solution pour le sortir de là, et ça, c'est vrai que ça serait pas mal 2 ans sans t'attacher à une meuf, c'est vrai que c'est long. Non mais tu préfères être posé, je pense, c'est ça en fait. Il y a, ah, mais il y a Madre Alvas qui le dit, c'est vrai que c'est ça le pire. Le pire c'est que c'est même pas question de, enfin c'est plus le matin, des fois je sens qu'il manque un truc. Je sais c'est pas, un chien, ouais. Bon, non, non. Un chat. C'est un chien, non, mais tu peux pas remplacer. Si t'as besoin d'une, si t'as besoin d'une présence. Après, tu le baisses pas, le chien, hein. Non, faut pas ça. Marie, te laisse pas faire. Il compare à une femme. Mais hein, non. T'as besoin d'une présence. Je me laisse pas faire, t'inquiète. Je veux une présence féminine. Je veux pas un chat ni un chien. Ah, tu prends une femelle. Bah, ouais, voilà. Tu veux partager avec quelqu'un, mais je comprends. Ouais, prends une chienne, ouais. Arrêtez, son con. Mais Madre Alva, c'est vrai ce qu'elle dit, c'est quand on ne cherche pas l'amour que ça nous tombe dessus. C'est vrai. C'est vrai que plus tu cherches, moins tu vas trouver, je pense. Plus tu te prends la tête, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Le pire, c'est que je ne prends même pas la tête. Des fois, je vais en boîte, je dis, tiens, tu sais, je sors et je rencontre une nana. Le lendemain ou 3 jours après, on prend un verre ensemble. Ah, c'est ça, c'est que tu ne partages pas plus que le cul, quoi. Oh là, exactement. Bah, et pour certains, c'est déjà pas mal. Hein. Il a, ouais, mais de quoi il se plaint, il baisse tout le temps. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, de quoi tu te plains, en fait. Ça. C'est Kézio qui lui laisse le message. C'est bien de baiser tout le temps, mais. Bah, arrête de baiser. Mais n'importe quoi, toi. Tiens, et Dream, elle a 25 ans, elle nous dit qu'elle, elle est pareille, c'est une femme. Je suis une femme et je suis aussi comme ça. Ouais. Bon, ouais, si vous avez, si vous savez d'où ça vient, vous nous faites signe, vous nous dites 41759 skyrock.fm et l'appli Skyrock. Ça me rassure, déjà, je suis pas seul. Ah non, t'es pas seul, non. Il y a Nonouille, ça fait 4 ans et il dit ça rend dingue. Bah, tiens, 4 ans aussi. Je suis large, moi. Erwan, lui, il a 4 ans, il a 21 ans. Après la présence de. Ah ouais, après près de 4 ans avec ma copine, je préférais avoir la présence de sa meilleure amie avec moi. Bah, dis-lui, ça va lui faire plaisir. Voilà. Ouais, c'est cool. Force-toi à sortir avec des meufs. Mais sans coucher. Essaye pendant 2 mois. Message de Balou du 78. Ouais, non, mais d'accord. Bon. Ah, après, le problème, c'est que je vais la dire oui. Au final, je vais aller voir ailleurs. Non, mais puis ça sert à quoi d'attendre 2 mois? Voilà, bon, si t'as envie de baiser, baise. Hein. Ouais. Non, mais si les deux sont d'accord, tu sais, tu vas pas te retenir exprès, dire non, 2 mois. Voilà, exactement. Je vais pas rester pendant 2 mois. Ils m'ont dit à Skyrock 2 mois, je tiendrai 2 mois. Ouais, mais après, il faut vraiment que ce soit le coup de foudre, comme on dit. Bon, dites-nous alors pour Issa. Tu bouges pas, Issa, on te garde et puis on essaye de trouver la solution, mais c'est vrai que c'est relou un peu ça. Moi, je me suis jamais attaché à une fille. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis heureux comme ça. Ah, bah, tu vois. Peur, ouais. C'est 20 ans qui nous laisse le message. Bonjour, 20 ans. Après, s'il est heureux comme ça, pas mieux. Mais bah ouais, 20 ans. Jamais, il a 20 ans, donc a priori. Tu as peut-être peur. T'as peut-être peur bah, de. Bah, je sais pas, Marie, t'as la psy de comptoir, là, qui. Non, mais. Tu sais pas ce que tu as peur. Le cabinet, là. Non, mais quand tu te lances pas, la bière à la main, la clope dans l'autre. Tu as peur. Tu as peur de toi-même. Voilà, tu as peur. Pas de toi-même. Et tu as peur des autres. Tu as peur de la vie. De la mort. Oui, bah, au moins, ouais. Bon, ouais, mais il a peur. Et Marie va faire une analyse psychologique. Non, je disais, le message, là, il a peut-être peur de souffrir, donc du coup, je sais pas, il se lance pas dans une relation, tu vois. Il y a un plat qui dit que t'es en train de devenir gay, mais je vois pas le rapport. Pourquoi? Non. C'est ce qu'il y a Biff sur le boule qui nous dit, Clément qui nous dit, un autre Clément là qui nous dit la même chose. Peut-être qu'il est devenu gay, qu'il essaye avec un homme. Ça, c'est le message. Toi, Mokhtar. Ah, n'importe quoi. Non. T'as pas les gays, mais non. Non, mais ça n'a rien à voir surtout. Non, mais surtout, ouais, tu baises avec plein de meufs. Puis avec ce que tu baises, oui, ça, à mon avis, y a pas de risque. Non, mais c'est que t'es mieux en couple. Voilà, c'est tout. Ouais, toi, t'as envie d'être posé, oui. T'as la marre de baiser comme ça. Exactement. Enfin, au début, après ma relation, tu sais, j'étais content comme ça. Je me dis, ouais, ça me fait du bien. Déjà, ça fait 3 ans que j'étais avec elle et j'avais pas eu d'autres nanas. Tu vois encore. Ouais. On avait dit j'avais pas eu d'autres nanas et du coup, j'en profitais au max. Et sauf qu'au final, bah, je me dis, il y en a qui sont en train de parfois. Le pire, c'est mes potes, en fait. Mes potes du même âge, ils sont là en train de construire leur famille et ça me fait chier, moi. Je suis pas. Ah ouais, t'aimerais. Ouais, bon, t'as le temps aussi. Ouais, t'as 24 ans et ça, t'es pas non plus. Ça va. Bah, vieux, hein, ça va. Bon, bouge pas avec ça. sûr, mais bon. Ouais, reste avec nous. Je suis tombée amoureuse et pendant 4 ans, j'ai vécu une belle histoire. Et pareil, je l'ai quittée à cause de la routine. Depuis, je ne m'attache plus. Tu vois, message. Tu vas les bloquer aussi. Bon, bouge pas, Issa, on revient avec toi. Et vos témoignages, allez-y. Et puis vos solutions, si vous avez pour Issa. Hein. Vous avez vu, quand on a un petit souci, on peut nous appeler et puis on essaye de se démerder. Alors, qu'est-ce que. Toi, après la rupture avec la gothique, t'as pas eu du mal à t'attacher, Romano? Non, mais moi, je l'ai largué pour une autre, donc. T'as pas eu du mal à t'attacher? Non, ça va. Rupture avec la gothique. Quoi, après, je cherchais pas forcément à m'attacher, mais l'amour est venu. Et l'amour te tombe sur la gueule quand tu ne l'attends et pas. Et bam, il y a plein qui m'ont sur la ça. Gueule, quoi. Tiens, j'ai les résultats du problème du mois, si ça vous intéresse. Bah, ouais, parce qu'il va falloir peut-être aller chimiter. Eh bien, alors, prépare-toi, Romano. Je vous annonce les résultats du problème du mois. C'était assez serré, apparemment, qui est complètement largué dans le problème du mois. C'est le problème du mois qui a 9% des voix. Je parle de Julia déguisée en Batman. Ouais. Ouais, pas beaucoup de succès. Non, Batman. Pas trop. Le Batman des sextoys. C'est vrai qu'il y a ça qui se surnomme. Il y a plus sexy qu'un mec qui se balade avec des sextoys à la place de sa ceinture. Et une cape. Et une cape. Il y a une ceinture remplie, tu sais, comme les cowboys un peu, quoi. Comme Batman qui a ses armes, quoi. En costume de Batman. Bon, 9% pour lui. Par contre, après, c'est plus serré. 13% pour le problème d'Emmanuel, l'esclave de son mari, avec la perche à gode. Ouais. Vous êtes 20% à avoir voté pour les hentai. Ah, l'autre qui vous laisse déguiser. Ah, dommage. Ah, qui vous laisse déguiser en monstre, là. Vous êtes 27% à avoir voté pour les voisins pervers de Julia, la parisienne. Ouais. Et vous êtes 31% à avoir voté pour Julien, 32 ans, dans le 29, dans le Finistère. Bip, bip. Lui qui veut savoir qu'est-ce qu'on peut se mettre dans le cul. Au maximum, hein. C'est marrant de se poser des questions comme ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas con. Oui. Mais en soi, tu. Moi, je sais pas, moi. Ah, bah, moi non plus. Mais ce que j'allais lui proposer, il a qu'à essayer. Non, ben ouais, ouais, mais bon, le problème, c'est que ils ont peur, parce qu'il est en couple, Julien. Oui, alors, tu veux nous lire le problème du mois de Julien, voici. Ben, aucun problème, je vais lire parfaitement. Ben si, aucun problème. Problème du mois, Romain. Problème du mois, c'est parti. Alors. Bonjour. Bonjour, Julien. Il est écrit au forum Doctissimo, hein. Oui. Donc, c'est Julien, 32 ans du Finistère. Bonjour, moi, c'est Julien, j'ai 32 ans. Et je suis du Finistère. Je n'en dirai pas plus, je préfère quand même garder une partie privée dans ce message. Ah, surtout avec ce qu'il m'a raconté, oui. Cela fait environ un an que ma partenaire et moi pratiquons la sodomie, mais mutuellement. C'est-à-dire que moi, je lui introduis mon sexe dans l'anus, et elle, régulièrement, elle m'introduit de petits objets. C'est la parité. Tels que des petits godes, ses doigts et des godes un peu plus gros. Ah. Smiley. Aha, lol. Oh, les coquins. Lol, MDR. Nous sommes très friands de vidéos porno. Et après avoir vu plusieurs vidéos sur le net, avec ma femme, nous nous demandions s'il y avait une longueur maximale que le pouvait s'insérer dans l'anus. Imaginez la conversation du soir. Ah oh ouais, c'est clair. Tiens, passe-moi le fromage, s'il te plaît. Je peux alors, mettre qu'est-ce combien qu'on, qu'est-ce qu'on peut se mettre en odeur de fromage, je vais penser à un truc. Qu'est-ce qu'on peut se mettre dans le cul? Et même pour la grosseur, car l'on voit souvent des filles ou même des hommes se pénétrer avec des godes vraiment très gros. Et ça nous excite terriblement. C'est vrai que s'ils se vendent ces godes, c'est bien pour les rentrer quelque part. Bah ouais, c'est clair. Il y a vrai qu'il y a des trucs, on dirait des bras. Personnellement, je reste... Ah, et en face de moi, j'ai Romain des réseaux sociaux qui me fait oui avec la tête. Quand j'ai dit des godes gros comme avec des bras, il est là. Oui, se mettant le doigt dans la bouche, ça. Pardon. Il me fait peur, ce mec. Oui, toi aussi. Il fait des trucs. Personnellement. Il est à côté de toi, Romain. Non, ouais, ouais, non, mais... Et il te filme sur Facebook Live. Ouais, ouais. Et d'autre côté, on me filme... sur Snap. Ah bah bonjour. T'es snappé, man. Bonjour. L'autre, il sourit, autre. Je suppose pour les caméras, bonjour. Alors, donc, je suis un peu perdu. Ah. Et même pour la grosseur, car l'on voit parfois des filles ou même des hommes se pénétrer avec des godes vraiment très gros. Et l'on aimerait tenter la même chose de notre côté. Personnellement, j'arrive à m'introduire un gode d'environ 18 cm de long. Le diamètre, je ne sais pas exactement. Ah ouais. Mais il est. À 10 cm, c'est ça. C'est deux paquets de cigarettes, non? Plus. C'est une cigarette, c'est 8 cm. Ah ouais, donc là, je suis à 16. C'est ça. Ouais, 16, putain, un filtre de clope, on va dire. C'est ça, 18 cm. Non, mais ah non, ouais. Pas du tout. Non, mais non, pas du tout. Mais non, mais t'étais un débile. C'est quoi? Le briquet, il fait pas 2 cm de haut. Il fait combien? Il fait plus, il fait 4. Non, mais t'es complètement 5. Débile. Ah ouais, ah, donc, je suis à 20, donc je suis à 22, c'est ça. Ah, je le mets comme ça, le briquet. Voilà, c'est. Voilà, l'horizontal, c'est ouais, mieux. C'est ça. Ouais. Bien, voilà, donc tu te prends ça dans le cul. Ouais, cool. Ouais, bah, ouais, bah ouais, faut se le prendre. Quoi. Ouais, quand même. Mon sexe s'est fait 20 cm de long. Donc ma femme arrive à encaisser ça. Bravo. Ah sans ouais, problème, ah ouais. J'arrive à rentrer à fond. Waouh. Idem pour moi pour le god. Essaye les couilles, rentre les couilles la prochaine fois. Idem pour le god dans mon anus. Petite question supplémentaire. Est-ce que l'homme et la femme ont les mêmes possibilités, c'est-à-dire la même profondeur d'anus? C'est une bonne question, ça. Et également la même largeur? Bah, je pense, ouais. Car nous aimerions tellement partager notre plaisir et réussir à s'introduire un objet de la même grosseur. Je dois bien t'avouer que j'aimerais bien passer aux 25 cm. Oh, gourmand. Mais je me dis, ça fait peut-être beaucoup. Et en largeur, arriver à environ une canette. Une canette. Ah, eh ouais, bah faut le rentrer quand même. Ah hein. bah faut être sérieusement dilaté. Faut être sacrément souple. Oui. Merci d'avance pour toutes mes réponses. Je récapitule. Oui. Alors écoutez bien parce qu'on va répondre à ces questions puisque on doit aider ce Julien. Longueur maximale au niveau de la profondeur. Oui. Grosseur, autrement dit le diamètre maximal, et également l'homme et la femme ont-ils le même anus? C'est nos questions. Merci d'y répondre, car notre vie sexuelle et surtout anale en dépend. Merci à vous. Bisous. Eh bien, pas bisous, mais petit check à Julien. Un petit coucou. Un petit signe du bras. Alors, qu'est-ce que tu veux comme réaction? Bah, tu veux qu'il réponde aux questions. Bah, déjà, oui. Alors, si vous-même, vous arrivez à vous introduire des choses... Oui, présente. Présente, monsieur Grobédo. Après l'incroyable talent, vous avez un incroyable anus. Exactement, vous incroyable anus. Bonjour. Vous arrivez à rentrer des choses relativement grosses dans votre anus. Dites-nous les tailles. Et si vous savez la profondeur et la largeur d'un anus, est-ce que les hommes et les femmes, c'est pareil? Merci de répondre à la question. C'est pour Julien. Amenez-moi un double mètre, s'il vous plaît. Oui, attends, Marie, on va chercher ça à la technique. Je vais mesurer. Oh. Leur vie sexuelle en dépend quand même. Merci de répondre. Ah oui, il a dit ça. Eh ben là, t'as Jules du 02 qui dit le god double existe. Ça procure du plaisir aux deux en même temps. Il y a des diamètres assez larges. Ah ah, merci Jules. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a un god en fait, c'est un god de chaque côté, ils sont accrochés quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu peux te goder face à face, quoi. Ah, c'est un double god, ouais. C'est bon pour les lesbiennes, ouais. On nous proposait une balayette. Bah, les lesbiennes ou les gays. Ouais. Alors, balayette des toilettes. J'avais une canette à côté de moi quand tu lisais le problème du mois, Romano. Ça m'a dégoûté, mort de rire. Stay, du 79, 21 ans qui t'envoie le message, ah bah, Romano. C'est large, hein. Ouais, mais Mario, t'avais acheté un god. Ah ouais, ouais, énorme, le god bras, là. Ouais, ouais, c'est ça, le god bras. Puis bras musclé, en plus. Ah, bras, balèze. Ah, mais il était énorme, le truc. Ah ouais. Je sais pas, il est quelque part dans mon cul. Non, il doit être dans la radio, quelqu'un a dû l'emmener. Dans le cul, ouais. Je pense. Ah, on vole des trucs à Sky, attention. Ouais. Bon, vous réagissez pour le problème du mois, puis dans un instant, on aura Ishaï avec nous. Ah oui, je vous ai parlé d'Ishaï. Il est là, Ishaï. On va filer à la fac, c'est à la fac, Ishaï. Salut, Ishaï. Ouais, c'est ça. Bonjour, toute l'équipe. Bonjour, Ishaï. Alors, une petite réponse pour le problème du mois, peut-être. T'as entendu les questions de Romano? Ouais, mais je sais pas. Mais non plus, c'est bien chiant. Mais Ishaï, t'es à la fac, t'es pas en médecine? Non, je suis en droit, moi. Ah, tu ne connais pas la profondeur d'un trou du cul, donc? Non. Non. Bah, non, mais c'est vrai, c'est une bonne question ça. Ça fait combien un trou du cul? Tu peux mettre combien de. Tu sais qu'à un moment donné, c'est coudé. Comme un bras? Ouais. Non, hein? Non, je pense pas. Bah, non, Romain, non, non, mais c'est non, toujours lui. Non, moi je dirais 10 cm, pas plus. Ah, non, j'ai vu des photos de la fistinière et ils mettent le bras. Des photos de la fistinière. Oui. Ah, c'est là où tu vas en vacances, ah, ouais, hein. La boîte à cul du côté de Tours, je crois, non? Ouais, je sais pas où elle est, mais. Je sais plus où elle est. C'est là, c'est pas dans Orléans. Ils mettent le bras. Ouais, j'ai Orléans. Non, je crois que c'est dans le Cher. Plus bas, ouais. Ah, le Cher. Bourges. Non, mais mettre le bras entier, quoi. Si j'ai vu. Si je te montre des photos d'elle. Non, mais c'est. Non, si, si, il faut que je t'en ai. C'est gentil. Non, mais c'est vraiment intéressé. On a ramené ses photos sociaux, c'est photos sociaux, c'est photos de vacances, en fait. Il a passé le mois d'août là-bas à se faire démonter le cul, quoi. Tiens, moi, je me suis déjà enfoncé un gros concombre dans le cul. Et après, quand je me suis branlé, j'ai giclé bonjour aux cheveux de Romano. Ouais, et c'est confirmé, hein, la fistinière, c'est dans le 18, le Cher. Ah, dans le Cher. À Assigny, chambre d'hôte. 4,6 étoiles sur 5 quand même. Putain, moi j'aurais sur Google. Je suis prêt de dormir là-bas quand même. 54 avis. Fistinière, fisté, c'est avec le point. Ouais, et donc c'est une boîte où il se fiste. Oh putain. Bah bon, chacun son truc, hein, tu vas me dire. Enfin, c'est une boîte et même chambre d'hôte, hein, donc t'as tout quoi. Ça te branche mais tu dors là-bas et tu te fais déglinguer le cul. Ouais, ils ont une salle spéciale, tu peux te mettre des cônes de chantier dans le cul. Des cônes de chantier. Des pétanques. Tu peux te faire accrocher avec des chaînes. Non, attends, j'ai regardé les commentaires. Samy, prends la boule de pétanque. Ah, c'est horrible, gros, il y a des trucs là-bas. J'ai des commentaires sur Google, il y a Bob. Ouais. Merci pour m'avoir dilaté le cul. Je tiens quand même à pointer du doigt, non pas l'anus de mon collègue, mais la propreté des lits. Je suis sûrement un peu pointilleux. Ah, c'est dégueulasse. Bref, à ces jours plein de panache et de partage. Ah, bah plein de merde dans le lit aussi d'ailleurs. Deuxième, Daniel. Oui. Je ne savais pas qu'un bras dans le fion faisait l'effet d'un déboucheur de chiottes. Depuis cette expérience, mes excréments sortent plus facilement. Je dis merci à Juan Carlos et François. Juan Carlos, François, toi. Ah non. Ah merde. Ah, l'autre, maintenant, il chie dessus. Vas-y, seul. Ah ouais, putain, les photos, c'est dangereux. Ah là là là là. Ça veut voir? Putain, l'autre a mis un bras, mais jusqu'au haut du bras, dans un cul. Attends, là, il y a une femme qui témoigne. Si, il y a les flammes, peuvent y aller. Jusqu'à l'épaule, ouais. Ah non, c'est, ouais, mec. D'accord. Ça doit être un mec, d'ailleurs. Bon, peu importe. Flo. Oui. C'est le pseudo. Ouais. Avec mon ami Marco, on en a pris pour notre grade. Un bon séjour de baise par le cul. Quel plaisir de se faire soulever par un bras comme une sombre mer de soumise. La tête contre le mur. Mention spéciale au parc d'attrape Fion. Ah, les sensations plein air rajoutent du piment à la baise. Ouais. Encore un peu de repos pour ne baffe trop du cul. Et on revient, la bave à la bouche. Bisous, Juanito. La bave à la bouche. Ah ouais, Juanito, c'est le patron, en fait, Juan Carlos. Ouais, c'était lui, ouais. Tiens, ça cartonne, ce truc. Hein. Attends, j'habite à 5 km de la Fistinière. Vas-y, Johan. Johan qui vient de nous laisser un message. Enfin, vas-y, attends. Johan, 17 ans. Fais gaffe à ton cul, quand même. Fais gaffe bien à ton cul, ouais. Il y a même un truc qui s'appelle la chapelle Fistine à la Fistinière. Ouais, non, mais c'est, chaque chambre a un thème, en fait. Et après, ils font, tu sais, comme les marionnettes. Bon, ils font le ventriloque, ouais. Tête de marionnette. Ouais. Bon, eh ben, on reviendra au problème du mois, Romano, dans un instant. Tiens, il y a Jean Fist. Jean Fist, c'est joli comme prénom. Jean Fist, mais c'est Jean Fist. Tu cherchais un nom pour un enfant un jour. Jean Fist. Pas mal. Salut. Pourquoi ? Séjour intéressant qui reste profondément ancré en moi. Ouais, non, profondément. Ça restera dans les annales. Attends, non, mais attends, la suite. Malgré quelques traces boueuses sur les plots de signalisation, le plaisir est toujours là. Ah non. Parce que ouais, tu peux te mettre des plots de signalisation. Ouais, bah. Hein. Mais il y a une salle, il y a des photos sur leur site. Il y a une salle chantier. En fait, t'as plusieurs salles et t'as un endroit où t'as une salle où t'as tous les objets que tu peux te mettre dans le cul, il y a batte de baseball, ouais, bah, il y a tout. Et puis, a priori, dedans, il y a des grosses salles aussi. Un peu. Il y a Jean-Fils. Bon, on y revient tout de suite, on va en reparler pour le problème du mois, t'auras la réponse du problème du mois à nous lire aussi, hein. Donc, allez-y, Ishaï, on va s'occuper de toi. Alors, Ishaï, ouais, j'ai dit qu'on allait aller à la fac, parce qu'en fait, t'as repéré une meuf à la fac, d'après ce qu'on m'a dit, c'est ça? Ah. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, en gros, si vous voulez, c'est une meuf que je vois souvent à la bibliothèque de la fac et tout depuis l'année dernière, mais je la connais pas du tout et tout, mais on se voit souvent. Et le truc, c'est que c'est exactement le style de meuf que je kiffe, quoi, et avec qui j'aimerais me poser. Et tu voudrais avoir des conseils pour essayer de la séduire, c'est ça, hein? Ouais, voilà, c'est ça. Là, depuis la rentrée, arrive avec des bouquins sous le bras, tu sais. Ah, putain, j'ai lu cette nuit, j'ai lu 5 livres. J'ai lu 5. Bon, t'as lu les résumés sur Wikipédia ou je sais pas où, hein? Ouais, au moins ça, c'est fait. Et puis après, tu lui fais un petit résumé, ouais, je suis ici, tout ça. Non, mais c'est. Ouais, mais le truc, c'est qu'on est même pas dans la même année. Moi, je suis en troisième année, mais en deuxième année et tout, je connais même pas son nom. Non, mais déjà, tu sais où la trouver, direct sur la bibliothèque. Bon, c'est pas l'endroit le plus délire de la fac, mais bon. Au moins, c'est calme pour brancher quelqu'un. Pour moi, c'est calme. Ouais, c'est pas emmerdé, quoi. Bon, vous entendez Rihanna. Alors, on écoute Rihanna avec Calvin Harris. Et puis, on retrouve Ishaï et vous tous en direct sur Skyrock. Et votre problème du mois aussi. Ouais. Ah, c'est bon, le problème du mois. Ah, bah là, on en peut. Allez, Ri. This is what you came for. Et ne loupez pas la photo de Calvin Harris sur les réseaux de Skyrock. Avant, Calvin Harris, après, ouais. C'est une des meilleures photos de la semaine. Relooking extrême. Allez, nous, on a reçu la photo de Juan Carlos, man. Ah, merci. Merci. Juan Carlos, le propriétaire de la Fistinière. Un beau gosse, dis donc. Ils ont tous gagné 1500 euros en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. Skyrock. La seule radio qui t'offre 1500 euros toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Et non. Oh purée. Rendez-vous demain matin de 6h à 9h dans le morning de Default sur Skyrock. Tu refais là. Tout l'été, Géant Casino t'a fait vibrer au rythme du Brésil en mode barbecue fiesta. Aujourd'hui, Géant Casino félicite Nicolas, Géraldine, Emmanuel et Pauline pour avoir gagné le concours du plus beau barbecue de l'été. Leur récompense, 8 jours de fiesta au Brésil, tout frais payé. Merci Géant Casino. The Morning Show! Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de Default. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec Inanna. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. Concert. Nouvelle tournée événement Skyrock. Glaçons dans mon vin, ça prend de la place pour rien, mon frère.

Et voilà, le ghetto phénomène et Jules, Rihanna tout à l'heure sur Sky. À écouter, on avait promis Ken Jones aussi, on terminera l'émission avec Ken Jones. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et on vous remercie d'être là tous les soirs en direct sur Skyrock. Ne loupez pas l'émission de demain. Attention, demain, émission collector. Yeah. On a demandé à chaque membre, j'ai demandé personnellement d'ailleurs, à chaque membre de l'équipe de choisir un bon moment de l'émission et vous êtes en train de réfléchir. Moi, je prends le clash. Toi, tu veux le... Mais non, mais si tu choisis le clash, tu vas prendre un clash où tu gagnes à 90%. Bah non, mais je suis pas complètement con. Oui, ça, je vais pas faire un clash où je me fais baiser. Il y aura pas de suspense. Non, faut pas que Cédric ou Romano ils choisissent. Bah non, mais Cédric choisit autre chose. Ouais, bah moi, je choisis le clash, moi. Bah non, c'est moi. Bon, alors attendez, on va organiser tout ça. On vous dira ce soir si on a trouvé. Je pense demain plus. Donc demain à 21h, entre 21h et minuit. Loupez pas le rendez-vous. Grosse soirée pour demain. Et si vous voulez qu'on parle de certains sujets aussi, vous pouvez nous laisser des messages. S'il y a un truc qui vous intéresse, vous nous laissez ça. 41759, appli Skyrock. On fait la radio ensemble, Skyrock, tous les soirs, en direct. Ouais. Bon, et en direct, c'est bien parce qu'on a des réactions. Il y a Issa qui arrive pas à s'attacher à une meuf. Dès qu'il en baise une, il veut plus la revoir. Depuis qu'il a quitté son ex, il y a deux ans. Et ça fait deux ans que t'es comme ça et t'as envie de te poser, Issa, parce que tu vois tes potes qui se posent partout. Non, mais c'est ça en fait. C'est ça qui te bloque, je pense. Voilà, moi j'ai posé là, ça y est, ça va. Voilà, j'ai posé un cake. Non, merci. Après. Et au fait, Cédric va bien pour. Bon. Pas bah, bien, il est chez lui. Oui, Bon, la clavicule est pétée. Là, il est ronflé parce qu'il a pris sa morphine, mais il va bien. Alors oui, tu disais ça, vas-y. J'ai dit, après, si Cédric a réussi à se poser, bah pourquoi pas moi. Mais il n'est pas posé, hein, Cédric. Non, mais Cédric, il a rien, il galère. Si, ces temps-ci, il est posé dans son lit parce qu'il a la clavicule cassée, mais à part ça, il n'est pas posé ailleurs. Ah merde, je suis dans la merde alors. Eh ben ouais. Alors, choisis un double appel. Ouais, on vous mettra un double appel collecteur. On se remettra d'ailleurs celui d'hier parce qu'il était hier ou avant-hier. Ouais, c'était bien, ouais. Ouais, on le remettra celui-ci là. Bah tiens, choisis ça déjà pour demain. J'en choisirai plusieurs, moi, si je peux. Ouais. Ah, on salue les militaires en Vigipirate à Paris. Je peux vous dire que ça fait du bien de rigoler en vous écoutant. Salut Dame Dame. Ouais, bon courage. Dame Dame 972, 25 ans. Salut les militaires. Je les vois, les mecs qui sont en train de galérer dans les bâtiments. Bon courage à vous. Et moi, je salue Greg et Cédric des agents de sécu que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Salut les agents de sécu. Ah, tiens, je souhaite un bon anniversaire à Defray, un des membres de la team Romano. Salut Defray. Ah, un fidèle de Skyrock depuis des années. Big up à toi Defray, bon anniversaire. Voilà. Puis on salue les nouveaux aussi, il y a plein de messages. Ah oui, bienvenue à tout le monde. Salut les nouveaux. En fait. Ouais. Alors, Issa, on a pour toi Karima qui voulait nous parler. Eh ben ça, c'est bien. Je vous rappelle qu'on est en plein problème du mois. Vous aurez la profondeur d'un anus. Ouais. Ce qu'on peut y rentrer dedans. Le diamètre de l'anus. La surface habitable. La fiche technique, quoi. Et on saura. Le prix net vendeur. Si l'anus masculin et l'anus féminin sont égaux, il y a une différence. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y en a un qui, dans lequel on peut rentrer plus de trucs? On a un professionnel du trou de balle qui arrive? Ah, j'espère, Romano. J'espère. Ah, j'espère. Eh ben oui. Alors, Karima, c'est pas toi la professionnelle du trou de balle, Karima? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. Salut, Karima. Salut. Bienvenue sur Sky, Karima. Salut, Karima. Alors, t'as 24 ans, t'es à Bordeaux. Tu fais quoi dans la vie, toi, à Bordeaux? Je travaille en restauration. Très bien. Elle sort du boulot. Eh ben, c'est bien. Ouais. Voilà. Tu sors du boulot, tu branches Skyrock. Ouais, c'est ça. Super. C'est ça, toujours. Et là, tu tombes sur le problème du mois où on cherche la profondeur d'un anus. Ah, ils sont en forme ce soir. Tout va bien. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire à, toi, ça plaît pour Issa. Ouais. Donc, en fait, j'étais pareil que lui. En fait, j'étais un gars pendant 2 ans où j'étais super amoureuse et lui aussi. Ça, c'est fini. Sauf, il m'a fait un coup de bâtard, on va dire. Ouais. Mais je le kiffe trop, même aujourd'hui je le kiffe. Il est marié, il est papa, mais j'arrive pas à l'oublier. Mais pense à toutes les saloperies qu'il t'a fait. Quoi, il t'a fait cocu. À chaque fois qu'il m'a fait cocu, j'ai fait cocu. Donc on a égalité. Donc, oui, mais c'est lui qui a commencé. Oh, la relation sympa, quoi. Ça devait être cool, ouais, c'est vrai. Vous avez passé 2 années super tous les deux là. Mais je l'aime quand même. Et donc ça fait 3 ans que je suis plus avec, qui fait sa vie. Et donc ça fait 3 ans que j'enchaîne gars sur gars. Et tu t'attaches à aucun. Ok, j'arrive pas. Ok. Ouais. Mais genre, quand tu dis t'enchaînes gars sur gars, tu t'en es tapé combien là en 3 ans? Je compte plus, vaut mieux. Non, en une soirée. En une soirée. Bah, elle teste, hein. Bah, je teste que je trouve le bon, hein, écoute. Et tu trouves pas pour l'instant? Mais franchement, au bout d'un mois, je peux plus, enfin, je le supporte pas, même moi, c'est trop. Ah ouais. J'arrive pas, ouais. Ouais, mais toi, t'es encore amoureuse de l'autre, au final. C'est vrai, toi, t'as raison, à la limite, on l'a. C'est plus compliqué pour Ouais, mais ça, ouais, toi, t'as rien à foutre de l'autre, quoi. Ouais, mais carrément, elle me disait. Ouais. Elle me disait qu'au début, elle savait pas que ça venait de cette histoire du mec, en fait, et qu'elle elle a réalisé le truc. Au début, tu disais, c'est que maintenant, je réalise, en fait, que c'est le fait que je suis toujours je pense toujours à lui, en fait. Là, ça tient debout, ça, par contre. Il est encore dans mes rêves. Non mais surtout pour lui t'es plus rien du tout, le mec s'est marié, fait des gosses. Ouais, t'es une ex quoi, c'est fini. Ah bah oui, mais... En même temps, bon, il a raison aussi, la vie elle continue. Mais peut-être qu'il y a un truc comme ça, il sait, par rapport à l'autre là. Ah, mais c'est inconscient. Non, franchement, c'est. Si, enfin, dis-le, Issa, c'est ça. Tu sais, tu. Non, ça n'a rien à voir. Mais après, Issa, si tu veux, on peut se rencontrer, vu qu'on est pareil. Tu vas gibonner. C'est bon. Non, avec mon ex, enfin. Non, mais écoute, Issa. Il a pas dit oui. Je sais ce que tu me dis, parce que j'ai un ami, il est exactement comme toi. Ah, mais il en a plein le cul. Et il en a plein le cul. Ah, non, il en peut plus, là. Il a plein le cul. Il arrive à saturation ce soir, là. Il est comme toi, il pense toujours à une ex, mais il est dans le déni. T'es dans le déni. Ouais, je suis dans le déni. Non, ouais. non, ça n'a rien à voir. Moi, non, mais si, peut-être que c'est inconscient. T'es vrai, Romano, c'est inconscient, non, tu l'as dit. Moi, franchement, non. Moi, je suis parti parce que voilà, c'était trop de la jalousie. Enfin, parle bien dans ton téléphone, ici, quand t'entends bien. Enfin, je suis parti, moi, parce qu'il y avait trop de jalousie. Je pouvais rien faire. Je pouvais pas liker une photo de Facebook sans qu'elle me prenne la tête. Ah ouais, c'est drôle, ouais. Enfin, ouais, voilà, c'était plus ça qu'autre chose. Ouais, c'était invivable. Ouais. C'est pas facile à vivre. Moi, je pense que ce qui te manque, c'est une vie de couple. Ah, en fait. Attends, son mari pense. Ouais. Non, mais c'est la tendresse, la complicité et tout ouais, ça. Exactement. C'est ça qui te manque. Merci, Marie, tu m'as compris. Oui, bah ça, bon, Marie, t'inventes rien. On avait tous compris qu'il cherchait ça. Ton mari, t'as l'impression qu'elle te fait la. J'ai une déclaration à vous faire. Mais non, mais. J'ai également découvert que Issa nous avait appelé pour passer sur l'antenne. Non, mais au-delà de son ex, c'est comme Karima, certainement. J'ai une info à vous donner. Issa, c'est un homme. Non, après, il y a des trucs qu'on a enfouis dans la tête et puis on se rend pas compte. Hein. Ouais. Je prenais l'exemple de Romano tout à l'heure avec la Non, mais Romano, il en peut plus. Il en peut plus. Là, vous entendez, il en peut plus, le pauvre. Je pense qu'il va craquer les nerfs. Tu m'étonnes, Romano, faire l'amour dans un cimetière, tu m'étonnes. Eh ouais. Ah, Issa. S'il te plaît. Parce que toi, a priori, avec ton ex, t'es dans le même cas que moi, t'es grave amoureux d'elle encore. Franchement, ça n'a rien à voir. Hein. Oh, tu sais, Karima, qu'il y a plein de mecs qui veulent te rencontrer, ils sont tombés amoureux, mais direct, comme ça, pam. Depuis tout à l'heure, je sais pas. Elle est loin, Karina. Elle habite à Bordeaux. Moi, je suis au 72. Ah, parce que Issa, il sera pas contre. C'est sympa, Bordeaux. Non, mais un truc. Ouais, je connais, j'ai déjà été à Bordeaux. Vous pourriez peut-être vous rencontrer, en fait. Bah, on sait jamais, hein. Vous êtes peut-être fait pour aller si être ensemble. Tu viens te promener. Moi, je viens te faire une visite, hein. Ah, je te fais une pipe. Tu pourras manger dans son resto. Un petit resto gratuit à Bordeaux. Ah, c'est déjà pas mal. Il y a de bons hôtels aussi. Oh, bah, ah ouais, voilà. Ah, Karima. Mais Karima, t'as raison. Mais peut-être chercher là-dedans. Après, Issa, attends, la vie, elle fait son œuvre. Tu veux pas rester comme ça tout seul, hein. Non, puis il faut arrêter de chercher. Comme on dit en Bourgogne, non, chaque pas. Pot de moutarde a son couvercle. Et c'est ça qu'on dit à Dijon. Oui. Mais après, ce qui est chiant, c'est qu'on s'en lasse vite. Par exemple, moi, je me lasse vite des mecs, mais je peux pas m'en passer. C'est... On a remarqué, Karima. C'est une drogue. J'aime ça, la quéquette. Hein. Oh oui. Oh oui. Coquine. Oh, oui. Elle est où, cette charmante? Elle est à Bordeaux. Elle est à Bordeaux. Bah, au moins, elle est vivante. Non, mais c'est bien, bah, t'as raison. Au moins, tu t'éclates, Karima. Ouais, c'est clair. Bon, Issa. On a qu'une vie. Voilà. Profites-en, toi aussi. Et puis, tu sais, c'est vrai que c'est quand on l'attend le moins. Qu'elle arrive. Bon, c'est une espèce de banalité à la con qu'on sort, mais parfois ça a du vrai. Arrête de bloquer sur tous tes potes qui se cassent, tu vois. Tu vas à ton rythme. Hein. Qui se cassent. Oui, qui se cassent. Ouais, mais tu parles mal, Marie. T'as dit qu'ils se cassent, on comprend pas non, mal. Non, elle parle pas mal, elle parle bourrée, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Merci, ça. C'est vrai. Bon, ça fait plaisir. Merci, Karima, on te fait un gros bisou. Et est-ce que c'est possible d'avoir un maillot de Barça? Tu as besoin de faire du Barça, toi? Oui. Mais on m'a dit que tu étais fan de Skyrock aussi. Oui, mais... Tu préfères le maillot du Barça? Ah bah, ça sera maillot Skyrock. Non, par contre, les Bordelais, alors, j'ai l'impression là qu'il y a une vague de... Ah ouais, putain. Une vague qui nous ensevelit, c'est les Bordelais messages. Sur les messages. Il n'y a que ça depuis tout à l'heure. Karima, c'est un carton. Bon, et puis pour Issa, les filles, pour eux aussi, il est du Mans, hein, pour les filles qui se demandaient. Issa, tiens-nous au courant de la suite. Et puis, pour l'instant, éclate-toi. Baise un coup si t'as envie. Puis bah, tu vas tomber sur la bonne, ouais. Il n'y a pas de souci. Merci, en tout cas. Bon courage. Salut, Issa. Ciao. Avec plaisir. Et on t'envoie le t-shirt Skyrock à toi. Salut, Issa. Salut, Karima. Ciao. Salut, Issa. Bisous. Ciao, bisous, Karima. Merci. Ciao. Bisous. Alors, le problème du mois. Avec, il s'appelle Julien. Ouais. Oui, avec Julien. Oh, qui s'étouffe tout seul, le pauvre. Julien, donc, qui se pose beaucoup de questions avec sa meuf. Il se gode mutuellement. Bon, lui, il l'encule. Attire l'arigot. Et problème. Lui, aussi enculé. Ouais. Et ils aimeraient connaître la longueur maximale, le diamètre également qu'on peut rentrer maximal. Et la dernière question, c'était oui, homme et femme. Est-ce que l'homme et la femme ont le même trou du cul? Alors pour Julien, moi si ça peut l'aider, il y a Louis qui m'a appelé au standard. Ah Louis, il veut pas passer. Non, en fait il est anesthésiologue. Il peut pas s'arrêter, il y a beaucoup de bruit, il conduit. Et il m'a dit son beau-père en fait, il est procto. Non, chirurgien de l'hôpital. Ouais. Et en fait, il lui a raconté qu'il y a un mec une fois qui est arrivé avec une bouteille de 1 litre en verre entièrement à l'intérieur de l'anus. Bravo. Wow. Bravo. Magie quoi. Le mec, j'ai mal au cul, hop, radio, une bouteille en entier dans le trou. Mais vide. Bravo. Ouais, vide. C'est homme, mon frère. En fait, c'est ventouse. En fait, c'est ça. En fait, c'est les mecs qui se le mettent par le goulot et en fait, ça fait appel d'air. Bah ouais. Et après, ça coince. Ouais. Et ça peut pas sortir. Donc ils doivent l'endormir. Ils font comment pour sortir le truc? Écoute, j'ai pas de quel enfer. Et deuxième, un autre qui est rentré avec un jeu complet de pinceaux, tu sais, pour faire la peinture. Oh, c'est sympa. Pareil, il voulait couleur marron, je crois. Pareil, entièrement rentré à l'intérieur de l'anus. Donc si il a gros pinceaux sur le cul, pot de peinture. Les gros pinceaux, pas les rouleaux, les gros pinceaux larges. Ah, genre peintre en bâtiment, quoi. Ouais. Pas les pinceaux que tu utilises pour faire un petit dessin. Non, c'est les gros pinceaux que tu peux faire. Ah ouais, il y en a qui ont des bons manches. Et bien lui aussi, champion, mon frère. Ça peut peut-être indiquer un peu la taille du truc, tu vois. Ah, c'est gros, hein. Voilà, j'ai pas plus de détails. Mais là, on avait vu une photo du truc, la fistinière, là. Il y a un c'est bras. C'est horrible. Ouais, c'est jusqu'à l'épaule. Jusqu'à l'épaule. Il y a un bras. Il y a le coude. Ah, mais même dans les films de cul, tu vois, je regarde plus des trucs avec des meufs, mais des meufs, elles prennent cher. Hein. Le bras, rentre facilement jusqu'au coude. Hein. Jusqu'au coude. Bah là, c'était jusqu'au. Combien ça fait un bras de mètre? Bah, ça dépend. Ah, 2 mètres. Non, je crois. T'en es sûr, Mano, 2 mètres? Ça dépend déjà des personnes. Ouais, c'est clair. C'est vrai que Cédric, par exemple, il a des tout petits bras. Ouais. Comme ça, ici. Ouais, c'est vrai. Cédric, ses bras, ils arrivent au niveau de ses seins. Comme ça. Genre. En fait, on dirait les avant-bras qui sont sur le corps. Oui, ouais, c'est ça. Il y a que des avant-bras. Ah ouais. C'est vrai. C'est un kangourou. Donc, c'est vrai, t'as raison, Mano, la taille du bras, ça dépend. Bah, 1 mètre à peu près. Bah, si tu te rends un bras dans le cul, vaut mieux rentrer le bas de Cédric qui est tout petit. Ouais, je peux pas le faire. Non, mais j'étais un petit truc comme ça. La hygiène du bras. Ta Marie, elle essaye. J'essaye. Le rectum est long de 12 à 15 cm, dont 10 à 12 pour la portion pelvienne et 2 à 3 pour le canal anal. Ah, voilà, c'est ça. Ça, c'est le message de Zvayel. Ouais, mais un bras, c'est fait plus de 15 cm. Non, mais parce qu'en fait, c'est coudé. Genre, tu mets le bras, c'est un virage. Ça coude, quoi. Ouais, il faut faire des virages avec le bras comme ça. Ouais, c'est ça. Pas mal. Ça fait un mal. Ah bah Marie, essaye, tu nous dis. Ah non, jamais de la vie, t'es malade. Tu es détendu, non, Marie? Ah non. Mais Marie, t'as déjà bien pris une main, tu peux bien. Non, j'ai pas pris de main. Et le bras, t'as arrêté un peu ton cirque. J'ai pas une main. Si, tu m'avais dit deux mains. Les cinq doigts avec. Mis à pied. Les cinq doigts avec les pointes des doigts regroupées. Oui, mais pas où il y a les phalanges. Oh. Ah, les cinq doigts, c'est la main, Marie. Non, mais genre, il t'a rentré que juste le bout. Arrête. Bah oui. Ah, mais oui. Jusqu'où il t'a rentré? Bah là. Horrible, un bras, nous dit pas. Ouais, bah une demi-main. Non, les doigts. Ça, c'est doigts, ça. C'est une demi-main. Non, ouais, ça, c'est les doigts, ça. Non, mais là, je témoigne. Romano a raison. Elle a montré une demi-main. Bah, excuse-moi, Marie. Jusqu'à preuve du contraire, les doigts, ils sont sur la main. Ah bon? Ah non. Oui, mais sur les doigts. C'est pas con, votre truc. Bon, tu nous dis dans un instant avec la réponse. Je vous dis. On aura la réponse officielle du problème du mois qui arrive tout de suite après. Bah, Ishaï. Ah oui, Ishaï avec nous. On va te filer un coup de main, Ishaï. Donc, t'as 24 ans, t'es à Paris. Tu kiffes une meuf qui va souvent à la bibliothèque. C'est là que tu l'as rencontrée. T'es à la fac. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fout à la bibliothèque? Bah en fait, quand on n'a pas cours, on va... Elle fait un tennis, je sais, mais... J'ai pas osé te le dire. Mais pourquoi elle y va, souvent? Bah, de toute façon, on va tous souvent à la bibliothèque pour préparer nos cours et tout, les travaux dirigés, les devoirs et tout. Donc on est tous souvent à la bibliothèque, c'est vrai. D'accord, mais c'est une fille qui a l'air plutôt sérieuse, plutôt... Ouais, si elle est à la bibliothèque, c'est plutôt style fille sérieuse. Oui, en général, oui. Ouais. Mais il y en a plein qui vont à la bibliothèque, quoi. Je te dis, tu te pointes avec 5 bouquins tous les jours et tu fais... Oh, je suis fatigué, j'ai lu toute la nuit. Et des petites lunettes. Et là, elle va se dire, oh, putain, je vais me faire chier avec lui, le mec qui passe sa nuit à lire. Ah ouais, t'as la meuf, elle en a déjà plein la tronche. Donc, tu voudrais savoir comment on fait pour essayer d'attirer son attention, en fait, c'est ça? Ouais, en fait, pour lui parler, j'ai pas de problème, je suis pas timide et tout, c'était juste que, bon, c'est une meuf que, qui me plaît, tu vois, avec qui j'aimerais me poser et... Mais tu l'as parlé, vous en êtes où, d'ailleurs? Attirer son attention pour amoindrir les chances de prendre un râteau, toi. Mais par exemple, vous avez parlé de quoi quand vous discutez ensemble? C'est quoi? C'est bonjour, au revoir? Oh, il fait beau. Non, oh, c'est en fait, on se voit juste depuis l'année dernière et là, depuis la rentrée, juste on se dit bonjour, quoi. C'est tout. Non, mais déjà. Ouais, genre, vous dites bonjour parce que, vous connaissez de vue, quoi. Mmh. Ouais, voilà. Parce que vous êtes tous les deux des fans de la bibliothèque. Ouais. Non, mais c'est comme un voisin dans ton immeuble. Souvent, c'est pas ton pote, mais vu que tu le croises régulièrement, oui, à bout d'un moment, tu te dis bonjour. Non, mais là, comme t'es en troisième année, tu peux peut-être lui proposer si elle pêche, comme elle est en deuxième année, si elle pêche sur un truc, de l'aider. à pêcher. À pêcher, c'est pas la morue. Ah, la truite, la morue. Non, mais tu peux lui dire à la bibliothèque. Ouais. Ouais. Ça peut déjà faire un. Puis à la bibliothèque, tu vas lui dire ça et tous les gens autour, ils vont être là. C'est vrai. Ouais, il fait chuchoter. Faut parler tout bas. La bibliothèque. Je me souviens du cognac et comment il nous cassait les couilles avec ça. Ouais. Monsieur Romano. Au CDI et tout, ouais. Là, tu veux demander un truc. Oui, j'aimerais avoir tel livre. Excusez-moi, j'aimerais avoir tel livre. Il y a Ibra qui dit, mais pourquoi tu vas pas cash? Il a raison. Ouais. Bah, je sais pas, ouais. Tu l'invites à boire un verre, par exemple. Enfin, tu vas pas cash, tu vas pas l'amener dans ton lit tout de suite. Tiens, oui, ma chérie, on va aller à l'hôtel. Voilà, non. J'ai réservé une chambre pour te niquer sauvagement. Non, là, ça va pas le faire. Non, mais tu peux aller la voir et lui dire, ouais, tu bouffes fou à midi. Tu saurais faire ça, Romano, toi. Parce que c'est un peu timide, Romano, avec les femmes. Faut qu'il soit ivre, mort, en discothèque pour arriver à ses. Non, ça va, je suis pas non plus, je suis pas un ivrogne notoire. Ivre, mort sur les dance floors. Oui, ça, si la meuf, je lui dis bonjour, ouais, je le ferais, ça. Bah, tu vois, c'est possible, ça, Ishaï. Ouais, mais ça fait chelou, un hein, gars qui connaît à peine, qui vient de te dire ça. Tu le connais un peu, tu nous dis que tu le connais depuis l'année dernière. Après, non, c'est vrai. Je connais juste de vue, quoi, parce qu'on se croise dans les couloirs, c'est tout. Et, un truc à la con, à la bibliothèque, t'as le droit d'amener du café ou pas? Ouais. Ah, bonne idée. Propose-lui un café. Ouais. T'amènes du café, genre un Irish coffee, je propose. Voilà. Voilà, oui. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Eh oui, bonne idée, c'est vrai, ça. Ah, voilà. L'idée de qui? De Monsieur Romano. C'est comme par hasard. En fait, comme par hasard. Et vous savez que j'ai une petite idée. Ah ouais, du coup, j'ai une idée. Ouais, bon, on n'a pas le temps de le sens. Bien, si. Non, on n'a pas le temps. Tu arrives avec. Je vais être obligé de couper ton micro. Ouais, ouais, ça se fout ma gueule quand je le dis. Non, mais tu peux arriver avec un thermos. Et dedans, tu mets du thé. Ah ouais, pas mal le thé. Ah, le thé. C'est bien. Ouais, non, mais à ce moment-là, tu peux amener une bouteille de coca. Non, mais d'ailleurs, pas mal. Enfin, d'ailleurs, je trouve ça mieux l'idée de Difool. Mais tu vois, tu vas te faire enculer. Non, je vais te dire pourquoi. C'est bien, il a raison. Non, je vais te dire parce que pourquoi du café, il y a des gens qui boivent pas du tout de café, voilà, à te mettre avant. Tandis que le thé, même les gens ne boivent pas, ils acceptent le thé. Non, moi, monsieur, je ne bois pas de thé. Je ne bois pas de thé, je vous emmerde. Ouais, vénère. Connard de Marseillais. Je suis d'accord avec Samy, moi. Non, mais le thé. Pas du tout, bah non, le café, café. Ah, bah, bon thé. Avec des petits gâteaux. Alors, on nous dit, pour commencer, jette-lui un bouquin sur la gueule, par inattention. Là, tu auras une réaction, ouais, et après, tu discutes. Tu la défies. Tu l'es bouillante avec du café c'est chaud, génial. On peut rajouter ça, ouais, ça. Tu nous proposes un café, on nous dit, c'était Biff sur le boule qui avait cette super idée, là. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, tu as la voix d'un personnage de dessin animé, genre un canard. C'est sympa. Sympa pour, c'est cool. Ishaï. Et, café. T'as pas la gueule du canard. Il y a l'idée, à chez Léon Moulefrite. Hey. Oh là, pourquoi j'ai pas compris? Non, mais c'est le message de Mikey. Ah ouais, parce que bon, manger des moules pour un rendez-vous galant, il y a mieux quand même. Ça, ouais, c'est clair, ouais. C'est trop plein la moule. En plus, chez l'autre Bruxelles, tu sais, ça pue la moule. Ah, c'est bien low cost, toi. Il faut que ça, donc tu rentres là-dedans, ça t'as l'impression de rentrer quoi dans une moule. Mais c'est bon, mais ça pue la moule. Ah, oui, ça sent la moule. En même temps, ils servent que ça quasiment. Et regarde, Romano, très bonne idée, le thé, dit Foul. Inès, du 91. Et c'est pas la seule. J'ai eu plein de messages qui me disaient que c'était bien le thé. Ouais, mais le café, c'est super, la iced tea. De toute façon, l'idée du thé, j'aurais pas eu l'idée du café, t'aurais pas eu donc. Ah si. T'as pas eu l'idée de café, toi? Bah ouais, j'ai dit du café. Ah, ouais, t'arrives ouais avec le café, tu lui offres un café. Ah, c'est vrai. Et si elle te demande un thé, tu dis, ah, tu fais pas chier, connasse. Mais par contre, moi, je mettrais une petite précision. Ouais, oui, bah tu nous fais chier. On en a fait, pas le temps, ça. Non, mais faut pas que t'arrives comme ça, tu veux un café. Faut que comme par hasard, tu sois assis à la même table qu'elle. Ah non, mais oui. Non, oh, mais t'en oui veux un, tu ouais, vois. Ouais, tu sors du thermos. Oui, non, mais oui, évidemment. Ouais, là, tu vas pas te trimballer avec un plat. Ouais, c'est ça. Tu vas se mettre une je fasse tomber un livre près d'elle. Je dis bon, pour m'étudier, ça ferait un café. Non, là, tu vas passer pour un trou duc pour rien. Non, ouais, pas besoin. Non, t'es sérieux, t'es un mec sérieux. Non, mais tu viens avec un truc, un tumbler. Ouais, et quand tu le sers pour toi, tu mets du thé à l'intérieur, c'est bien. Voilà. Du café ou du thé, du thé c'est bien. Une boisson chaude en tout genre. Ou même, t'en fais, même si grand luxe, t'arrives. Ah ouais. Un tumbler de café, un tumbler de thé. Ouais, beau gosse. Tu fais, je te sers quoi? Café, croissant. Croissant, pain au chocolat. Là, de ton sac à dos, tu sors le presse orange. Le mec, il est. Une table roulante, tu sais. Je te fais un souci. Bon, vas-y, mais vas-y, je te sers un petit jus de fruits, c'est pour moi, bébé. C'est moi qui régale. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal nos idées là. Non, mais le coup, de lui proposer une boisson alors que t'en as, ouais, c'est sympa, tu vois. Ouais, ça c'est bien ça. Ouais. Et ça peut ouvrir comme le. Comme ça, au moins, quand il y a une boisson verte, tu discutes sur ce qu'elle lit. Tu peux faire la même chose avec un sneaker là. Ouais, c'est vrai, c'est convivial là. Ouais, mais le. Ouais, non, non, tu prends un Twix dans ce cas là, parce qu'ils sont bleus les Twix. Ou un Kinder Bueno. Par contre, tu n'oublies pas. Quand tu lui proposes le café, tu le fais tout bas. Ishaï, il y en a qui travaillent. Ah ouais, bibliothèque. Bon, bah tiens-nous au courant, Ishaï. Ok, merci. Merci. Je peux passer une dédicace? Vas-y, Ishaï, et puis on va lancer la roulette, là, tiens. À David, Brahim et à tous ceux qui m'ont reconnu. Eh ben, tu salues tout le monde. Merci, Ishaï. Tu reviens quand tu veux. T'es à Paris, hein, pour ceux et celles qui s'intéressent. J'ai vu que Marie qui voulait savoir où est-ce que tu étais. Paris, la capitale. Ouais. On lance ça. C'est possible de chanter les conseils pas chers avec Romano ou pas? Ah, écoute, après mon idée géniale, je peux chanter les conseils pas chers en jouant juste la roulette qui va tourner. Ok. Dans un instant, on vous offre 10 heures. L'abonnement Premium Plus, c'est le plus gros abonnement de 10 heures pendant un an. Ouais. Ça vous coûte rien. C'est Skyrock qui paye et c'est pour fêter l'arrivée de Skyrock sur 10 heures. Vous voulez votre 10 heures, vous envoyez au 72020 roulette. Roulette au 72020, on vous tire au sort et vous faites tourner là. Il y a notre roulette beau logo avec nous. Sur 10 heures. Il est beau le logo Skyrock sur 10 heures. Bon, bah, vous vous inscrivez, puis vous gagnez un an de son, à télécharger, à écouter, à faire ce que vous voulez avec. En illimité, sans pub, c'est gratuit, c'est pas cher. Et tu voulais chanter les conseils pas chers, justement. Allez, vas-y. Allez. Envoyez la musique. Préparez-vous pour les derniers conseils pas chers de la semaine, demain. Hein. Ouais. Demain matin, ouais. Les premiers à 6h40. Oui. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Ah, Marie, oublie les paroles. Non, non, non. Attendez, c'est les quoi? Non, je te laissais chanter. Les conseils pas chers. Les cons de Difou, les Romano, peut-être. Non, c'est pas ça. Non, tu chantes bien. Hein. Conseils pas chers. Bravo, Ishaï. Ne raccroche pas, on t'envoie un t-shirt Skyrock à la maison. Dans un instant, témoignage pour le problème du mois, Julien. Et la réponse. Et la réponse du problème du mois. Et puis le son de Fuck Bob. Calvin Harris et Rihanna, qu'on vous avait promis tout à l'heure. Eh bien, on se le balance tout de suite. Il y aura du Ken Jones aussi pour finir l'émission. Et donc, réponse du problème du mois et témoignage de Julien. T'es là, Julien? Ouais, yo. Ouais, Juju. Yo, Julien, tu es le roi du trou du cul? Oui. Non, c'est pas moi directement. Non, mais tu t'y connais, quoi. Bah oui, bosse à l'hosto. Ah, bah nickel. Ouais, c'est ça, je suis externe en médecine, en fait. Et t'as vu des trucs de fou, toi, c'est ça? Et non, mais j'en ai pas vu des tonnes, hein, mais du coup, je suis passé en stage et et ouais, on en voit passer de temps en temps. Ouais. Ah, bah, tu vas nous expliquer ce que tu vois passer de temps en temps. Les anecdotes. Ne bouge pas. Tu bouges pas, Julien, après Rihanna, on t'en retrouve. Allez. 21h minuit, Tifou. Radio Libre, Radio. Tous les soirs sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Lightning strikes every time she moves. Oh, this is what you came for. Lightning. Riri, Rihanna sur Skyrock, this is what you came for, avec Calvin Harris. Diffoul, radio libre, what the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Bon, alors on est avec Julien là, Julien qui est avec nous, juste avant de faire tourner la roulette, t'es à Lille, t'as 26 ans Julien, on te prend en speed parce qu'on m'a dit que t'avais pas beaucoup de temps, parce que t'es en train de bosser là, non? Non, du tout. Ah d'accord, ok, moi je croyais que tu bossais à l'hosto. Ah non, on va prendre notre temps alors. Fini la journée. Alors donc tu bosses à l'hosto et on rappelle quand même le problème du mois de ce soir. Non, c'est Julien avec sa femme, ils se godent mutuellement l'anus. Oui, j'adore. Et ils aimeraient passer à la gamme supérieure, mais ils se demandent quelle est la longueur maximale d'un anus. Quel est le diamètre maximal que peut prendre un anus. Oui. Et est-ce que les hommes et les femmes ont le même anus? Alors on a eu plein de messages de ceux qui font des études de médecine ou qui sont intéressés au sujet de l'anus, des anusologues peut-être. Ouais. Philou du 83, elle a 18 ans, elle dit moi je suis étudiante en médecine, le rectum mesure 15 cm. Il continue ensuite sur le côlon sigmoïde. Ouais, alors on a eu plein de messages pareils, ouais. Ouais, bah alors ça, j'avais pas. Bah, de toute façon, et puis derrière, t'as l'intestin. L'intestin, il fait combien? 7 mètres? Bah, derrière, j'ai trop du cul, monsieur Bromédo. Non, mais l'autre qui se prend le bras en entier, à mon avis, il gratte l'intestin. Ah, ah ouais, mais Julien. Ouais. L'intestin, il fait combien de mètres? Il y en a deux. Et ben, du coup, en fait, t'as l'estomac, après, t'as l'intestin grêle, t'as fait, en fonction des personnes, c'est genre. L'intestin grêle, c'est quand ça fait mauvais temps. Ah, ça, c'est combien t'as dit? 7 à 8. 7 à 8 mètres. 7 à 8 mètres, ouais. Mais ça, c'est l'intestin grêle, en fait. Et en fait, ceux dans quoi les gens ils foutent les trucs, c'est le côlon. Donc, il y a trois parties au côlon et ils terminent par le côlon sigmoïde. Quand les gens ils se foutent des trucs dans le cul, ça reste dans l'ampoule rectale et au pire, ça remonte jusque dans le côlon sigmoïde ou le côlon gauche. Ouais, ça va pas jusque dans la gorge, quoi. Ouais. Je peux vous poser une question? Est-ce que vous avez le cul qui se resserre quand il parle de ça, vous? Non, ça va. Ah ouais, moi j'ai eu le cul. Ah bah complètement, moi. Toi aussi? Ah, je me suis levé sur moi, j'ai eu mal, moi. T'as mal? Ah ouais. Ah, mais j'ai oublié quelque chose. Merde. Mon gauche bras. Ah, merde. Je l'ai retrouvé. Ça y est, je le cherchais depuis des années. Ah bah, il est là. Ah ouais, dégueulasse. Et toi, t'as vu des gens avec des trucs. Dans le cul? J'en ai vu un, moi, c'était comme Karim disait, là, une bouteille qui était foutue par le goulot. Ah, c'était Samy. Ah oui, comme la bouteille dans le cul. Et genre, ça a fait appel d'air, c'est rentré. La bouteille dans le cul de Samy. C'est moi qui ai raconté, c'est pas moi. Oui, oui. Ça fait ventouse, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, bah, là, faut passer au bloc. Mais sinon, il y a un peu de tout. C'est genre anesthésie générale après? Il vaut mieux. Ouais, généralement. Ah ouais, parce que tu vois une équipe de médecins qui te trifouille le cul, vaut mieux être en. Et Julien, et anesthésie générale, j'imagine tu dois lui écarter l'anus pour pouvoir sortir le truc, non? Avec des pinces ou? Ouais, c'est ça. Et en fait, ça s'appelle des écarteurs. Et écarteurs. Fait, j'en ai. Je joue avec le week-end. Il y en a chez les gynéco, ouais. Ouais, voilà. Et c'est ça. C'est les pinces. En position gynéco. Et ils foutent un écarteur dans l'anus. Et puis, si ça se dilate pas assez, ils mettent des produits pour dilater encore plus. En gros, je vous déconseille de vous mettre une bouteille dans le cul. Non, mais ouais. Et puis, de toute façon, ils sont tarés de faire ça. Genre, une bouteille en verre, ils se pètent dans le cul. Comment ça doit être craquage à l'hôpital? Ah ouais. Il y a ça. Ah, les mecs, ils doivent être morts de rire. Des ampoules ou des trucs comme ça, ouais. Des fois, il y a des risques. Des ampoules. Ouais. Et le mec, quoi, ils veulent se mettre la lumière dans le cul? Parce qu'il fait sombre. J'en sais rien, ça. Bah, c'est tout marron, Romano, mais dedans. La caverne. Et le mec, il avait dit quoi? Genre, je suis tombé sur une bouteille? Je prends un apéro. Ouais, généralement, c'est ça. Les gens, ils disent, mais vous rigolez, non? J'ai glissé par terre et puis, Bien sûr. Coup, la bouteille est rentrée toute seule, dis donc. Bah, en entier. Ouais, c'est ça. Ouais, tu restes sérieux devant le mec et puis après, quand tu vas avec les collègues, tu te marres un bon coup devant la radio, quoi. Au standard, Julien, il me disait qu'en salle de pause ou je sais pas quoi, il affichait la radio et comme ça, il y a tout l'hôpital, tous les employés. Ah ouais, vous les traquez, ils voyaient le truc, tout le monde était mort de rire. Il y a un mec qui est préposé à ça, qui s'occupe des trucs dans le cul ou médecin? Oui. Non. Non, c'est pas ça. C'est dans tous les, enfin plus ou moins dans tous les services d'urgence. Il y a un petit endroit où ils gardent un peu toutes les radios collecteurs. Ouais, toutes les trouvailles. Sortez un bouquin. Je pense que ça existe. Un bouquin avec tous les trucs dans le cul. Ouais, il doit bien y avoir un bouquin, sur tous les trucs. Toutes les pépites, les anecdotes. Alors, il y en a, ça existe. Je te conseille d'aller faire un petit tour à la bibliothèque. On en parlait il y a un instant. Ouais, pour Ishaï. Il a qu'à montrer ça, la meuf qui veut draguer. Bah, t'as vu, j'ai trouvé un livre, il est super. T'as vu ce qu'ils se mettent dans le cul? Regarde. On a pas qu'on essaye. Là, c'est un concombre. Regarde. Bon, Romano, qu'est-ce qu'ils disent pour la réponse? Bon, de toute façon, c'est assez rapide parce que c'est As Fuck Bob. C'est un doctino d'argent, accro à l'anal. Ah, on est sur Doctissimo, là. Ouais, donc c'est les internautes qui se répondent entre eux. Mon cher Julien, je vais donner mon humble avis. Vas-y. Personnellement, maxi en largeur, c'est 10 cm. Mmh. Et la longueur, pour moi, c'est 26. 8 cm de diamètre. De largeur. Ouais, ça, ouais donc c'est ouais. Diamètre. Ouais. Diamètre, ouais. Ça. Ouais. Mais non, mais non, ça, mais c'est 20, ça. Putain, mais toi, t'as pas. Ah ouais, t'as aucune notion. Ah, t'as pas dans l'œil. Distance, non. Non, non, c'est. Ah, pas c'est vraiment. J'ai remarqué, ouais. 6 cm, il a écarté ses bras, quoi. Ouais, ouais, ouais, c'est 10 cm. Bon, 10 cm, c'est. Je pense que c'est une club, tu sais, genre les 100S. Ouais, des grandes. Quand même. Ouais. C'est. Il est souple. Eh ben, moi, c'est ah ouais. Un cigare. En largeur ? Oui. Ah ouais, quand même, Marie. Bravo, Marie. Et la longueur, c'est 26. Après, il y a un blocage physique que je ne souhaite pas forcer, de peur de la douleur. Pour arriver à des dimensions généreuses, pas d'autre solution que l'entraînement. Du plaisir, de l'entraînement, du plaisir, de l'entraînement. Avec des sexes, des godes, du fist et un plaisir. De l'entraînement. Et un jour ou l'autre, vous arriverez à vos fins, à vous rentrer ce que vous souhaitez, ouais. Tout en gardant quand même certaines limites. Oui, je pense que la femme et l'homme ont les mêmes possibilités. Ça, mais en soi, je n'en sais rien. Oui, donc il dit ça, mais. Il... Super. Quelle bonne info. C'est comme au bistrot. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Il faut surtout bien lubrifier, bien huiler le tout pour ne pas avoir mal. Conseil d'expert. Bonne éclate analement vôtre. Analement vôtre. Bisous. Analement vôtre. C'est mignon comme tout. Ah, le mec normal. Ouais, du coup, le mec, il sort des distances. Ouais, il pas bon, merci Julien en tout cas. Et puis, et merci pour les anecdotes médicales. Bon courage à l'hôpital. Ouais, de rien, pas de soucis. Et on t'envoie le t-shirt Skyrock. Ah, si un jour t'as un truc phénoménal. Cool, vous pouvez le dédicacer. Oui, faut qu'on le récupère, qu'on le dédicace, faut pas qu'on oublie parce que parfois on promet, on fait pas. Ouais. Ah, et, ok. Ça et si un jour il t'arrive un truc phénoménal, n'hésite pas à nous contacter. Hein. Ah oui. Ah ouais, bah, ah, y en a de temps en temps, ouais, c'est marrant. Et je lance d'ailleurs l'appel à tous les hôpitaux de France, n'hésitez pas. Hein. Merci Julien, raccroche pas. Salut, à plus. À plus tard. Et la roulette qui va tourner là tout de suite. Ah ben oui, c'est l'heure. Et le prochain problème du mois, jeudi prochain, bien sûr. Ouais, c'est 10h. Allez, 10h. Non, il est minuit. Oui, non, mais ouais, ça tous les soirs. Skyrock t'offre ton abonnement premium plus d'un an. Skyrock à 10h. Et ouais, Skyrock a débarqué sur 10h. Et à cette occasion, on vous offre vos abonnements 10h tout au long de la journée dans la roulette. Ouais. Et c'est Nicolas, 20 ans, du 5-9 qui est avec nous. Salut Nico. Salut. Ouais, Nico. Coucou. Eh ben écoute, bienvenue à toi. Nico, bah oui, ça va. T'as passé une bonne soirée. Très toi bonne. Aussi, t'as passé une bonne soirée. Très bien. Très bonne. Eh ben, elle va bien se finir puisqu'on fait tourner la roulette. C'est parti pour l'abonnement 10h à choper. Pour toi, l'abonnement Premium Plus. Elle finit en beauté la soirée. Il y a tout dans l'abonnement Premium Plus. Ouais. Ouais, tout. Tous les sons du monde. Du monde. Attention, on a offert 1 500 € à Lille ce matin, non ? Non, c'est vous qu'on a offert. Non. On était, ouais, non, je me suis trompé. C'est con qu'on a offert de l'argent à Lille. Ah, t'as dit full cherche. Ah, je trouve pas. Non, c'était un iPhone ce matin à Lille. Ah, un iPhone. Ah. Ouais. Eh ben, c'est bien, Lille, vous êtes gâtés, puisque toi, tu gagnes ton abonnement 10h Premium Plus. Bravo. Bravo. Merci beaucoup à tous. Bah, merci à toi, Nico. Bravo à toi. Bien joué. Merci. Est-ce possible de gratter un petit maillot ou pas, les gars ? Un petit t-shirt Skyrock, oui. Parfait, bah, ça va très bien. Eh ben, c'est parti. Dédicace. Qu'est-ce qu'on est généreux, t'as vu ça, Romano ? Tu me déteins dessus, je crois. Ouais, mais c'est ça. C'est ta générosité qui est en train de me déteindre. Ça, ça c'est va ça, tuer, c'est évident. C'est fou. Salut Nico, et prochaine roulette demain matin dans le morning entre 6h et 9h. Merci, ciao l'équipe. Salut Nico. Salut. Donc demain matin en direct, le morning, soyez là avec les 1 500 € à gagner. En plus, ça tombe de plus en plus, les 1 500 €. C'est un truc de fou. Tombé trois fois, ouais, ce matin. Trois fois ce matin. Dans le 74, dans le 95 et dans le 30. Bravo à Greg, Sophia et Hatt. Elles ont gagné 1 500 € en répondant Skyrock. Inscrivez-vous d'ailleurs au 72020, vous envoyez 1500 au 72020. Ouais. Pour vous inscrire, vous pouvez vous inscrire maintenant et on peut vous appeler demain matin. Hein. Ouais. 1500 au 72020, petit conseil qu'on vous donne comme ça. Donc demain matin, les 1 500 € à choper, on compte sur vous. Les conseils pas chers, Romano, on compte sur toi. Pas de problème. Les réveils de stars, on va voir demain. Je crois qu'on se fait un film demain matin là. Ah ouais. C'est un film star qui va aider les familles de France, je crois. Hein. Et puis pour tout le reste, soyez là, vos iPhone 7, et puis surtout on fait les cons dès le réveil. Hein. Entre 6h et 9h, du bon son et toute l'équipe du morning. Et demain soir, émission spéciale, soyez là. Special show. Ça, c'est bien, special show. Donc, demain soir, t'as on se retrouve. T'as failli rouler sur Prisca. Entre. Ah, je failli rouler dessus, Prisca. Parce qu'à Skyrock, c'est le luxe, on est chez la roulette. Ouais, c'est clair. Et oui. Donc, demain soir, on retrouvera alors plein de moments qui ont déchiré dans l'émission, mais aussi des moments inédits. Donc c'est et j'ai demandé à tous les membres de l'équipe de choisir un moment de l'émission qu'ils auraient envie de réécouter. Ouais. Eh bien on verra ça demain soir dès 21h. Soyez là. Sélection par l'équipe quoi. Attention. Exact. Et pour bien démarrer le week-end, c'est sur Skyrock. Et Prisca est là.

Gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Du rap, du R&B et du R&B. Skyrock, urban music non-stop. La sacoche est remplie. Je crois que je vais tout baiser. Finir sur BFM TV. Bébé, tu le sais. Si je pense plus te voir, c'est que je suis dans la merde. Un jour, je viendrai sans prévenir et je te dirai en aller. Je suis explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je ne me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on se tire dessus, tirons-nous d'ici. En aller, en aller, en aller. Je suis explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je ne me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on se tire dessus, tirons-nous d'ici. En aller, en aller, en aller. Je leur ai dit l'équipe, là, il faut changer de vie. Et ils ont tous compris. En aller, en aller. T'es tellement soucis dans la tête, des fois de la monnaie. Depuis tu pètes dans la rage, on y est abonné. On a dealé, on a volé, on a charbonné toute l'année pour avoir ce que personne ne va nous donner. On vendait un peu du shit, t'étais même pas né. Rebeu Renault dans des jazz panettes. À 4 ou 5 sur la même canette. Vécu dans la précarité, pas la même planète. J'aime envie de voir le genre, même si c'est la merde. Tous les jours, les gueules nous emmènent. Sa mère, un jour, je partirai loin d'ici et je te dirai en aller. J'suis explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je ne me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on se tire dessus, tirons-nous d'ici. En aller, en aller, en aller. J'suis explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je ne me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on se tire dessus, tirons-nous d'ici. En aller, en aller, en aller. J't'ai arrêté l'équipe, là, il faut changer de vie. Et ils ont tous compris. En aller. Tu fous pas, moi je vais me barrer. À ce qui paraît, ils parlent de nous, mais je me sens pas concerné. J'ai traîné tard le soir, rempli les poches, vidé les gobelets. Nickel casino, je les ai fait changer de croupier. J'étais au Clio, dans les poches, j'ai fait un bébé. Hein, bah tu connais. En aller, j'suis explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on se tire dessus, tirons-nous d'ici. En aller, en aller, en aller. J'suis explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on se tire dessus, tirons-nous d'ici. En aller, en aller, en aller. J't'aurais dit l'équipe, là, il faut changer de vie. Et ils ont tous compris. En aller. Skyrock. Clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You